Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir l'auteur, réalisateur, humoriste et comédien, Jonathan Roberge. Bienvenue au collectif. Lundi le 10 février 2014, bienvenue au Geek Collectif. Mon nom est André Paquette, accompagné comme d'habitude de Milter. Bonsoir. Bonsoir Milter. Monsieur Rick. Bonsoir. Bonsoir Rick. Et ce soir, invité spécial avec nous, Monsieur Jonathan Roberge. Bonsoir. Bienvenue au Collectif. Bonsoir. Merci d'être avec nous autres. Fait plaisir. On m'a payé en bière. Je suis heureux. excellent. Ben, on va souhaiter pouvoir te fournir en bière à ce moment-là. Donc, Joe. Oui. Joe, t'as bien répondu, parce que là, on a la confusion à soir, on va avoir deux Joe, fait que là, je vais vous appeler par vos noms de famille à partir de maintenant. Oui, moi, je reviens. Prenez pas mal. Non, on est chumé. Excellent. C'est bon. Milter, oui. C'est toi qui as l'honneur de starter l'actualité cette semaine. Oh, mes actualités. Ouais. Moi, j'en ai deux, parce que j'ai eu le temps cette semaine, j'ai écouté une télésérie. Je sais même pas si je peux appeler ça une télésérie, parce que je pense que c'est juste sur Internet. Puis je trouve que ça va fit bien avec le sujet un peu d'asseoir, là, que M. Roberge est une personne sur Internet et qui fait des vidéos, justement, des téléséries. C'est Jerry Seinfeld qui a une série qui s'appelle Comedians in Cars c'est Getting bon, hein? Coffee. Okay, ouais. Je m'attendais pas à ça. C'est excellent. C'est très bon. Puis tu sais, c'est quasiment plus rien que Seinfeld dans un c'est sens. C'est ça l'idée, puis, le meilleur show. Ouais. A show about ouais, nothing. Mais, puis moi, en tout cas, vous autres, vous me connaissez plus, là, mais je suis pas un gars de char. Okay. Mais dans le fond, je savais pas que t'étais Super Bowl. Fait que tu t'es embarqué dessus après l'annonce Super non, Bowl. Non, j'ai pas écouté le Super Bowl pendant tout. J'ai même pas écouté les annonces, malheureusement. Mais non, j'ai embarqué là-dessus dans le jour. Là, quand mes enfants sont à garderie, là, ces temps-ci, j'ai le temps. Là, je regardais ça. Puis j'étais comme vraiment le surpris. Crackle. Puis ouais, Crackle ouais. Sur mon Xbox One. C'est gratuit. Puis il y a même pas de pub. D'habitude, Crackle, il coupe ça en deux, vraiment, bâtard, nowhere en plus, là, pas un bon moment d'editing, là, genre, là, c'est comme, paf, il est en train de dire une phrase, on te sac une pub de 30 secondes, puis ça continue. Les épisodes les plus longs durent, je pense, 16 minutes. Fait que t'as aucune pub, des fois une au début, une pub de Target, nowhere, genre, là. Puis, fait que t'es en train de dire que, dans le fond, que les annonces, t'auras à peu près pour 45 minutes de TV, là. Non, même pas. C'est 30 secondes. En tout cas, c'est le petit show de Jerry Springer. Là, il va chercher ses chums humoristes, des fois, comédiens. Howard Stern, même, il était là. Il a même là, fait une première réunion Seinfeld là, dernièrement. Ben, il a fait George Bowl, Costanza, il était ouais, là. Ben, il jouait Seinfeld de Jerry Seinfeld. Non, ouais, mais show, j'ai même pas vu. George Costanza joue. Ben, Jason Alexander joue George Costanza. Là, c'est vraiment hot. Là. Ah, ben, peut-être c'est l'affaire que j'ai. C'est un début, sûrement, ils vont faire ça. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça bien, bien bon. Puis, je le suggère au monde. Sinon, une niaiserie que probablement bien du monde ont embarqué, Flappy Bird sur leur iPhone ou sur leur Android ou peu importe. J'ai pas quoi. Joué à ça, puis j'ai vu qu'aujourd'hui que le dude avait retiré son shit. Ben, son tu sais, des fois, le meme de Will Ferrell là, dans Anchorman, là, le ouais. Disescalated Quickly. Là, ouais. Mais ce jeu-là, là, c'est ça. Là. Okay. En une semaine, là, ça fait 9 mois, je pense, qu'il est sur le market, là, puis ouais. Tout le monde s'en foutait. OK. Puis il y a une semaine, pour je sais pas quelle raison, ça a pogné. Ça l'a explosé. C'est le web, c'est c'est beauté ça, du web. Le web, mais tu sais, un peu en retard de quand que ça a sorti. Puis là, le gars, à Star, depuis une semaine, là, il te faisait genre quelque chose comme 50 000 dans ses poches par jour à cause de la pub. Puis du hate, là, Internet, encore une fois, là, tu sais, qui rentrait dedans. Puis il y avait du plagiat que le monde disait, parce que ceux qui ont joué au jeu, on s'entend qu'il y a les tuyaux de Mario Bros. Il y a des millions de jeux similaires. Ah, mais le personnage avant. Principal, son Flappy Bird, c'est les poissons qui ben te ouais, sautent dessus dans le deuxième cadre. Ouais. Tu sais, c'est... En tout cas, c'est... Mais le web, c'est facilement... ça te rentre dedans facilement. Bon, ouais, d'aplomb. C'est la barrière que les artistes n'avaient pas avant à dealer avec. Tu recevais des. C'était au premier front, là, dans la guerre. T'es dans sa première ligne. Peu importe ce que tu fais, ce que tu dis, il y a toujours quelqu'un de cave qui va te blaster. Puis, tu sais, t'essaies de t'en détacher. Mais demander, moi, si je suis ce gars-là, puis qu'à tous les matins, tu te lèves, puis t'as au-dessus de 1,4 million de personnes qui t'envoient chier. Qui veulent t'abonner. Ah, mais d'un autre côté, t'as 50 000 piastres. Ah, mais je peux te garantir que l'argent. Si tout le monde fait « Hey, t'es connu sur le web, tu fais un peu d'argent », peu importe l'argent que tu fais, ça te reste dans la tête de te faire blaster constamment. Tu sais. Ouais. Puis d'aller, mettons, souper au restaurant, puis que tu te fais dévisager par deux personnes, puis que tu dis « Avant, ces gens-là m'auraient jamais dévisagé, sachant même si je suis qui. » Mais là, parce qu'ils ont lu quelque chose qu'ils n'ont pas aimé de moi sur Internet, là, ils me dévisagent dans un restaurant. Ils se permettent de me dévisager de même, puis parler contre moi. Ils ont une impression. Même que t'as bien beau dire « Je m'en fous. » Puis même si t'es, est-ce genre de doute qui chie dans la face parce que tu te crises de tout, puis que c'était tes fantasmes sexuels à toi, là. Mais quand t'arrives une moment donné à te faire blaster en longueur de journée, ce gars-là qui devait se dire, écoute, il va avoir 10 000 poursuites contre lui, de te copier le tuyau de Mario Bros. Ferme-nous ta calice de gueule, t'aimes ça jouer avec mon oiseau pis mes tuyaux, mais ferme ta gueule pis joue, tu sais. Mais il peut pas le dire, ça, parce qu'il n'en vendra plus après. Il y avait un article qui disait comme quoi qu'il s'était suicidé, même. Ouais, je sais, je t'ai vu. J'ai sharé en tant que maître désinformateur que je suis, mais tu sais, c'est rendu qu'il y a un faux article là-dessus. Je le comprends, la pression que le gars y a. Mais c'est con parce que ce jeu-là, là, tu sais, ça aurait pris un Phil Fish. Tu sais, le gars qui a fait Lui, ce gars-là, il a fait un jeu, puis le monde, hey, ton jeu, il y a des bugs, va chier, calice. Puis il répondait au monde sur Twitter, puis il se pognait avec. Il a eu les couilles, mais lui, il a fini par lâcher un m'amener. Ça prend de l'énergie. C'est ça, c'est de parce qu'une m'amener, t'essaies de répondre c'est à tout le monde. Job à temps plein. Puis au début de contrat de gars, je le faisais, tu sais. On se faisait blaster par tout le monde, vous êtes homophobe, vous êtes misogyne. Il n'y a rien qui passait. Écoute, je pense, je recevais à peu près 500 insultes par jour sur 10 000 views. Puis tu sais, t'oublies le 9500 personnes qui t'ont pas envoyé chier. Parce que t'es tellement comme... Écoute, t'ouvres ton ordinateur, tu te fais envoyer chier, t'ouvres ton cellulaire, tu vas sur Twitter, ou tu essaies de ce que tu fais, tu te fais envoyer chier partout. Puis tu sais, Chris... Twitter doit être l'enfer dans des... Moi, je suis plus sur Twitter parce que tu dis ta façon de penser, ou tu dis tel parti politique, ou le monde voit que tu suis tel gars, ou tu retweets de quoi. Écoute, pendant le printemps étudiant... ça, c'était l'enfer. Écoute, je me suis fait ramasser, j'ai perdu... Moi, pour vrai, là, j'ai perdu à peu près... J'avais, mettons, une fanpage à 10 000 personnes à l'époque. Ça a descendu à 4 000 personnes parce que j'étais un carré rouge, tu sais. Puis tout le monde me blastait constamment partout. Puis c'était comme... Il oubliait le fait qu'avant, un artiste, il a le droit de penser ce qu'il veut, sacrément. Ouais. Et parce que toi, une fois, t'as posté un article intéressant que t'as lu dans la presse, puis que tu fais « Regarde, il y a des beaux chiffres intéressants. » Puis le monde, au lieu de débattre, font un crise de carré rouge, trou de cul, marde, meurt. Surtout, trou de cul, marde, meurt. Mais c'est parce que souvent, ce monde-là, il écrive tout croche, puis les virgules sont pas à bonne place, puis tiens. Mais c'est tough pour ça, le web, de te faire ramasser constamment. Ben justement, je pense qu'avec ton dernier article là, que tu avais publié, là, Banane, justement, t'as eu des commentaires assez colorés. Hein. Mais tu dis, le monde, son cap, à quel point, puis c'est ça que j'ai réalisé cette semaine. J'ai réalisé... Il ne voit pas des deuxièmes niveaux. Il ne voit pas le deuxième niveau, il ne voit pas le deuxième degré. Où, tu sais, là, on me dit « Hey, t'as pas aimé ça de faire juger dans le dépanneur, hein? Mais pourquoi toi, tu juges? » C'était ça le texte, là. Chris, en seconde à 4, on analysait des textes. « Si, t'as pas fait ça, toi? T'as pas lu un texte où on me disait... « Cherche en arrière. »« Cherche en arrière, pose-toi des questions après un point. » Il y a un point, puis tu fais « Ah, c'est intéressant, c'était drôle, parce que lui, il se fait juste « Ah, c'est brillant. » Non, excellent. Puis de l'autre côté, tu te fais blaster, mais t'as des gens que je n'aimerais pas, mais qui t'écrivent. De l'autre côté, en disant, ton texte était vraiment brillant parce que tu l'as bien. T'as pas fini en faisant la morale avec une phrase qui fait morale. Non, t'as fini ton histoire et les gens vont aller chercher ce qu'ils veulent. Puis là, tu fais, ben non, les gens sont pas capables. C'est plate, mais c'est ça. Mais c'était quoi la règle qui disait, c'est une personne qui déteste quelque chose va en parler à 10, puis une personne qui l'aime va en parler à 3, je pense. Ouais. Puis tu sais, on me dit plus souvent qu'on m'aime pas qu'on m'aime, tu sais. Quand on m'arrête dans la rue ou... Hey, c'était bon ce que tu faisais dans le contrat de gars, mais fiston, je trouve ça un peu de la merde. Tu fais, mais toi, va donc un peu chier, je fais l'épicerie. Ça fait rire des gens. Toi, c'est quoi le dernier vidéo, toi, que t'as eu des millions de views dessus, juste pour savoir? Tu sais, à l'inverse, tu fais... T'es un vendu vu que t'as des millions de views. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Moi, je travaille, mettons, dans un bureau, là, puis je fais de la comptabilité. Ouais, mais quand tu fais quelque chose de pas bon, moi, tu te le dis, moi? Non, mais fait que tu me dis pas quand c'est bon, ben viens pas me le dire quand c'est pas bon non plus. Ah, ça, c'est un film. Ah, mais ça fait partie de la game. qui a décidé que ça faisait partie de la game? J'ai vécu la même affaire en tant que DJ d'un bar quand j'étais plus jeune. Ils disent que c'est de la merde quand c'est de la merde, mais les autres qui sont occupés à danser, qui n'ont pas le temps de venir te dire que c'est super bon, eux autres, tu les prends jamais en considération. Tu prends tout le temps le dude qui pitch de la bière. J'ai dessus, fait la même chose que j'étais DJ aussi dans un bar pendant une couple d'années. Pis... C'était-tu vraiment fait pitcher de la bière dessus? Des fois, moi, j'ai pitché un shooter. Moi, j'ai pitché un shooter parce que souvent. J'avais passé Method Man, Redman, c'est quoi non, The Rock Wilder. Ben ouais. Tout le monde me disait, que c'est vieux! C'est bon, pareil, là, tout le monde danse, c'est un vieux classique. Puis tu reçois un shooter vite, mais sacrement, t'es où, toi? T'as trop bu de Red Bull, man, arrête. Pitch les plein, au moins. Pitch les plein, vise-moi la gueule, offre-moi là. Mais c'est fou, les gens, ils ont plus de. Ils vont venir te voir, te dire qu'ils n'aiment pas ça, puis tu fais OK. Mais ils prennent pas le temps de te dire que c'est bon. Quand c'est bon. Il y en a une coupe. Mais je te dis, pour 4 messages par jour, je suis tout content. Je bois mon café le matin. J'ai 4 messages qui me disent on aime beaucoup ce que tu fais. Mon fils est malade, on est à l'hôpital. Ou tu sais, des petits beaux messages. Puis là, t'en lis 2 super beaux, mais parce qu'il y en a un cave qui t'a envoyé un paragraphe, ça d'insultes avec. Puis un, on dirait la dictée PGL parce qu'il y a plein de trous, puis il y a des fautes, puis tu comprends rien. C'est demandant à lire. C'est demandant à lire. Tu fais, viens-tu vraiment de perdre 6 minutes à lire des insultes? Et si c'est des insultes constructives, ça, je trouve ça correct. Tu sais, hey, j'ai pas aimé ça. Je trouvais que au début, il y avait moins de cartoons dans ton show. J'avais, ah, ok, ah, Chris, c'est pas fou ce qu'il dit. Si t'aimes pas quelque chose, puis c'est constructif, right, mais. Ben, quand on a parti le projet, justement, le premier sondage qu'on a fait avec le monde, tu sais, on fait un Google Doc et on dit au monde, OK, ben gars, on commence un podcast, on n'a jamais fait ça, on est 3-4 personnes qui se sont achetées des micros. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas? Faut-tu être capable de prendre du recul un peu quand tu dis ça, parce que tu fais comme, bon, ben OK, moi, j'aime pas le fait que le volume est inégal dans les voix, OK. André Paquette est un esti de cas. Bon, OK. OK, parfait. All right. Merci. Fait que moi, je fais ça gratis, puis je vais rentrer travailler pareil après, fait que... Mais c'est un peu, je pense, c'est le prix à payer de la libre expression. T'sais, on a voulu avoir un médium où tout le monde peut aller parler avec, puis c'est pas vraiment le prix à payer, finalement, c'est plus ce qui vient avec. C'est plus la conséquence. C'est ça. Il y a une différence entre le prix à payer et une conséquence, d'après moi. Là. C'est parce qu'il y en a un qui t'a fait le choix de, et l'autre, mettons, moi, je vis de mes créations. Okay? Oui, c'est un choix que j'ai fait, mais c'est parce que j'étais malheureux ailleurs dans autre chose. Fait que j'ai pas le choix de faire ça, parce que sinon, je suis crissement malheureux à aller travailler dans un bureau ou quelqu'un, tu sais. Fait que je fais mes affaires, t'aimes pas ça, fine. Si t'aimes pas ça, ça me dérange pas que quelqu'un qui me dit qu'il aime pas ça. Si c'est constructif. S'il prend le temps de me dire, écoute, dans ma job, c'est que je fais, je suis auteur dans le milieu de la télé depuis 4 ans. Et le nombre de fois qu'on me dit, écoute, c'est vraiment pas bon. On n'a pas ri en meeting quand on l'a lu. OK, pourquoi? On trouve que c'est trop juvénile. Puis tu fais, ah ouais, c'est vrai que c'est juvénile, t'as raison. OK, je vais retourner travailler. Constructif. Constructif, tu sais. Pourtant, mon boss ou la personne qui m'a employé ou l'artiste qui m'a employé n'est pas méchant, mais. C'est négatif ce qu'il vient de me dire, mais ça me fait 150 fois moins mal que la petite douchebag dans un bar qui a fait 2 shooters de trop pendant que je suis avec ma blonde. Il va me dire c'est de la petite merde ce que tu fais. Ou la. Tu sais, tout ça arrive, tu penses ça, ça sans joke. Ah ouais. Mais là, je sors plus d'un bar parce que avec Contrat de gars, c'était vraiment désagréable parce que pendant un bout de temps, les gars voulaient juste se battre. Ben ouais, je sortais dans un bar, j'étais le mâle dominant. Mâle ultime. Puis j'avais, mettons, 2-3 filles cute qui venaient me voir. Puis c'est comme, ah, ok, c'est le fun, c'est le fun. Pour un douchebag qui vient te voir, puis qui te pousse, qui t'accroche avec son épaule. Puis qui me disait des fois, ah, puis tu sais, un douchebag ou un cave, c'est un QI pas super élevé de faire ça déjà à base. Fait que tu faut pas que tu t'attendes à grand chose de lui comme réplique non plus. Donc le gars s'en vient, te donne un coup d'épaule. C'est pas intelligent de faire ça en partant. Puis ce qu'il dit, c'est. Ouais, t'as pas tes effets spéciaux avec toi pour t'aider? Ben non. Non, non. Déjà qu'on s'entend que c'était pas J.J. Abrams qui produisait le contrat de gars pour les effets spéciaux. Ouais, ça manquait de lens flare. Qu'est-ce que tu fais, man? Non, je fais pas sauter de tank de problème. Qu'est-ce que tu cherches, toi? C'est comme, tu veux te battre? Tu veux. Puis, tu sais, ça m'est arrivé 2 fois dans un bar où il a fallu que j'aille voir le doorman et dire, écoute, moi, si j'ai pas envie de me battre, ces gars-là, ils me cherchent. Puis, une autre fois au Saint-Sulpice, dans mon conventum. 3 gars qui viennent s'asseoir devant moi dans mon conventum, qui se mettent à me niaiser, puis je suis avec des amis. Tu m'as dit, surtout, tu fais écoute, toi, tu te trouves intelligent, tu te fais rire tes chums, là, tu dis, m'aller niaiser le gars de contrat de gars, m'essayer de me battre avec. Et là, ça a été ma façon de m'en sortir en le ridiculisant un peu. Je me battrai pas avec toi, je me rabaisserai pas à ça, tu sais. Puis à un moment donné, tu fais, je sortirai juste pas d'un bar. Tant qu'à faire face à ça, évidemment. Fait que comme ça, Milter, t'as joué à Flappy Bird? Good job, good job. J'approuve de ce message. C'est tout pour dire que Flappy Bird, c'était de la merde. C'était de la merde, il s'est fait blaster. C'est ça, là. C'était de la merde. Ouais. Downloadez pas ça, vous pouvez même plus l'avoir. Anyways, on en parle. Il y a des gens qui vendent le cellulaire avec le jeu de. Ben, moi, je l'ai, mon iPhone, avec Flappy Bird dedans encore. Ok. Fait que, je suis en train de me demander. Ben, c'était de la folie, ça. Yeah. N'embarque pas là-dedans. Ben, je vais faire un deal 50 000 si quelqu'un veut mon sel. À ce prix-là, je laisse accès à mon compte Twitter et Facebook. En plus, je vais m'en partir un nouveau s'il faut. Je donne un réseau de contacts qui vient avec. C'est ça. Vous êtes chanceux. D'habitude, c'est 45 000 en plus. Fait que, c'est juste 5 000 pour Flappy Bird. Prix d'amis. C'est un bon deal. Fait que, c'est ça. C'était mon actualité de la semaine. J'ai perdu une couple de soirées à jouer à Flappy Bird. Puis c'est le pays au monde. De toute façon, on a pu déraper pour la première fois, là, ce qui est bon. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas dérapé de même. J'aime ça. C'était constructif. Ça, c'est bon. Là. Effectivement. C'était constructif, ça. C'était... Mr. Rick? Ben moi, j'étais allé à Ottawa dernièrement. Ben, c'était fin de semaine. J'allais voir ma famille et tout ça. Puis je voulais juste triper un petit peu sur le fait que mon grand-père il a 76, 77 ans. Puis c'est le plus gros. Il y a eu. Il s'en va sur 77. Là, mais il entre les deux, tu sais, dans sa 77e année. Mais il tripe sur la techno. Puis j'aime juste voir un vieux là, qui tripe sur envoyer des. J'ai appris comment texter avec son nouveau cellulaire. Puis en parlant avec là-dessus, puis tout ça, j'ai vu qu'il y avait un compte de Google Plus. J'embarque dessus. Mon grand-père, il parle sur YouTube comme ça n'a pas de bon sens. Puis j'ai juste trouvé ça trop drôle, lire des commentaires d'un homme de 76 ans. Son point de vue à lui, en train de s'estiner avec des gens, tout est large. Là, man, il sait pas. Que sur son quand il laisse des commentaires sur YouTube, puis que moi, je suis son seul ami sur Google Plus, je vois tout. Rick, il nous recopie ça. C'est tellement drôle. Il nous recopie un commentaire, puis la première sécurité, affaire. Là, c'est hot. Tu sais, je lis ça, puis je fais, man, OK, il y a une affaire, par exemple, que je comprends pas, puis tu sais, tu lis le commentaire du grand-père d'Eric, puis j'ai fait, Chris, ton grand-père comprend Internet. Mais tu sais, pas juste comme, OK, ça c'est un browser, puis ça c'est une. Ton père comprend l'écosystème d'Internet. Non, mais je sais même pas s'il comprend ou il fait par exprès ou s'il est juste lui, mais il a toujours été comme ça. Mais il est tellement drôle à lire. Ah oui. Puis qu'est-ce qui m'a fait rire aussi, c'est parce que c'est un gros amateur du Cuba. Il va toujours au Cuba. Il va au Cuba deux fois par année, une fois par année. Il reste du temps là. Puis il est toujours en train de s'estiner. Puis là, j'ai remarqué sur le Google Plus, sur son YouTube, il s'estine avec des Cubains Miami. Tu sais, les expatriés qui ont parti quand Castro. C'est pas avec Scarface, là. C'est ça. Puis il se pogne avec eux autres où ils sont en train de monter des vidéos en noir et blanc. De comment Cuba était exceptionnellement parfait avant Castro. Ouais. Puis là, mon grand-père qui est comme, ouais, c'est drôle, mais où sont toutes les noirs dans cette vidéo-là? Là, après ça, ça dérape là, dans une chicane, là, où il est en train de s'assassiner avec trois expatriés américains qui pensent que Castro, c'est la pire affaire au monde. Puis mon grand-père, il pense que Castro, c'est son héros. Puis, man, je voulais juste dire, j'ai trippé sur ça. Là. Je voudrais pas trop le dévoiler, le vieux, là, mais il est le fun en Christ à regarder. Mais c'est parce qu'il fait des débats historiques. Oui. Comme... fait que les gens pour le voir, toi. Et ouais, les gens qui veulent suivre ton grand-père, son hashtag sur Twitter. Non, je garde ça secret pour tout de suite. Là. Peut-être que je vais le dévoiler un jour, là, mais il est trop hot. Gars, il est tellement le fun. C'est génial, c'est comme ramener un vieux débat, mais sur Internet. C'était quoi le commentaire que j'avais bien aimé, c'est où ce qu'il dit, il share un link de Vice parce qu'il trippe bien sur Vice en ce moment. Puis là, il share un link de grand-père et puis check Vice. Non, mais c'est hot. Ouais, il share un link de des gars qui font des combats ultimes avec des marteaux puis des armes de fou. Puis là, mon grand-père, il fait juste share ça sur sa page, ben, sur Google. Il fait un plus one puis il dit genre la UFC devrait vraiment faire des devoirs sur c'est ça. C'est ça, il est là, puis la UFC devrait vraiment faire leurs devoirs puis suivre parce que puis c'est un gros fan des Amérindiens, mon grand-père aussi se pense Amérindien descendant. Puis il dit puis là il va ajouter un commentaire là-dessus là, puis il dit la UFC, il faut vraiment qu'il étudie ces genres de combats là parce que comme que le grand chef a dit, le sang ça fait pousser des jardins. Holy shit, c'est génial. Là, t'es en train de lire mon grand-père, en tout cas. Ton grand-père devrait faire, tu sais, les agendas là, que tu l'ouvres, puis il y a une quote of the day. Ouais, t'arrives le lundi, puis le sang fait pousser juste des jardins. Juste ça partir un Twitter. Ah, juste ça, mon gars. Non, il veut pas trop creuser. Facebook, il l'a cancellé très vite. Il a commencé à voir qu'il y avait trop de personnes de son passé qui sortaient. C'est ça. Mais imagine, à 73 ans, tu ouvres ton compte Facebook à cause des petits-enfants, te le montres, puis là, tout d'un coup, t'as un homme que ça fait 50 ans que t'as pas vu quelqu'un qui est en train de t'ajouter. Comme fuck, je voulais rien savoir de toi. Là, c'est 50 ans passés. Soit nous autres, on se trippe avec le gars de 3e année là, qui nous réajoute. C'est comme fuck, je voulais rien savoir de lui. Je sais pas si tu te souviens de moi en 47. C'est ça. On était des frères ennemis à tel point. On se promenait avec nos brouettes, le Papineau, là, pour lancer des roches aux voitures. En tout cas, là, c'était plus ou moins ça mes nouvelles. Il m'a fait bien triper là-dessus, mon grand-père. Puis aussi, moi, ma parenthèse, c'est mon SNL. Là. Moi, j'ai comme grand fan de Saturday Night Live de New York depuis que je suis tout petit. Là, j'étais bien excité. Puis, l'as-tu vu? On l'a tout regardé quand même. SNL Québec, oui. Mais je suis le seul, moi, qui a eu un peu de frisson d'avoir le montage SNL, mais avec la vue de Montréal. Moi, je trouvais ça bien cool. Ouais, ouais. Je vais t'avouer, ben, okay, j'ai permis à mon fils de 4 ans de l'écouter au complet avec moi. Parce que je me rappelle que quand j'étais petit, j'écoutais ça, puis je trippais. Et juste la musique, et de voir les images de Montréal. Comme oui, tu dis, c'est le Five Rose. Et là, de voir ça, et pour vrai, là, j'ai des amis qui sont dans ce projet-là, puis je les ai textés après. Puis j'ai, écoutez, ça n'a même pas rapport à comment je suis fier de voir les images de Montréal, de voir ça. J'ai adoré ça. Puis, tu sais, je ne suis pas le plus grand fan de Gabrois, je le respecte beaucoup, mais je ne suis pas un grand fan de tout ce qu'il dit, tu sais. Ouais. Mais il a vraiment fait un bon post aujourd'hui, je pense que c'est sur Facebook, je sais pas où est-ce que je l'ai vu, où il disait « C'est de valeur qu'on a eu besoin de SNL pour pouvoir shiner chez nous, quand on aurait pu juste faire une émission à sketch de bien chez nous. » Sûrement, sûrement. Puis on avait le talent pour le faire. Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'on achète les droits et qu'on double des trucs quand on a les auteurs et les gens pour le faire? Et c'est vrai, je suis dans ce milieu-là puis j'en connais tellement des bons auteurs, j'en connais des bons comédiens. Puis on a déjà eu notre event aussi, tu sais, tu prends dans le temps là avec c'était quoi, c'était les Samedi Drir. Mon père c'était en ça. Direct moi, ça les Samedi Drir, me semble. C'était en direct aussi. C'était en direct, me semble. Parce que la clé c'est direct. C'est le fun de voir on se réchauffe avec le SNL puis on va Saturday Night Live. Mais c'était fait, c'était en direct. Moi j'adore. Mais c'était ceux-là qui vont des champs puis Normand. Pauline. Normand Bratois, Carmen San Diego là. Ouais. Carmen San Diego. Le gars là qui faisait toujours Jean Chrétien avec sa bouche croche. C'était qui donc lui? Je me rappelle plus, il faisait une émission de voilier à Canal Évasion pendant un bout de temps. Là. Je me rappelle plus c'est son nom. La seule affaire, je me rappelle de ça, c'était le sketch où l'autre il disait Smoke Meat puis à part à rire. J'ai une question pour le SNL par exemple. Peut-être que vous allez pouvoir me répondre, mais j'ai un gros flash à la fin. Puis là, ça me revient parce que c'est sur Télé-Québec. Je sais pas si c'est une référence Télé-Québec, mais dans le monologue de Louis-José Hood, il fait une référence de comme genre après lui puis Stéphane Rousseau, il va falloir qu'il aille en bas de la trail pour pogner des. Mais la marionnette, c'est quoi ce show-là encore? Y avait-tu un show? Ah, c'était entre. Mais il y avait un show que t'as des humains et des marionnettes dans un drame, si je me trompe pas. Oui, il dit c'est. Ah, je suis mauvais. J'avais fait une joke là-dessus un moment donné. Moi, c'est parce que ça, moi, j'ai eu un flash de mon enfance. Je suis comme, my God, ça existait, ça. Où qu'il y avait des persos en marionnettes. Ça me fuckait, ça. Ma tante, elle écoutait ça. Ben, en tout cas, ça jouait sur la TV chez ma tante, où je me faisais garder avec mes cousins et cousines. Puis, ils écoutaient tout le temps weird shit de même. Mais c'était sérieux, ça, là. C'était un drame. Mais c'est ça qui me fascine. Et c'est là que des fois, tu te dis, en tant que créateur, Chris, qu'on part de loin des fois au Québec, puis on a tellement des talents bruts, des diamants bruts, un peu, peu importe vos avis, c'est pas tout le monde qui tripe, mais moi je trouve vraiment Xavier Dolan, je trouve que c'est vraiment une perle qu'on a au Québec. Il est bon, ouais. Il est très bon dans ce qu'il fait. Puis après ça, tu te réveilles, puis tu fais, asti qu'on peut faire de la merde aussi. C'est fou comment est-ce que dans un petit bassin de population, on est capable du pire comme du meilleur, tu sais. Puis c'est un bon exemple, là, des marionnettes avec des humains, sacrément. C'est pire. Mais dans le SNL, t'avais le sketch, puis je sais qu'il y en avait une couple qui ont prêté de SNL de New York, mais il y avait le sketch qui est comme le genre de Inception sketch. Ça, c'était malade, les enfants de la télé, ça. Ils l'ont vraiment réussi. Ça, c'était bon, ça. C'est un beau bijou de réalisation. C'est le réalisateur qui en direct, en plus. Il devait être stressé. Louis-José devait courir. Ah oui. Les comédiens, tu sais, comme Phil, quand ils reviennent, ils refait le même mouvement. Virginie qui fait le même truc en Véro. Non, c'était... C'était exactement pareil. C'est ma femme, on entendait l'écouter, puis ma femme est comme, à la fin du bout, elle est comme, mais là, attends, on n'a pas déjà tout vu ça? Je suis comme, ouais, c'est direct, on s'en va là-dedans. C'est là que j'ai cliqué que c'était live aussi, après que j'ai fait comme c'était live dans le fond que tu t'oublies. C'est là que t'apprécies le travail aussi. Mais c'était un sketch vraiment bien monté. Je sais pas si c'était tout original de eux, là, mais salé le chapeau, parce que c'était vraiment un sketch. Je sais qu'il y avait un pourcentage. J'avais parlé avec des dudes qui travaillaient en écriture sur le show. Mais il y avait accès à n'importe quoi, je pense. Hein? Je pense qu'il y avait accès à un bassin de trucs. Je veux pas parler à leur place parce que je suis pas certain à 100%. Mais je pense qu'il y avait un bassin à respecter, un pourcentage de textes qui venait de là-bas, juste à traduire et à adapter ici. Fait que tu sais, il n'y avait pas une pleine liberté, parce que quand t'achètes un format d'étranger, souvent c'est. Mais j'ai trouvé ça cool parce que c'était un peu une manière de rendre hommage aussi à eux autres. Le sketch de la radio puis le 24-hour energy drink, c'était finalement la boisson. Puis il y a des gens boisson, qui se sont plaints de ça. Puis tu fais, écoute, t'écoutes tellement chaud qu'ils sont refaits, puis tu le sais même pas là, parce que celui-là, tu le connais, ça te dérange. Puis tu vas blaster en disant que c'est mauvais, encore ce qu'on disait tantôt. Ouais. Au lieu de faire, ah, j'aurais aimé ça voir quelque chose de nouveau. Non, c'est mauvais parce que. Non, c'est pas mais mauvais. Je dois avouer que j'ai vu plus de commentaires positifs sur ce show-là. J'espère bien, c'était tellement bon. Je m'y attendais pas dans un sens, parce que, OK, j'attendais le show. Ouais. Mais il y a du monde qui a chialé sur l'annonceur, hein? Ben moi j'ai trouvé c'est Yvon Deschamps qui annonçait. Je l'ai trouvé un petit manque de motivation comparé ben, à vieux, je le sais. Mais, c'est un beau clin d'œil, je trouve, à un grand style ouais. de c'est ça. Présenter cette C'est correct là, pour cette raison-là. Ouais. Mais quand t'es juste habitué au gars là, de Welcome it's Saturday night, tu sais, puis il est comme primé là, à la Price is Right, là, comme en dedans. C'est comme quand tu vas voir la boxe, puis c'est pas le gars qui dit Let's get ready to rumble ouais. qui ouais, est là, puis tu fais. Mais comme le Canadien de Montréal, je pense que c'est cette semaine. C'était pas l'annonceur maison qui était là. Il présente les trois étoiles. Je m'en calisse, m'a zappé. Juste parce que c'est pas la voix de. Moi, ça s'appelle Michel Lacroix, je pense. Quand il présente les étoiles au Centre Bell, c'est comme il y a sa voix à lui. Sauf ce gars-là, pendant qu'il est dans le sud, tout le monde vient le voir. Puis, excuse. Peux-tu me caler les trois étoiles, s'il te plaît? Si ça me Elle prendrait un autre bobo. Le... Oh, ouais, enfin, ouais, je vais faire une ronde. Je vais ça faire une ronde. Heureux, moi, ça me rend pire, ça. J'imagine juste. Toi, mais monsieur Roberge, cette semaine, qu'est-ce qui arrive avec toi? Cette semaine, je suis tombé sur des nouveaux projets. Je suis vraiment content. J'ai closé le deal sur d'autres affaires que j'écrivais. Je viens d'embarquer sur une pièce de théâtre. Cool, du théâtre. Mais je vais pas jouer, je vais écrire. OK, OK. Je vais l'annoncer. Bon, on a quoi, 200 personnes qui regardent, là? Grosso modo. Grosso modo, fait que j'ai pas... Le même nombre de downloads rendu la semaine prochaine. OK, à peu c'est près, bon, là. À moins que le monde soit généreux puis il s'abonne à notre page. Abonnez-vous, même, c'est là. Le fun, c'est sympathique. Il me donne de la boréale puis je dis des niaiseries. Mais... non, c'est... une nouvelle pièce de théâtre avec Mathieu Graton. Et faire un synopsis vite, c'est les deux derniers téléphonistes qui restent au Québec. Qui essayent de perdre leur job. Ça s'appelle Hostile Job. Puis on travaille là-dessus en ce moment. Puis je suis à la script édition. Puis je suis vraiment, vraiment content que Mathieu m'ait appelé pour ce projet-là. Alors j'ai commencé ça aujourd'hui, mes lectures de texte. Mais moi, je joue pas. Je fais juste écrire. Et puis je suis là-dessus. Je peux le dire. On travaille vraiment fort à essayer de négocier une saison 5. Trouver une solution dans mon agenda. Essayer de pouvoir faire une dernière saison. Parce que la saison 4 a tellement pris un boost que. Ça fait que ma semaine a été dans les négociations de contrat pour savoir comment je payais mon loyer au mois de février puis mars. Là. Puis je suis allé faire du snowboard parce que ça fait un mois que je fais du snow. Et puis là, je descends sans tomber. Oh. Et puis aujourd'hui, pour la première fois, on m'a demandé de ralentir sur une piste. Oh. Alors, je suis très content. On est rendu là. On est rendu là. On m'a vraiment... C'est une étape à franchir. Oui, vraiment. De juste te faire excuse-moi, tu peux-tu ralentir un petit peu? Ah oh, ben oui, pas de problème. Pas de problème. Quand je tombe ou quand que je vais... C'est ça? Quand je suis droit, là, parfait, excellent. Ben hâte de voir ça, ces projets-là, honnêtement. Ça... Ouais, théâtre, fiston peut-être saison 5. On travaille sur 2-3 pilotes pour la télé. Je sais pas qu'est-ce que j'ai le droit de dire ou pas dans ce milieu-là. C'est vraiment touché. Là, j'avoue. Tu tournes un pilote, là, tu t'attends pendant un mois. Ça va, ben, s'ils veulent qu'on le produise ou pas, ou on fait-tu... Au pire, allez, t'as une semaine, je peux faire l'édition après, puis ce stream-là, il existe ben, plus je après. Ben, que je travaille bien fort. Là, une des raisons pour laquelle que je pensais laisser tomber, ben pas laisser tomber, mais qu'on arrêtait Fiston pour passer à autre chose avec les auteurs de Fiston, c'est pour faire un cartoon. Parce que c'est un de mes rêves d'avoir un cartoon à la South Park, wow. d'avoir un cartoon à la Simpson. Je fais partie de cette génération-là qui a grandi. Original, ouais, tout. Okay. D'ici, de chez nous. Et on travaille très fort en ce moment là-dessus pour négocier avec des producteurs, justement. En ce moment, je dirais qu'on est à 50% du chemin de fait à peut-être avoir un. Ah, c'est cool. Wow. Ça. Fait que c'est pas mal là-dessus que je travaille en ce moment. Génial, génial. Fait qu'on écrit des textes, on écrit des stupidités. Puis je pense qu'on parlait tantôt justement d'amener des affaires de l'extérieur à ici. Pourquoi ne pas en faire chez nous, tu sais? Mm-hmm. Ah ouais, South Park, moi, je vais t'avouer que j'ai été un grand fan pendant les 10 premières saisons. Les Simpsons aussi et Beavis and Butthead quand j'étais petit oui. c'était mes idoles ouais. et je me disais pourquoi chez nous on n'est pas capable d'en avoir du comme ça, pourquoi est-ce que les producteurs sont pas assez wild pour laisser une manie, c'est parce que tu sais comme Fiston et contre de gars, personne n'y croyait au début puis tu fais Chris on t'allait chercher pas loin de 15 millions de views par concept ça se peut-tu qu'il y ait des gens qui ont envie de voir cet humour-là qui est un peu trash mais qui est de quoi dire qui est sympathique qui est pas juste du stand-up parce qu'au Québec on est dans une culture de stand-up puis de monologue Mais tu penses-tu qu'Internet va aider un peu à cette culture-là puis à ouvrir nos horizons? Parce que Total. Le fait, c'est que, oui, OK, la télé puis les médias mainstream, le monde sont obligés d'avoir une approbation des budgets des affaires normales, puis c'est une industrie. Ouais. Mais le web, n'importe qui peut se pitcher, let's go, puis on le fait, notre cartoon. Pourquoi puis... est-ce que des gens... Penses-tu vraiment, puis je vais revenir à Gabrois, je ferai pas un débat, ouais. Tu penses vraiment que Gab aurait réussi à la télé il y a 20 ans? Jamais, pas au Québec. Non. Peut-être même qu'il y aurait quelqu'un qui aurait redonné sa chance à quelque part. Puis il y a plein de gens qui l'aiment pas. Ça aurait fait une saison. Puis... Moi, je ne traite pas sur son contenu nécessairement à ce gars-là, mais des fois, il me fait rire, des fois, non. Des fois, je trouve pas trop loin. Je trouve des fois c'est stupide. Puis quand tu parles one-on-one avec ce gars-là, derrière un micro, derrière une caméra, ou en coulisses dans des parties, whatever, d'humour, que je crois. C'est pas un mauvais. Il n'y a pas un mauvais fond, ce gars-là. Ouais. Fait que tu dis, si lui a le droit de faire ça, puis il y a un fanbase, mais ça se peut-tu qu'il y ait des gens qui ont envie de voir un humour trash? Ça se peut-tu que si Mike Ward est capable d'avoir un fanbase, qu'il y ait quelqu'un qui fasse un cartoon à l'image de Mike Ward, mettons? Tu sais, si Mike avait son propre cartoon, ça pognerait. Mais je vois pas comment. Je trouve ça ridicule quand je vois du monde qui aime autant Mike Ward, puis je l'adore, j'ai rien contre lui. Où est-ce que tu t'en vas avec ça, toi? Non, mais parce qu'il dit l'humour trash, justement, mais que. Après, sont offusqués justement de voir quelque chose qui est pas vraiment pire dit par juste... quelqu'un d'autre. Puis tu sais quoi, c'est comme si c'est logique que ça soit Mike. Fait que c'est c'est Mike. C'est Mike correct. A le droit de dire on vient d'en face de quelqu'un. Puis d'un si enfant, le fait, genre, mais c'est pas correct. Ouais. Mais je vais te dire c'est quoi la différence là. Puis je rabaisserai pas le travail à Gab. C'est que Mike a quand même une estime de bonne plume. Puis des fois Gab ça va être dans sa structure qui va manquer des affaires. Puis tu fais des fois je vois des affaires passer. Je suis comme ah il est con parce que dit de même ça aurait fucking punché son affaire. Puis pendant un bout de temps quand tout le monde tapait dessus, on va en parler vite là. Tout le monde tapait sur ce gars-là, puis j'étais comme, on n'est pas mieux, là. Vous êtes 10 000 à aller taper sur sa tête en ce moment. T'as bien beau pas aimer, puis il a bien beau s'être planté, puis avoir dit quoi que ce soit, puis que c'était pas intelligent, puis correct, mais vous êtes quand même 10 000 à y taper dessus en ce moment. Que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, c'est pas correct. Puis vous êtes 150 000 à y dire qu'il est pas bon. Ah ouais, mais va voir son fanbase. Puis c'est vrai que, gars, le meilleur exemple, je serais pas Star Academy, je serais pas Star Academy, il y a un gros fanbase. Ouais. Mais je veux dire, il y a des, les goûts sont dans la nature. Je veux dire, j'en consomme pas tant que ça, mais une fois de temps en temps, Gab me fait rire. Puis je me dis, mais pourquoi est-ce que si ce gars-là était bien encadré ou tu sais, comme avec une meilleure structure d'écriture, il y a un potentiel. Puis je veux dire, Howard Stern, quand il faisait venir une femme sur un speaker. Pendant un bout de temps, je dis, ça c'était trash en esti dans les années 90, fin 80, début, à la radio. Pour ceux qui ne savent pas, tu sais, Howard Stern faisait il montait son de bass, puis il faisait des bouh, puis il niaisait dans son micro, puis faisait venir des femmes. Ah, il a fait tellement des affaires, ben oui. Là, en plus. Puis je veux dire, ça c'était correct. Il y a eu un film sur sa vie, puis tout le monde le trouvait donc cool. Mais le après, c'est toujours plus hot quand il y a un montage. Puis vous êtes la même chose avec Gab. Quand un jour, si Gab s'adapte à ça, qu'il adapte son écriture, justement, il va. Je pense qu'on va dire. Il y a une place. C'est ça l'avantage. Non, mais ça en prend du monde de même. Non, mais l'affaire que c'est que dans les nouveaux médias, tout le monde a leur place. C'est ça l'affaire. Tout le monde a une audience. Tout le monde est l'audience. C'est de prendre la petite boîte dans la tête des gens qui te représentent puis de prendre la place de ça. Puis au lieu de bâcher dessus, consomme-le pas. T'as le choix de ne pas le consommer. Ouais. Ouais, mais ça, c'est une affaire où je pense, puis ça, c'est ma vision de la chose. Vas-y. Internet, là, tout le monde veut donner son opinion, mais c'est pas tout le monde qui devrait donner leur opinion. Ou qui est capable. Parce ou qui est capable. Pourrait. Tout le monde a le droit. Logiquement, tout le monde a le droit. Mais c'est pas tout le monde qui est habile de le faire non plus. Exactement. Puis souvent, je me rends compte, là, puis tu sais, même entre nous autres, puis je fais un concept. La même phrase se dit au téléphone, on a le ton de la voix, on a l'intonation, toute la kit, ça passe super bien. Tu renvoies la même affaire en message texte, whoop, t'as peut-être une personne autour de la table qui le comprend d'une manière différente. Là, tu mets ça sur un post public Facebook ou un tweet, un affaire d'amour. Et si à la base, c'est écrit maladroit. Comme exactement. C'est un peu maladroit dans ta façon de l'écrire, parce que toi, tu comprends ce que tu veux dire, mais la personne, déjà, elle perçoit différemment que toi. Déjà, là, on est déjà à 2 km de ce que t'as voulu dire à la base. Puis là, t'es obligé de te justifier, puis tu fais comme écoute. Mais le moment donné, c'est que tu peux pas juste perdre ton temps à blaster du monde. Puis en ce moment, c'est pour ça que j'avais écrit maintenant un texte sur Urbania où c'était qui a tué les câlins. C'était comme tout le monde passe leur temps à juste se blaster. Mm-hmm. Et c'est ça, ce médium-là. Parce que quand on a commencé au début avec Contrat de gars, il y avait quasiment personne à part le Coroberge qui faisait des trucs. Puis même si tu tripes moins ou t'aimes ça ou pas, je dis c'était différent, puis c'était correct. Il y avait déjà de la vérité, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait les têtes à claque, nous autres, puis lui, puis... pas grand chose à l'époque. Il y avait un, c'est quoi donc, Pete Boisclair? Ah, ça c'était écœurant. Moi c'est des amis à moi, ça. Pete. Trouvais écœurant, oui. C'est écœurant. Les gars ont essayé de faire d'autres saisons, puis on s'est trouvé du financement, ça n'a pas fonctionné. Parce que je trouvais ça bon. Mais c'est encore, les gens qui connaissent pas ça, je pense qu'encore les épisodes sur Internet, c'est réalisé par un de mes bons chums, Hervé, qui est un bon ami à moi. C'est Pete? Hein? Non, c'est pas lui. Mais c'est tout du monde du milieu, c'est des monteurs, des gens de télé, des gens de pub. Un genre de portfolio un peu qui se sont faites. Puis... Ils ont fait la série pour le fun. Ah, c'est bon, c'est mais c'est drôle, très bon ça. Parce qu'il y a de l'humour, il y a une belle profondeur dans les personnages, c'est super bien réalisé, c'est bien monté. Hervé fait une job de Dieu là-dessus. Moi, je travaille souvent avec Hervé, c'est un bon chum à moi. Puis quand Pete Boisclair est sorti, j'essayais d'en faire beaucoup, beaucoup de sharing, beaucoup, pour essayer de les faire connaître du monde qui tripait juste sur le web. Mais c'est vrai que c'était plus petit dans le temps. C'était tough parce que les gens ne consommaient pas le web. Pas comme aujourd'hui, là, Facebook avec ta matante qui fait une vidéo, puis qui te ramasse, puis toi, t'as travaillé pendant 3 mois à créer une série, puis t'as une pute de la Rive-Sud qui se pointe en même temps que tu lances ta série. Shout-out à Guylaine. Parce que je parle de faits vécu. Ah ouais, ma Guylaine. Puis t'as une pute qui se monte les seins, puis là, tu fais, Chris, pourquoi ma série, elle pogne pas, puis pourquoi que ça pognait, mais tu fais, pourquoi j'ai 50 000 trop occupé par Guylaine. Ils sont ouais, mais... trop occupés par l'autre esti de popoune. T'as la durée de vie aussi, la durée de vie du médium. Tu sais, ça a l'air de rien, mais j'ai... cette semaine, tu sais... Consommation rapide. Je me lève le matin, puis t'as un gars, Martin, qui écrit « Hey, checkez ça, Facebook, leur 10e anniversaire, font un genre de vidéo rétrospective. Oui. » Puis là, ça, c'est 7h le matin à peu près. Tout le monde, ça cute un c'est peu. Vraiment cute, c'est cool. Là, moi, je fais « Ah, c'est cool, mais je voulais sauvegarder mon oui. vidéo. » Fait que là, je me donne du trouble avant d'aller travailler, puis je veux oui. sauvegarder la vidéo, mais dans ma tête, je le perds à soir. Oui. Je m'en vais travailler, je reviens, il est 5h30. Astu de Facebook, look back, maudite merde, ah, s'envahit partout, puis t'inquiète, ouais. puis j'ai fait « Wow, t'as peur. Je m'en allais le chier. Il y a 9h. Non, mais il y a 9h entre ouais, les deux, ouais. là, puis c'est le rise and fall. Là. Tu sais, c'est comme, ah, hey, c'est cute, t'as un style de vidange qui envahit. Bon. Ouais. Wow, OK. Ouais. Fait qu'imagine, là, tu sais, c'est comme c'est le comme médium. Flappy Bird. C'est comme Flappy Bird. Mais tu sais, tu sors un vidéo de quelque chose, puis tu fais comme, hey, moi, j'ai travaillé 6 mois de temps, toute la kit, je sors ma série le matin, c'est le top. T'arrives chez vous le soir, tu finis de travailler, puis c'est fuck, marre, ouais. ça sort d'où ces commentaires-là, puis hey, voyons ouais. donc. Mais comment tu fais pour après ça? Tu fais, hey, faut que je continue, là, let's go, puis je me donne. Quand tu fais une série, c'est ça ton plus gros concern sur le web, puis que ben des gens, des têtes blanches, des producteurs qui essaient de se lancer des web-séries, ça coûte 500 000 piastres, puis que leur série se plante parce qu'ils n'ont pas catché ça. Ils n'ont pas catché qu'il faut que tu crées un lien avec ton public. Ben oui. C'est super, super important. Tu fais pas de la fiction sur le web comme tu en fais à la télé. C'est aussi encore beaucoup de gens qui le comprennent pas. Parce que, comme tu dis, à 8h le matin, t'es quelque chose, et à 10h à soir, tu fais de la merde. Ah oui. Faut que tu t'assures que ton vidéo va être encore bon demain puis après-demain. Fait que c'est vraiment un gros défi, puis moi, c'est ça qui me challenge du web, parce que c'est pas juste une question de code d'écoute comme à la télé. Ou... Puis il y a le côté intemporel de ta chose, parce que ouais. on dit 8h le matin, c'est hot, à 5h, c'est de la merde, mais il y a aussi le concept. Moi, je le vois-tu à 8h ou à 5h? Ouais, ben, tu sais, gars, le podcasting, puis... c'est exactement ça. Nous autres, tu sais, on sort peut-être un épisode, puis peut-être il y a du monde qui vont l'écouter 6 mois après ou un an après, ils découvrent, puis il t'as du bac catalogue qui roule. Il l'écoute dans le trafic le matin ouais. ou il l'écoute en travaillant journée, il s'entraîne le soir en faisant, il est en train de faire de l'elliptique, puis il nous écoute. Ouais, ouais. C'est pas comme la radio du matin, du midi, si, puis du soir que ou tu la vois. La télé, la même chose qui était ou... construite pour un show le soir. Ouais, deux filles le matin, puis l'autre qui chante avec, je me souviens plus qui. Là, le soir, là, France qui chante. Là, dans les bombes? Non, en tout cas, les émissions de musique. Là. Mais tu vois que c'est pas buildé pareil. Là. C'est doux puis pas mal moins. Parce qu'ils ont déjà leur case horaire avec ben, des ça. Fans puis des consommateurs qui sont préparés à ça. Tandis que le web, faut toujours que tu sais que ça va arriver comme un cheveu sur la soupe. Tu sais jamais c'est qui t'écoute quand puis où. Ouais. Puis qui va t'interpréter aussi. Aussi, comme ouais. tu dis, si quelqu'un m'écoute dans l'autobus. Sur son sel. Sur son sel, ou... il trouve ça pas bon. C'est ouais. la merde. Non, t'avais chaud, il y avait plein de monde, t'étais pas bien. Ça sentait les épices. C'était pas bon. Tandis que le gars qui est chez eux avec son laptop, qui découvre ma série parce qu'un chum l'a chéri sur Facebook, il s'en va avec 20 chambre, shots, ben relax, t'as robe de chambre, puis... Et là, il fait, man, il est écœurant, ce gars-là, j'achèterais des billets à aller le voir. Tu sais. Puis mais c'est la même chose pour toutes les shows, ça. Je veux dire, comme n'importe quel film aussi. Là, je veux dire, un critique de film qui, je sais pas, sa femme il a une chicane avec, puis après ça, il va voir un va film. Voir un film. Puis, là, après ça, il parle du film qu'il vient de voir après qu'il y a eu une journée de merde avec sa femme. Ouais. Mais ça revient un peu à ce que Joe il disait tantôt, tu sais. Faut-tu trouver un moyen de connecter avec le public? Puis tu sais, une affaire que j'avais bien aimée de Fiston, tu sais, c'est justement, c'est que t'as beaucoup de gens qui peuvent s'associer à ça. Puis on s'identifie à ça, mais d'un autre côté aussi, c'est que, tu sais, puis ça, j'en ai parlé dans une couple d'épisodes précédents, mais tu sais, on a comme une niche au Québec. Tu sais, souvent, on va avoir on a les cowboys fringants qui vont nous jaser qu'on est un peuple de yes men, on va avoir des affaires ouais. dans le même, tu te quittes. Mais j'ai trouvé ça rafraîchissant un peu, tu sais, c'est comme, fuck les problèmes. Le problème à la base, c'est juste, j'ai un mourir. Kid, là, puis il ouais, faut que j'y explique ouais. comment ça se passe. Puis ça, t'as un paquet de monde qui s'identifie à ça. Puis je trouve que ça, quand tu parles de connexion avec le public, c'est exactement ça qui est le fun, tu sais. C'est pas d'essayer de faire une mise en scène de fou pour une histoire de Mongol, puis t'inquiète, c'est gars, c'est la base, mais tout le monde peut s'associer à ça ouais. d'une manière ou d'une autre, tu sais. Puis ça, ça en prend mais, au Québec. Et Oui et non, tu vois, c'est ce que des fois des humoristes se font reprocher. De ah faire, ouais. Ouais, de faire trop du monsieur, madame, tout le monde se reconnaisse. Ah, vous n'êtes pas assez engagé. Hey, vous n'êtes pas assez ici. Tu fais, Chris, as-tu écouté mon texte? Ouais. Ah, mais il y en a plein déjà de stock engagé. Il y, y a les niches ouais, aussi, tu sais. Il y a les, si tu veux, un tel genre d'humour, là. Tu sais, comme quand on est allé au Geek Show ou Geek Fest. Geek Show pendant le Zoo Fest. Ouais, c'est pour ça que je suis fourré. Ben, tu sais, on allait là, tu le sais que c'est des jokes de Super Nintendo, ouais. Là, pis que... Puis tu vas rire, pis que les gars font une estime. C'est ça, là, c'était vraiment rire. Bon, là, pis tout, sauf que... Pis j'attends le prochain, si j'espère qu'il y en a un, en tout cas. Oui, il va en avoir pour... sûrement un, les gars. C'est ça, là. Je sais qu'ils en ont refait un dernièrement au Lion d'Or, ils l'ont ressuscité. Wow, on n'a pas pu y aller, malheureusement, mais... pis c'était... Mais honnêtement, ça, c'était un des shows qu'on avait une méchante belle surprise là-bas. Moi, je vais t'avouer, la première édition... Tu peux pas... Les boys qui font ça... C'est un petit milieu, l'humour là, au Québec, tu sais, puis on est pas mal tous des chummés. Et les gars m'avaient approché à première édition, je m'en rappelle, on était à Repentigny. C'est François Bouliane qui était venu me voir, puis m'avait dit, écoute, j'organise un show, le Geek Show. Je sais que t'as un truc qui parle de Super Nintendo, justement, tu parles de NHL 94, puis je suis comme, ouais. Je sais pas, moi, c'est pris en dehors de mon show, je pense pas que ça va être bon, tu sais. Le Geek Show, on ferait ça aux Zoofest, puis je suis comme, ah, ouais, je checkerais ça. Je sais pas, Frank, bonne chance avec ton projet. Pas que j'y croyais pas, mais c'était juste comme, je pense que moi, je vais aller me planter là-bas, tu sais. Fait que j'aime mieux pas le faire. Mais moi, j'ai assisté aux 2-3 ans qu'ils l'ont fait, tu sais, puis tu fais comme, calice, dis que j'ai dit non à ce projet-là. Puis aujourd'hui, je vais les voir, puis je paye mon billet, puis je capote parce que j'aime ça, puis je fais, ça, c'est de l'humour pour moi, tu sais. Mais t'as une genre de stigmate un peu, puis tu sais, ça, on l'a vécu, nous autres aussi, là. Aussitôt que t'associes le mot, tu sais, mettons, là, tu fais une niche, comme nous autres, tu sais, geek collectif. Ouais. T'as un paquet de monde qui nous écoute pas parce qu'ils disent geek, geek. Ah, jeu vidéo, telle affaire, si j'écoute pas ça, moi j'aime pas ça. Mais d'un autre côté, tu sais, geek c'est tellement vaste, on parle pas c'est juste tellement de large, non plus. Mais il y a beaucoup de monde, tu sais, puis c'est ça qui doit être tough un peu, puis je me mets à leur place, tu sais, le Geek Fest, le Geek Show, les affaires de même. T'as beaucoup de monde qui vont se priver d'aller voir ça, puis fuck, ouvrez-vous les yeux, élargissez, tu sais, let's go, on fonce, puis vous allez en découvrir du beau stuff. Tout le monde a la référence de Yoshi, là, comme joke. Ou, c'est... Mais tu vas là, puis c'est les jokes de Mario Bros. C'est rafraîchissant quelque part, parce que tu dis, puis même moi, je le fais souvent des jokes, tu sais, moi puis ma blonde. T'sais, pendant un bout de temps, moi, j'essayais de me dire, jamais je vais écrire une joke qui commence par moi puis ma blonde. Puis finalement, t'es rendu à 30 ans, t'as un enfant, puis tu commences tes jokes en faisant moi puis mon enfant ou moi puis ma blonde. Mais oui, c'est mon quotidien. Tu fais tirer là-dessus. Je fais tirer là-dessus qui est moi puis mon fils, tu sais. Puis je m'étais dit que jamais je ferais ce genre d'humour-là, tu sais. Mais une manière, c'est parce que tu parles de ton quotidien, tu parles de tes trucs. Mais quand t'arrives avec justement le Geek Show, puis avec le ZooFest, c'est ça que je trouve le fun, c'est que t'as tellement des choses spécifiques. Ouais. Où tu dis, là, je vais avoir un show, pardon, qui va juste parler de cul. Je vais avoir un show qui va juste parler de tout ça. Fait que tout dépendant de comment tu te mets dans ce mood-là. Tu te mets dans ce mood-là. Tu sais, il y avait le show de Martin Perizzolo cet été, je sais pas si vous avez eu la chance de le voir, ou s'il y a du monde qui nous écoute qui l'ont vu, qui était Q. Ça s'appelait juste la lettre Q. Et c'était une heure et demie peut-être, de Martin Perizzolo qui faisait juste nous parler de sexe. Mais je te le jure, moi je suis rentré là en me disant, j'adore Periz, je suis un gros fan de ce qu'il fait, c'est celui qui faisait Poudy dans le gros show. Ouais, c'est, okay, il nice. Fait des pubs, il joue dans la série de Martin Matt en ce moment. Puis je me disais, Periz, c'est clair qu'il va nous amener ailleurs parce qu'il a une belle plume. Puis que... Mais je me disais, Chris, comment tu veux révolutionner des jokes de cul, tu sais? Et tu te pointes là, et t'as mal au ventre, tes yeux coulent, puis tu te dis, ok, il a réussi à m'amener ailleurs, bien juste parler de sexe, puis que ce que j'ai, des 20 dernières années au Québec, les jokes de cul, il y en a pas une que j'avais déjà entendue dans son show, tu sais. Ouais, c'était pas du cliché, puis... C'était pas du cliché, puis Chris, le sexe, on s'entend, c'est un pénis qui rentre dans les vagins. À base, c'est ça. Mais aujourd'hui... En 2014, ça peut être pas mal n'importe là, quoi, là, mais... Internet, encore une fois. C'est ça. Internet. Tu peux voir une chinoise qui chie sa poney, si tu veux. Ça dépend ce que tu t'aimes, là, faut que tu connaisses, tu maîtrises ton Google. Me semble, t'es à l'horizontale, t'es à l'horizontale chez le psychologue, puis tu sais, ça part, puis tu t'inquiètes, puis tu sais, c'est comme... Moi, écoute, je suis pas capable si j'ai pas vu une chinoise chier sur un poney. Shout out à leur professionnalisme à ce moment-là, parce que me semble, c'est un mais une sexo- moi, j'ai une amie sexologue qui est humoriste, c'est Mélanie Couture, avec qui on a fait une série de vidéos. Bon. Elle, là, chaque fois que je suis avec, puis ça doit être toutes ses amies aussi, tu sais qu'elle a déjà été sexologue. Es-tu encore pratiquante? Non, après, non c'est ça, non, ok, non, c'est non, ça. Non, parce que sa carrière d'humoriste est tellement. Ben, c'est ça, je me demandais non, là, si elle faisait elle en plus. Elle a brisé le secret professionnel, il l'accepte. Non, mais tu vois, avec ça, elle est super professionnelle encore. Tu sais, mettons, ben on ouais, a écrit j'imagine. C'était Vendredi Vino l'année passée à VTL, où c'était une mauvaise sexologue, mais on n'a pas le droit d'utiliser le terme sexologue parce qu'elle l'est pour vrai. Fait que si elle. Excuse-moi, il descend tranquillement. Hein? Ouais, on va les craquer un peu, je pense. Ouais, écoute, bien, continue, on va venir faire l'ajustement. Excellent. Et Mélanie voulait même pas qu'on utilise le terme sexologue, justement parce que elle a le droit de le pratiquer, puis elle voulait pas passer pour une mauvaise sexologue ou quoi que ce soit. Fait que, elle fait bien gros attention avec ses jokes de cul. Pour rester professionnel. Ben, c'est drôle pareil, parce qu'elle a un côté, justement, professionnel dans la game de sexologue. Fait mais elle était écœurante, parce que chaque fois que je suis avec elle, je fais tant. Mais c'est-tu normal si, mettons, tu fous puis tu fais telle affaire, tu sais? Oui, je m'attends, écoute. Si tu veux savoir, là, savais-tu que en Amérique du Nord, là, elle me sort toujours des stats et des affaires, puis maintenant je me pogne avec elle. On fait sur Internet, on s'est obstiné. Parce que, tu sais, le gars qui a couché avec sa prof. Oui, le jeune. Avec sa prof, puis il y a eu au-dessus de. Et là, ce que je détestais, c'était pas tant le débat qu'il y avait sur sa page, c'était que les médias en faisaient vraiment comme si c'était un monstre qui avait abusé un jeune, tu sais, puis t'es comme, excuse-moi. N'importe quel gars de 15 ans peut se claquer une MILF de 30 ans, il va le faire, tu comprends? Je me souviens de ma prof de maths. Moi, j'avais une prof de français, très, man, très, très cute. Dessus, tu sais. 26 ans, je pense, elle sortait de l'école. Oui, tu sais. T'en as 17. Et je détestais le mot « elle a abusé ». Tu sais, wow. Parce c'est écrit qu'ils ont eu 1400, j'ai inventé un chiffre, là, je me dis c'est combien, mettons 400 ou 1000, je sais pas c'était combien, mais c'était vraiment beaucoup de relations sexuelles pendant un an et demi. Il a redoublé combien de fois, lui? Fais, écoute, il s'est pas fait abuser toutes ces fois-là. C'est un jeune de 15 ans qui était en shape qui a baisé. Et là, moi, c'était plus ça mon point. Tu sais, je me pognais sur son wall, puis ça arrêtait plus, tout le monde se pognait, tu sais. Puis j'ai arrêté de m'envoyer chier. Soyez honnête, quel gars de 15 ans va refuser une belle prof de 30 ans, puis que deux ans après, quand elle lui dit « Écoute, c'est terminé, j'ai rencontré un homme, je vais me marier, whatever. Ouais, » quoi. Va te poursuivre, ma bâtarde. Puis je te poursuis, ma bâtarde, puis là, tout le monde fait « Hey, pauvre gars, il s'est fait abuser. » Tu fais « Ta minute. » C'était willing, en je déteste le terme « abuser », mais tu veux, Mélanie, fucking trop forte, elle me sort des études sur le cerveau des adolescents. Puis j'étais comme, ah, tu gosses. Parce qu'avec les faits, tu gagnes ton esti de point. C'était comme, tu sais, mettons, le sens du jugement n'est pas développé dans le cerveau d'un homme lorsqu'il est excité sexuellement à partir de tel âge. Nanana. Fait que entre quel âge? Entre 18 puis 78. Il y a des études. T'as encore raison. Il y a des études de combien de jeunes garçons de 15 ans, quand ils ont 30, ont des séquelles à cause de ça? C'est quoi les séquelles que ça peut sûrement rester? Les séquelles, là. Sûrement que Mélanie pourrait nous le dire parce qu'elle est fucking trop bonne. Les seules séquelles que t'as, c'est que t'as des Christy de bonnes histoires puis quand tu te prends des bières avec tes chums, ben oui, dans le fond, là. Mais tu sais, si c'est vrai que le gars avait été, maintenant, là, tu sais, là, on fait des jokes, mais si c'est vrai que le gars avait été abusé, tu sais, pris dans un coin. Il y aurait eu de la menace psychologique. Si t'en parles, je vais te tuer. Puis là, tu fais, je pourrais même pas faire de joke là-dessus. Parce que c'est pas mon genre de faire des jokes là-dessus. Je serais pas à l'aise. Mais le temps est pas d'habitude. Ouais, je sais que lui, mais il ferait sur son compte Facebook. Ouais, ouais, c'est... Moi, je les likerais, mais je les ferais pas. C'est un problème de perception qu'on a quand même. C'est peut-être un problème de société, ça. Mais comme le gars violé, se faire violer comme. C'était quoi le film? Là, il y a Horrible Bosses, là, j'ai adoré la joke là-dedans, où ce que tu faisais juste switcher Jennifer Aniston avec un gars, puis là avec une fille, puis c'est plus pantoute la même affaire. Et non, parce que Jennifer Aniston là-dedans, combien de gars ici? C'est ça. Elle piche des affaires dessus, même sa graine, c'est comme oh! Ouais, puis lui, il est comme t'es en train de me violer, là. C'est quoi le vidéo, là? Ces temps-ci, ma blonde m'a montré une vidéo en France, puis c'est un petit short. Puis c'est comme un peu les hommes puis les femmes sont inversés. Premièrement, moi, je capotais parce qu'elle me montre ça, on était avec ma mère. Puis là, elle dit « check ça ». Puis là, t'as le gars qui se prépare pour aller travailler. Puis là, t'as une fille qui arrive, elle fait son jogging. Puis elle a comme pas de top, puis juste des shorts. Fait que je dis « ouais, ça commencera ». Avec la main. Puis là, après ça, tu sais, j'étais avec ma mère. Là, je fais « ok, c'est une affaire européenne? On écoute-tu du porn en famille ou de quoi de même? » Je comprends pas, tu sais. André, c'est confortable avec les seins nus à côté non, mais de maman. Le film, je vais essayer de le trouver, puis je vais mettre sur la page Facebook, justement, le du collectif. Bang là, boss mais écrit dans le coin. C'est super intelligent parce que t'as un bout où le gars, dans le fond, il s'en va en vélo, puis il s'en va travailler, puis il arrive d'un coin de la rue, puis, tu sais, ma blonde m'explique qu'en France, c'est vraiment de même, tu sais. Il est sur le coin de la rue, puis là, t'as 4-5 filles habillées en tracksuit Adidas, puis c'est comme « Hey, comment ça va? » Puis il crosse le gars, puis le gars « Non, non, c'est correct, je veux juste aller travailler. » Asti de salope, puis il commence à insulter le gars. Fait que tu sais, c'est là que tu réalises, c'est vraiment... Le gars, dans le fond, c'est une femme. Là, il a juste il fait du basic, à un moment donné, il a chaud, il déboutonne un bouton de sa chemise, puis t'as un robineux qui crie après, tu sais. « Maudit de traîner, habille-toi, puis t'es quitte. » Tu sais, c'est un peu comme Eric, il dit, tu sais, je pense que, tu sais, la glorification du kid de 15 ans que lui, il a scoré avec la fille de 30, rôle inversé, c'est comme... C'est atroce, là. Ouais. C'est atroce, mais autant que tu sais, t'as des amis. Oh, excusez, que moi j'avais des amis qui étaient à l'université et qui se vantaient autour d'une table d'avoir couché avec un de leurs profs parce qu'ils trouvaient donc sexe, tu sais. Je pense que tout est dans la volonté aussi. Ben, c'est ça. Ouais. Comme là, moi, je disais, c'est vraiment un cas particulier. Jamais je ferais des jokes sur un dude qui s'est fait abuser. Jamais, jamais. Parce que je pense que ça peut arriver aussi. Ouais. Puis la fille, c'est vraiment pas ça. Moi, c'était plus le point de. Attends, ce gars-là a couché 1400 fois avec elle, à peu non, près. C'est ça, sur là. Une période de 2 ans. Il a pas été abusé avec une main sur la gorge dans le fond d'un vieux Buick en cuir. Là. Je veux dire, c'était comme. Faut faire la part des choses. C'est un jeune qui est fâché parce qu'elle est partie avec un plus vieux. Puis c'est ça qui est. Mais ça, la vraie ça. Question, c'est pourquoi un Buick en cuir? Je sais pas. Mais c'est le bio, c'est le char du petit vieux, je sais pas. Ah ouais, ça sonne à but. C'est façon, c'était quoi les Pontiac 6000 là, avec la peinture cette semaine, j'ai vu un. Hey, c'est vrai, je voulais en parler. J'ai vu un Topaz sur la route. Wow! Ouais, une Topaz. Je me dis, qui s'achète encore une Topaz usagée ou qui a réussi à entretenir une Topaz assez longtemps pour qu'en 2014 encore, ouais. Elle soit top shape, tu sais. Hey, la Topaz, c'est le char de Robocop, ça, là. Ça ressemble. C'est pas. Non, c'était pas la Topaz. C'était pas une Lumina dans Robocop? Non, c'était pas une Lumina. C'était pas une Crown Victoria non plus, là, mais qu'est-ce qui était hot, c'est la série Topaz, là, je connais pas trop ces chars, là, mais je sais que c'était la Topaz dans Robocop, c'était ça les chars. Là. Elle était un peu modifiée. Mais c'était pas la Topaz, là. C'était non, les Taurus, c'était les Taurus dans Robocop, mais Topaz, ça ressemble en Chris. Mais tu sais, une Topaz, fait, qui a encore une vieille Topaz avec l'intérieur rouge vin, est-ce qui sent le mononcle, tu sais? Qui a encore ça? Qui s'est acheté ça dernièrement, tu sais? Je sais que tu peux en trouver des bonnes, là, que les petits vieux, là, doivent se débarrasser d'eux parce que ça sont trop vieux. Parce que les autres font attention. Qui est tout parfait. Hey, qui a eu le rust proofing à chaque année pendant les derniers 20 ans. On avait acheté une Nissan Sentra 82, je pense, qui était beige extérieur avec l'intérieur caramel. Que, honnêtement, là, était top shape, là. Tu sais, quand on l'a acheté, là, la grand-mère, elle avait ça, là. Elle allait faire l'épicerie puis elle la reparquait. Fait qu'à chaque semaine, le char, il a roulé. Sauf qu'il n'y a pas de millage à rien. Sauf que j'ai pris ça une fois parce que mon char était pété, là. Puis t'as beau écraser d'un, c'est quasiment le char, il y a un choke dessus. Ouais. Puis t'écrases dans le fond, là, puis de 0 à 60, t'en as pour à peu près 1h30, là. Fait que, tu sais, c'est comme, faut pas que tu dépasses personne, tu te quittes. Mais ces chars-là, là, tu sais, le monde, il m'arrêtait, puis « Hey, il est cool, ton char, man, c'est une Sentra. Elle est pas cool. Elle est cool parce qu'elle est bien entretenue, puis elle est vieille, mais elle est pas cool, c'est une Sentra. Mais une Topaz! » Calvaire, ça tombait en ruine quand tu sortais du dealer dans le temps, ça. Fait que, tu sais, l'avoir en shape en 2014, c'est tout un exploit pareil. C'est beaucoup de terre à puis de job de peinture. Ça paraît pas. Beaucoup de talk tape, là, puis ça tient encore. Des questions, André? Ou ben, on va-tu officiellement à la deuxième étape du show? On va y aller, dans le fond. Gars, rendu là, fuck it, hein, il y a plus pas mal n'importe quoi, il va. Vas-y, mais on a préparé une couple de questions pour toi, Monsieur Joe. Je suis prêt. La première, ben, on parle pas ben de stock de geek depuis le début, ouais. Fait qu'on va éclairer ça tout de suite. Ouais. Selon toi, un geek, c'est quoi? Ça dépend. Je trouve que le geek se définit un peu plus de l'œil extérieur que de celui qui l'est, là. OK. Parce que, tu sais, moi, je sais que je suis geek de certaines affaires, mais je pense qu'être juste fanatique de quelque chose à un point que ça commence à être exagéré, tu sais. Je pense que un passionné de quelque chose. Je pense que pendant un bout de temps, être un geek, c'était comme un peu un loser. Tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, je trippais sur certains trucs et on trouvait ça donc loser que je trippe là-dessus. Mais aujourd'hui, tout le monde trouve ça hot de tripper ses jeux vidéo, tu sais. C'est vrai, pareil. Fait que être geek aujourd'hui, c'est moins péjoratif qu'à l'époque, tu sais. Mais c'est plus de tripper sur quelque chose, mais sans avoir honte de tripper non, sur ça. Non, c'est ça, puis de se coller, tu sais, de tout le monde, puis de moi, je trippe là-dessus. Tu sais, ouais, tu t'assumes. Je dirais... Aller dans des conventions de My ça, Little ouais, Pony. Ouais, puis... ou... ben, je trouve ça intéressant que tu amènes ça, Milter, parce que je me posais la Brownies, question parce que... My Little Pony. J'ai écouté une couple d'épisodes de Fiston me remettre dans le bain. J'en avais vu une bonne batch. Puis je suis tombé sur des extraits et je me suis dit, ouais, attends un peu. Je veux pas te mettre sur le spot, mais il faut que j'appose la question. Mm-hmm. Parce que dans Fiston, un moment donné, ça dit, tu sais... Le gars déguisé bizarre en Final Fantasy dans le métro qui s'en va à Comic-Con, ou bien les des mangas, c'est pas... Le petit fif déguisé en Final Fantasy. C'est pas ça. Non. Mais, tu sais, là, j'écoutais ces bouts-là, puis là, je me suis dit, Geek Collectif, le podcast, on t'invite, tu t'en viens. C'était quoi tes attentes quand tu t'en viens ici? Pour être bien honnête, non, je m'attendais à ce qu'on parle de trucs de geek, mais tu sais, je m'attendais à ce que ça soit pas... Je dis Final Fantasy, mon frère est un fan fini, mais tu sais, fini ridicule. Et tu fais, OK, décroche. C'est lui qui se déguise. Ah, oh, et quasiment, là, tu sais. Puis tu fais, OK, c'est pas que c'est pas intéressant, mais je m'en calisse de ce que tu me racontes de ton truc, de telle affaire, puis que t'as une cassette que t'as commandée sur eBay. Je trouve ça bien hot. Je trouve ça bien... Ouais. Fait que tu sais, je trouve que c'est juste que l'image populaire, si tu fais un geek déguisé en Final Fantasy dans le métro qui s'en va au Comic-Con, je pense que pas mal tout le monde catche quoi le niveau. Ah ouais, d'aplomb. si t'avais un conseil à te donner au début de toute ton aventure, là, le fait de contrat de gars, puis après ça, fiston, puis toutes les affaires de même, puis t'es quitte, il y a tout le temps une affaire, tu te dis un moment donné, après un an ou deux, tu te dis, avoir su ça dès le début, là, ça aurait peut-être changé de quoi. C'est quoi le conseil que tu te serais donné à toi ou que tu peux donner à quelqu'un aujourd'hui? Deux trucs. Sois patient. Ouais. Et j'aurais dit, prends pas personnel, justement ce qu'on disait tantôt. Le web, ouais. Le web. Prends pas personnel parce que ça va vraiment te faire mal. Moi, je m'en cache pas. Une année après 38 messages de t'es un esti de fucker, il commence à gosser. Là, c'est... Fait que je dirais plus à... Gars, stresse pas, là. Prends les pas personnels. Prends les pas personnels. T'es-tu le genre à bloquer ces gens-là ou t'es laisse, là? J'ai bloqué une fois quelqu'un qui exagérait, là. T'sais, c'était comme... t'es un esti de fif, m'a te pété à gueule, là. T'écris en... moi, je vais être... Moi, je suis toujours du genre à aller t'écrire personnellement. Je peux te savoir pourquoi. Ah oui, t'écrivais ça publiquement. Publiquement. Moi, déjà, en partant, quelqu'un qui m'écrit publiquement, je trouve ça pas de couille. Viens me le dire directement à moi, là. T'aimes pas ce que je fais, qu'est-ce qui te plaît pas. Surtout, c'est de la style de marge, je vais te péter à gueule. Là, c'était comme, moi, te péter à gueule si je te croise, nanana. T'es un esti de fif, t'es un esti de fif. Mais demande si ça fait 8 posts qu'il fait sur ton WAP. Tu fais, hey, man, il doit déranger combien de milliers de personnes en ce moment, ce gars-là. C'était plus ça. Après ça, c'était sur ma page personnelle. Il s'en prenait à mon fils. Ton fils, t'as un esti de fif, man. Si je le vois, je l'arrache. Tu fais, ok, c'est beau. J'avais appelé la boîte de production. Je dis, écoute, on peut s'y mettre un avocat sur le dos parce que là, ça commence à être des menaces. Mais non, c'est rendu à un autre niveau. Niveau. Fait que ça, c'est le plus loin qu'on est allé. Sinon, je bloque pas. Ce niveau-là, il arrive pas souvent, j'espère. C'est arrivé deux fois en quatre ans. Okay. Là, c'est pas. Pourtant, fait que tu t'es pas réveillé en te faisant respirer dans le cou ou quelque chose de même. Ou... Ben, c'est sûr, j'ai eu des gens weird là, qui m'ont demandé de leur taper sa gueule ou à cause de contrat de gars. Là. Ouais, dans des bars, ils disaient, hey, punch-moi dans la face, me filmer avec mon sel. Puis, écoute, je m'attendais pas à ça. Là. Mais... Paye-moi un verre avant. Ouais, mais j'avoue que ton personnage, il te fasse un bébé à un moment donné, ma soeur. Je suis pas un bébé. C'est sûr qu'après, tu vois des gauchos dans un bar que... Les autres ont trouvé ça drôle que tu punches un bébé. Avec l'époque Jackass aussi, tu sais, si t'avais je me souviens, le sketch du bébé, c'était le gros punch, mais t'en punchais deux, trois, me semble, mais un après l'autre. C'est que je punchais un couple puis leur bébé. Le couple, c'est ça. Et les gens, maintenant, qui connaissent l'émission We Surf, ils connaissent We Surf, mais le gars que je punchais, c'est Jean-Michel Cepelo, le gars de We Surf, ouais. C'est un de mes chums, puis c'est lui qui faisait l'anti-ninja à l'époque, il jouait... c'était un bon chum, puis l'idée du bébé, c'était pas écrit. C'était je punchais le couple. Et quand moi je suis arrivé, puis je me suis parké en avant de où on tournait, quand je suis débarqué, j'ai juste regardé me parker en parallèle, puis j'ai vu mon banc de bébé, puis j'ai fait holy shit, on sort la coquille, est-ce que ça va être drôle, puis tu punchais mon bébé. Puis je demande au réel, il fait hey man, c'est rough. Ouais, c'est justement pour ça qu'on va le faire. Ben, c'était écœurant. Ouais, c'était vraiment un bon gag. Mais quand tu commences à faire des shows comme ça, puis tu commences à te faire connaître, puis t'es un personnage de ce genre-là. C'est sûr que tu vas toujours avoir des gens qui vont te courir un peu. Ça fait partie de la job. Ça, je l'assume. Avec les podcasts, ça existe. Jackass, cellulaire. Mais tu penses-tu que c'est une affaire québécoise, ça aussi? Ou... Non. Non. Parce qu'au Québec, il paraît qu'on est moins pire qu'à bien des places. Puis moi, je pense qu'on est vraiment moins pire parce que... On n'a pas de classe, mais je me dis qu'au States, ça va être atroce. Ou en France, il paraît que c'est atroce. Tu parles à des humoristes français. Genre, t'es puis... Steven Seagal, tu vas prendre une bière dans un bar. Là. Oublie ça. Ben, c'était qui? C'était au Rainbow à LA. Je pense que t'arrives là-bas, puis t'as l'ami de Motorhead, qui est tout le temps assis à la même place, puis il a sa machine. Puis ça a l'air que le gars, il est bien cool. Tu rentres là, puis si l'ami est au Rainbow, hey, on peut-tu prendre une photo? Ben ouais, pas de trouble. Let's go, on va te signer les boules. Puis, tu sais, il y en a pas de problème. Regarde, il est tout le temps là, puis il est accessible. Mais, quand tu signes des boules, c'est rare qu'il y ait un problème. Seulement, là. Mais je dois t'avouer que la première fois que ça t'arrive, tu catches pas. Tu ris-tu de moi? Mais quand t'es l'ami de Motorhead, puis ça t'arrive plusieurs fois par heure. C'est correct, là. Ouais, c'est ça. Tu es comme. Ah. Moi, c'est arrivé une dizaine de fois dans ma vie, puis tu fais, t'es sûr, t'es saoul, là. Mais la chose la plus absurde ici, c'est un iPhone. Le gars était sourire. Sur l'écran, ou... Oui, le gars, il est sourire. Il disait, hey, veux-tu signer ma photo de toi pis moi? Je t'ai pris en photo au show. J'ai revenu d'un show Club Soda, j'avais fait un show avec champagne. Il sort de scène, on fait 2-3 photos avec du monde. On arrive au bar, on cale sur la scène, il va y avoir un after à telle place. On est là, et le gars, il est bien chaud. Puis il veut que je signe sa photo. Puis je suis comme, attends une minute, tu comprends pas, je vais signer ton iPhone. Tu sais, il y a de la musique, je crie, je vais signer ton iPhone. Ouais, c'est ça le but. Ouais, mais ça va rester là! C'est ça le but! OK? Comment si tu gages que 5 minutes après, le gars était là avec son piton power puis le piton home puis il essayait de prendre un screenshot? Non, il essayait de faire reset, c'est-tu d'épais, là? Il se disait, ah non! Lui, il se dit, m'a prendre un screenshot, m'a mettre ça sur Facebook, un signé, tu sais, puis... Là, t'as parlé tout à l'heure, t'as dit, moi, je suis geek un peu de certaines affaires, pis t'inquiète. Je sais que t'avais fait un billet sur Urbania, justement, à propos de la consommation de téléséries. Là. Ouais. Fait que j'imagine, il devait y avoir un petit peu de recherche dans cet article-là. Là. De vécu plus que de recherche, là. Moi, j'ai commencé avec Lost. Ça a été ma première série. Que j'ai écouté au complet en 2013. Ouais, en retard de tout le monde. Mais il y a plein de gens qui ont détesté. Moi, j'ai adoré Lost. J'ai aimé ça. Il y a des up and down, mais c'est pas une mauvaise série en soi. Et je pense que ça a parti le bal pour ben des... Ben, c'était au bon moment. Là. Ouais. C'est le DVD qui sortait, puis il y a bien des gens qui pouvaient se claquer. Mais c'est vrai que ça a parti le culte, si on peut dire, du binge-watching, surtout. Ouais, le monde s'achetait un coffret de DVD. Puis, c'était une drogue. C'était le Golden Age là, du DVD. Deux jours, là, c'est quand je l'ai acheté. Là, puis samedi, dimanche, j'étais en pyjama toute la journée. Tout est acheté pour pas que je sorte. Là, Je pars à gâche dans mon bunker. Mais il n'y avait pas vraiment d'autres choses comme Lost non plus à TV dans ce temps-là. À Star, il y en a un peu plus. Il y avait Alias. Mais t'avais 4400 qui était sorti en 2004. Oui, ça c'est vrai. T'en avais une couple de bonnes séries qui étaient sorties... Tu veux 4400, moi j'ai découvert dernièrement, tu sais, parce que je cherchais, de manière, tu fais, j'étais écœuré. Moi, Breaking Bad, ça m'a jamais attiré parce que tout le monde qui écoutait ça me disait toujours, c'est depress un peu, puis moi j'étais un gars depress dans la vie, fait que j'étais comme, j'ai pas envie de finir un épisode. Mais t'as jamais accroché sur Breaking Bad? J'ai jamais écouté. Ok. Le vrai problème que moi j'ai eu avec Breaking Bad, non, mais moi j'ai jamais accroché, c'est pour ça que je cherche à des gens qui ont comme, parce que. Moi c'est Fringe que tout le monde a accroché aussi dans mon entourage, j'ai pas accroché, puis j'étais un tripeux de ce style-là en plus. Mais Fringe, c'est pas des jokes, je pense que j'ai essayé 4-5 fois. Sur les deux, trois dernières années, de réécouter les premiers épisodes, puis de rendre jusqu'au sixième pour le septième, tu fais, c'est pénible, ça me tente même pas de le mettre le prochain. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, t'as bien du monde, ils me disaient Breaking Bad, tu vois, après la première saison, t'es correct. Ok, il y a combien d'épisodes? 12. C'est 45 minutes chaque. C'est de l'investissement en calvaire, ça, vraiment, là, pour m'embarquer. Là. Avant de peut-être trouver ça bon. Si j'aime pas ça, après, je fais quoi? Qui me redonne mes 12 heures, là, tu sais? Quand d'autres séries que tu peux aller écouter aussi à la place. Tiens, moi, dans mes séries cultes, vraiment, Lost a été quelque chose qui m'a vraiment fait triper. Après ça, j'ai eu... qu'est-ce qui m'a fait triper? Flight of the Conchords, que j'ai vraiment adoré. Ça. Écoute, j'ai acheté les soundtracks, je les écoutais. I'm a Mermaid, moi, ça me faisait triper à l'époque. Qu'est-ce que j'ai écouté aussi qui m'a vraiment, vraiment fait triper? Spartacus, j'ai trouvé ça. Sons of Anarchy. Stars, ils ont le don de faire des bonnes séries. La seule affaire, c'est qu'ils se cancellent tellement vite. Là. Mais il y en a une qui m'avait vraiment. Mais moi, je suis un tripeux quand tu me demandais. Tu parlais de trucs geek. Là. Ouais. Moi, je suis vraiment geek d'une affaire. Puis, écoute, c'est la première fois que je pense que j'ai dit dans l'entrevue. Il n'y a pas personne qui sait ça. Là. Mais moi, là, je collectionne les DVD de documentaires de paranormal. Moi, tout ce qui est fantôme, extraterrestre, ça me fait triper, mon gars. J'ai une chier de livres chez nous. Là, tu ferais. T'exagères, Auberge, là. Moi, lire un livre sur quelqu'un qui s'est fait mettre une antenne dans le cul, ça me fait capoter, mon gars. Fait que toi, t'étais abonné à... C'était quoi, là, la revue des années 80? Oui! Niaise-moi même pas! Niaise-moi même pas! J'ai demandé de débarrasser dernièrement mais les Facteurs X. Je suis un fan fini de ce style-là. De... Puis tu vois, même que dernièrement, je me suis dit, faudrait que je me clenche les X-Files. Je les ai jamais écoutés, puis j'ai trouvé ça, tu sais. Après Lost, là... Je voulais me regarder. Je m'ai quand même dit. Moi, je fais ça en écoutant. J'écoute mes séries en faisant de l'elliptique. Ouais, c'est une bonne idée. Je mets mon iPad là. Puis une émission 45 minutes à peu près. Ouais, j'en fais toute l'émission. Si c'est un peu plus, tant mieux. C'est 3 minutes de plus pour moi. Hey, t'as la même habitude que ma femme. C'est cool. Ben ouais, mais je trouve. Ça marche bien. C'est un bon ça, truc. Puis parce que tu seul à regarder dans le vide, je vais y fou. je suis pas capable. Puis écouter des tunes, à un moment donné, je sais plus quoi écouter. Ouais. Fait que j'écoute des séries. 45 minutes de Zombie Nation, c'est l'elliptique qui se fait tour à un moment donné. Là. Après, j'ai tombé dessus sur YouTube aujourd'hui en cherchant une tune de merde à ma blonde. Là. Mais tu sais, quand je fais ça, je m'ai dit après Lost, 6 saisons, là, puis c'était un épisode par jour là, que je me tapais. Là, puis des fois, le soir, avant de me coucher, bon, je vais écouter un de plus. Ouais. Tu sais. C'est 122 épisodes, si je me trompe pas. C'est beaucoup, là. Ouais. Mais quand je checkais X-Files après, qui sont toutes sur Netflix aussi, j'avais le goût, moi, avec. Je lui ai dit, je me clenche. J'aimais tout ça dans le temps. Imagine si là, je m'étape en ordre. Tu sais, là, ça va être encore plus fou. Là. Dans le temps, c'était comme un épisode par-ci, par-là, de temps en temps, le vendredi soir. Quand j'ai checké le nombre d'épisodes total, des 26 épisodes par saison, il y a 10 saisons, j'étais comme... Oh, c'est 260 heures de télé. C'est 260 heures avant que Mulder couche avec Scully. C'est comme ça va arriver. Non. Tabarnak. Ce que j'aimais des X-Files, moi, c'était que c'était une des premières séries qui faisait des références à la culture Internet. Ouais. Est-ce que t'avais vraiment une interaction d'un forum, y a eu des choses comme ça? Le spin-off avec les hackers dedans de X-Files qu'il avait fait. Ça a fait comme 4-5 épisodes. Les Lone Rangers, je pense, tu sais. C'était ça? Ça, c'était pas le groupe dans le film Airheads, ça? Je suis, ouais. Airheads, c'est les Adam Rangers. Sandler. Puis, Adam Sandler. Attends, les Rangers solitaires. Oui, c'est ça, les Rangers solitaires. Mais il y a une réplique culte dans ce petit film-là. Pip, range ton monstre. Non, c'est au début du film. Quand Bellucci qui est dans le truc de jouet, puis t'as juste son esti d'associé marde, son petit loser qui est là, qui fait « T'as pas rangé les papayes dans la bonne rangée? » Amen, ça faisait capoter quand j'étais kid, ou « T'es dur de la feuille? » Amen, je capotais sur ce film-là. J'ai rien entravé. Moi, mes amis, on connaissait toutes les répliques de ce film-là. C'était un des premiers, Brendan Fraser. Ouais, mais... Brendan Fraser, ben... Non, ben c'était un de ses premiers titres qui était le rôle principal. Lead role. Mais non, ouais, ben Encino Man. Encino Man. C'était après, non, je sais plus. C'était après ou c'était avant? C'était Sean Astin, le lead dans Encino Man, je dis ça de même. Là. Ouais. Parce que tout le monde avait hâte de voir qu'est-ce qu'il y avait avec Sean Astin, tu sais. Ok, d'abord, excuse, c'était le Weasel. C'était Pauly Shore. Pauly Shore, le seul gars qui a réussi, je pense, à faire 8 films avec le même style de rôle. Ouais. Puis là, il gère une des meilleures boîtes d'humour aux États-Unis. Ouais, Mais sa mère, c'est Comedy Shop. Là. Sa mère, c'est la créatrice du Comedy Shop. Ah, oh, ouais, t'es sérieux? Ouais. Je savais même pas ça. Puis il gère ça. C'est ça, il a comme pris le backup. C'est même ça a commencé, lui, sa carrière. La seule raison qu'il est connu, c'est comme t'es le fils de la plus grande bookeuse à LA de comédie, genre. Mais il était quand même drôle pour les années. Pour son époque, il était drôle. C'est juste qu'il demandait. Il est rentré MTV, si je me trompe pas. Ouais, mais lui, il faisait des shows de brosse. Il faisait des shows, puis là, après ça, il sautait des brosses puis il faisait le show là, de 35 minutes. Mais il faisait le beer, MTV Beer Bash là, c'était genre puis après ça il s'est fait pick up à une MTV, semaine ouais. Spring Break à tout le monde on est chaud, pitchez-moi de la bière pendant que j'anime puis c'était juste ça lui là, la vraie TV là. Comme Call TV finalement. la vraie TV je suis seul qui trippe sur Call TV man. Ouais, j'aime regarder ça t'es le seul. Ah, c'est trop drôle à regarder ça. Là. Ok, c'est pour ça que tu le regardes. Non, mais c'est pas qu'il a fait, pour gagner, là, man. C'est juste voir les personnes. On dirait, je sais pas si les personnes sont désespérées qui sont là-dessus, là, les animateurs de tout ça. Man, mais c'est quoi la vidéo que t'avais mis là? Shout out à Carl Hardy. Mais c'est ça, mais c'est parce que j'y tombe là, des gars, des fois du dead air pendant comme 15-20 secondes. Parce que t'as juste le gars qui est là qui regarde la caméra. Puis qui attend. Puis comme appelez. Appelez. Moi, j'ai un ami qui a fait ça. Puis je suis comme. Qu'est-ce que t'as fait là, man? C'est deux ça heures d'impro, tough. Là. Hey, chaque c'est soir. C'est difficile à faire. Le monde, mais on la compte, mais man, je mets n'importe qui au défi d'aller faire ça. Ouais, je vais faire n'importe quoi. Je suis sûr que c'est difficile. Puis je respecte n'importe qui se met là-dessus. Mais Christy, que ça fait de la bonne télé si tu vas regarder ça. Là. Moi, j'aime ça pour ça. Là. Jamais j'appellerai, mais. Ah. Moi, une fois, là, j'ai comme un con, là, tu fais. Allez, j'ai la réponse. Que non, mais qu'est-ce que je fais là? Wow! Recule, démon! J'ai la réponse, je vais appeler. Non, recule! Comme c'est trop, là. T'es toujours en train de tomber cette chaîne-là à minuit et quart, là. Tu sais, les deux yeux dans tu le tu reviens dans quelque part, t'as à peu près une demi-poutine frette à côté de toi, un verre de vin. Puis... Là, t'hésites à aller sur Pornhub ou regarder ça un peu. Tu tardes ton temps d'aller sur Pornhub. J'ai eu la conversation avec ma blonde, là. Les deux, là. De Pornhub ou de Call TV? Ça aussi. Okay. Mais celle de Call TV, de juste on se regarde comme puis t'as tu à répondre il y a 36 triangles on c'est sait, ça, là. C'est ça, j'ai 36 triangles, triangles maintenant là. C'est comme on appelle-tu là une fois. Mais je m'en rappelle même là, j'avais posté une vidéo une fois parce que j'avais juste pogné le gars justement qui fait du gros dead air puis là à chaque fois que quelqu'un appelait il y a personne sur la ligne même puis il tentait de revirer fou puis moi je pose juste pour rire avec les amis puis là t'as plein de monde qui commence à essayer de résoudre le problème mais dans le comment thread. Non, tu fais, qu'est-ce que je fais là? Mais c'est comme, non, c'est ça à cause qu'il y a les parenthèses, non, c'est ça, pis t'es, ah! Mais c'est ça qui me mettait dans le doute. À tous les fois que j'avais la réponse, je voyais sur Facebook, j'ai dit, tabarnak, il dit que c'est d'autres choses, ce gars-là. Pourquoi? Là, j'essayais de comprendre comment que lui est arrivé mais à tu ça, sais c'est... que c'est une mindfuck, ça. Le gars, lui, il se dit, je vais aller faire la... Je vais aller comme foutre la marde d'un peu, le monde va s'ostiner, puis pendant ce temps-là, les lignes sont vides. Tu lis même pas, t'écris 22, paf, tout le monde capote. 22 triangles, il y a 22 triangles là-dedans. Moi, une autre question qu'on avait pour toi dans le fond, vas-y. On se demandait, tu sais, au niveau méthode de travail, là, parce que là, tu fais de l'écriture, tu fais des billets pour Urbania, tu fais des web-séries, tu vas travailler sur la télé, tu vas travailler un peu partout. Tu sais, t'as bien du monde, ils se disent « Ah, c'est cool, le show. » Ça marche comment? C'est quoi? Ça prend des grosses bases, là. Okay. Mais honnête, la journée que tu dis, mettons, moi, il y a 4-5 ans, quand j'ai abandonné ma carrière comme assistant caméraman, à OK, je me consacre à mon art. Tu travaillais pour un souper presque parfait. Ouais, j'ai travaillé là-dessus. Parce que ouais. Je me souviens, une fois, déjà j'avais vu ton nom, tu l'avais déjà dit et tout, mais une fois je regardais le show, parce qu'au début je le regardais beaucoup, j'avais le temps, c'était une bonne case horaire pour moi. Moi puis ma femme, on tweetait tout là-dessus, on embarquait dans le bandwagon. Ouais. Je t'ai vu passer en arrière avec ta caméra. Ben oui, on faisait souvent. Écoute, tu sais le nombre de fois que j'ai camera bomb. Hey, si tu savais le nombre de shows télé dans lesquels j'étais figurant juste. Parce que j'avais un concept à un moment donné, c'était de passer dans toutes les shows sur lesquelles je travaillais comme technicien en arrière. Je me suis dit, un jour, je vais retrouver toutes ces bandes-là. Je vais les mettre une à côté de l'autre, puis je vais me faire un montage. Hey, si tu savais le nombre de shows, que ce soit un show pour enfants, que ce soit les shows de télé-réalité, que ce soit les shows de merde ou un talk show, des gros shows à gros budget, dans lequel t'as un Roberge qui passe en arrière, comme si de rien n'était, tu sais, qui s'en va chercher une bouteille de vin qui revient. Hey, je suis partout. Dans toutes les shows que j'ai travaillé, je pense que je m'arrangeais pour passer en arrière. Mais oui, c'était. Tu m'as vu une couple de fois. Je t'avais vu. Je m'as fait première saison, c'était ma dernière fois comme technicien. Parce que je revenais d'un. J'avais fait contrat de gars avant. J'ai fait contrat de gars, ça allait super bien. J'ai fait, à 27 ans, pour la première fois, un burn-out. J'avais trop travaillé dans mon année, je filais pas, dépression. Le petit gros package deal de tu files pas au mois de février, puis tu fais des crises d'angoisse, puis tu vas pas bien. Je suis tombé sur les médicaments. Et là, j'étais comme, OK, qu'est-ce que je fais de ma carrière, tu sais? Je fais du web, c'est pas tant payant. Si je signe des autographes à tous les petits coins de rue pour des kids, mais j'ai la misère à payer mon loyer avec ça. Tandis que technicien, tu gagnes bien ta vie une fois que t'es dans la roue. Tu sais, que tu travailles pour tel réalisateur, t'es bon, t'es travaillant, mais t'es correct comme pigiste, tu sais. Et là, je me disais, il faut que je fasse un choix. Et à un moment donné, j'ai une amie, Anissée, qui me dit, écoute, c'était la réalisatrice sur. Qui est encore réalisatrice sur un super parce que parfait. Elle m'a dit, je travaille sur Tester sur des humains, je sais qu'ils cherchent des auteurs, des créateurs. J'ai dit, ouais, j'aimerais bien ça, peut-être lâcher ça, puis retourner en écriture, tu sais. Puis c'est là que ça prend des couilles, tu sais, il faut que tu fasses, j'abandonne tout, et que je réussisse à convaincre les gens que j'ai une bonne plume, tu sais, que je suis capable d'écrire. Et à partir de là, si tu fais un hit, t'es correct, c'est Tester sur des humains, on se cachera pas que c'était un fucking beau hit. Moi, j'aimais ça. Puis j'ai été bien fier de travailler sur ce projet-là. C'est quoi t'écrivais là-dedans, juste? Toutes les tests. C'est moi qui conceptualisais les tests avec Champagne. Ouais, je savais que tu collaborais avec Champagne. Ça devait être cool, ouais. Ça, on était deux dans un bureau. C'était pas du texte vraiment que t'écrivais. Les cartons, les statistiques. On avait des recherchistes qui nous aidaient. OK, on travaille sur le racisme. Mettons, on a fait un sketch sur le racisme. On a inventé quelque chose où un noir s'est pas servi dans un restaurant. On check la réaction des gens, blablabla. OK, bon. Là, tu dis à ta recherchiste, trouve-moi ça, ça, ça. Fait que tu conceptualises tout le truc. Puis quand André arrive en nom, ben, il y a de quoi à dire. Il y a ça de prêt, OK. Puis on le répétait ensemble avant de rentrer. Puis. Et à partir de là, quand on a ce carré faire sur Tester, ça prend pas deux minutes que ton nom circule. Ouais. Hey, tu veux tester ces deux humains, ont un million de codes d'écoute ces temps-ci, ça roule bien, les critiques sont bonnes. Qui est en regard de tout ça? Hey, c'est un tel puis un tel. Ah ouais? Ben Chris, je travaille, moi c'était le projet, on cherche un idéateur, ok, on va t'engager. Puis là, à un moment donné, c'est comme ça. Mais faut que t'aies les bases de dire, ok, pendant deux semaines, trois semaines, j'ai pas de revenus qui rentrent. Qu'est-ce que je fais pendant ces 2-3 semaines-là? Ben, je vais retourner faire du stand-up un peu dans les bars. Puis ça, on va faire 100$, ça se faire des jokes dans un bar. Fait que tu sais, ça prend des couilles, ça prend vraiment de tout lâcher. Puis si ça décolle, ça décolle. C'est comme un avion. T'es en haut, t'es en sécurité, t'es sur le pilote automatique, puis tu fais tes affaires. Mais si t'as de la misère à décoller, c'est là que les gens se plantent en premier, je te dirais. C'est plus tough. C'est le côté patience un peu que tu parlais tantôt. Oui. Patience, persévérance. Ah oui, oui, parce que le nombre de fois que tu te fais dire c'est pas bon. Ou que tu te fais dire que non, t'es pas correct. Ouais. Là, pendant un mois, personne t'appelle. Tu fais, Chris, je suis plus bon. Ils m'ont oublié. Puis personne veut de moi comme auteur. Puis personne veut de moi comme idéateur. Puis on est, on t'appelle. Hey, écoute, on a un projet. Nouveau show de télé, c'est un show de rénovation, mais on va essayer de dynamiser un peu les textes. C'est quoi ton show? C'est une maison verte, c'est ta casa. Ouais, ok, je peux essayer. Puis on dit, Chris, tu scores fort. T'as du fun à faire ça. T'apprends plein d'affaires à ces maisons vertes, puis j'écrivais des textes là-dessus, je faisais des recherches. Puis là, on t'appelle. Hey, écoute, on a su que tu travailles sur Casa. Hey, ça t'entrait-tu de tel talk show? On cherche des jokes. ouais, parfait. Puis le moment, c'est comme. C'est de fil en aiguille. Puis c'est du PR. T'es ton CV sur deux pattes constamment dans ce milieu-là. Non, il faut pas que t'arrêtes. Non, non, non, non, non, non. Puis le moment où t'arrêtes, justement, parce que j'imagine qu'il y a dû avoir une période creuse comme ça arrive dans pas mal n'importe quand. Tu gères ça comment? Je vais t'avouer que, comparativement à bien des amis à moi qui sont dans ce milieu-là, je suis vraiment multitask, tu sais. Autant que je peux être devant la caméra que je peux être derrière, je peux être devant comme chroniqueur, comme animateur, je peux être derrière autant comme réalisateur, parce que là, on commence à me faire confiance pour réaliser des projets. Fait que comme réalisateur, comme auteur, comme créateur, comme writer, fait que là, je peux occuper plus qu'une chaise. Fait que quand que je manque de job en avant de la caméra... Change de chaise. Change de chaise tout simplement, tu sais. Parce que en ce moment, sans prétention, les demandes, j'en ai vraiment beaucoup, tu sais. Que ce soit autant en avant qu'en arrière, parce que j'ai tout avancé mes pions. Tu sais, moi, ma carrière, j'ai toujours vu comme un jeu d'échecs, puis j'avance mes pions tranquillement, tu sais. Mais j'avance pas juste un, je les avance toutes. Comme réalisateur, je fais ça. Là, je laisse ça de côté, j'ai réalisé cette année tel projet, je réalise pas pour les 6 prochains mois, je fais juste écrire. Je fais juste écrire, j'avance ça, que je réalise là. Et là, t'avances, moi, tu fais OK. Là, je peux choisir. T'sais. C'est quand tu sors le cheval? Hein? C'est quand tu sors le cheval? En ce moment, ils sont pas mal tous sortis, je dirais. Là. Mais parlant de pion, justement, y a-tu un move que tu regrettes dans ta carrière? T'sais, un pion que t'as fait comme « Ah, oh, j'aurais peut-être pas dû aller là, j'aurais peut-être pas dû faire ça, dire ça. » À base dans la vie, je trouve que regretter quelque chose, c'est une perte de temps. Je suis pas quelqu'un qui regrette dans la vie. Mais... J'essaie de penser pour vrai. Dernièrement, il y a quelque chose que j'ai fait une... On m'a proposé un super beau projet. Puis j'ai fait, attends une minute, on me propose autre chose. Je vais l'écouter. Et puis, les deux étaient dans... Pour les gens qui savent pas, quand il y a des projets débutent, c'est des pilotes. Okay. C'est que, tu sais, on tourne un projet pilote. Ouais. Et là, les deux sont tournés. Tu as travaillé sur les deux projets, puis on dit, OK, on t'offre tant. Ça, c'est ton salaire, c'est ça. OK, parfait. Toi, tu m'offres combien? Tant. OK, j'ai plus d'argent là, mais j'ai plus d'épisodes de ce côté-là. Je travaille pendant un an là-dessus, deux ans là-dessus. OK, qu'est-ce qui est plus logique, tu sais? Et j'ai fait un mauvais choix dernièrement sur un projet que j'ai fait. Désolé, je signe une entente avec eux, une exclusivité, je vais travailler avec eux. Puis finalement, le projet est refusé de ce côté-là. Mais de l'autre côté, ils viennent signer pour 3 ans. Là, tu fais, ah, si j'ai perdu 3 ans de salaire stable. Puis dans mon milieu, 3 ans stable, c'est énorme, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est de faire, ben regarde, j'ai pris un guess. Puis je suis allé où ce que mon instinct me disait d'aller. Puis. Je le regrette-tu? Non, parce qu'encore aujourd'hui, je pense que j'ai fait le bon choix. Je pense que l'autre show qui n'a pas pensé était meilleur, tu sais. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que c'est de l'intégrité aussi, parce que, tu sais, à t'entendre parler, puis ce que je remarque beaucoup, tu sais, justement, la question, j'anticipais que tu dis, j'ai pas beaucoup de regrets, parce que, tu sais, tu parles, c'est facile pour toi. Puis, tu sais, je pense que les passion projects, c'est important dans la vie, puis t'as l'air de quelqu'un qui drive beaucoup à la passion, justement, puis à aimer le projet, tu sais. Si j'ai pas de passion, j'embarquerai pas dans ton projet. Je vais t'avouer que dernièrement, j'ai dit oui à des projets parce qu'il y avait un chèque. Puis peu importe qu'on dise, les artistes... tout le monde fait ça. Non, tout le monde va faire ça dans n'importe quel domaine. Tu sais, une année, on te propose un beau montant, puis tu fais, hey, ça, là, c'est un cash down pour une maison. Mais ouais. Puis dans mon milieu, là, un cash down pour une maison, ça passera pas 50 fois. Tu sais, une parenthèse de ça, le monde dernièrement, j'ai vu sur Internet encore passé, c'était, c'est quoi le Louis-Jean Cormier qui fait 600 000 pour c'est la voix. C'est même pas vrai ou même, pas. Même si ça c'était serait vrai, c'était vrai. C'est pas vos astis d'affaires, qu'est-ce que ça te fait on qu'il fait 600 000? Le gars, c'est plate à dire, j'ai travaillé assez longtemps dans l'industrie de la musique, là. Ouais. À cette heure, en 2014, c'est pas en vendant des CD qui va faire autant d'argent. Non, peut-être si tu calcules des shows, des affaires de même un jour totalisé, mais n'importe qui aurait pris le 600 000 pour se revirer sur une astie de chaise quand il trouve que la personne elle chante bien. Ouais. Puis si vous dites le contraire, mangez de la merde. Parce que vous mentez. Parce que vous, c'est ça. Vous êtes des asties de crosseurs. Ouais. T'as beau être le pire punk anarchiste du coin de la rue là. Si je t'offre 600 000, tu vas prendre le 600 000. C'est cool, je viens de dire, si vous avez des questions, posez-les, on va aller voir. Puis de notre côté, sur le stream... Crèmeuse ou traditionnelle? Oh! Crèmeuse. Crèmeuse, hein? C'est-tu Brousseau qui s'appelle la personne qui a écrit ça? Non, Jason Dillman. Okay. Salut, Jason. Je trip crèmeuse. Traditionnelle avec bien du poivre, mais crèmeuse, ouais, c'est tout le temps dans le top. Mais c'est vrai là. Que si elle est traditionnelle, moi aussi, je vais rajouter une shit de poivre dessus. J'en mets plein, là. Crèmeuse. En tout cas, les questions sont pour lui. C'est une vraie barbe, on dirait une fausse comme les Pères Noël de centre d'achat. Non, ma barbe, c'est depuis 2004 que je l'entretiens. Alors, et voilà. Est-ce que tu refais le ZooFest cet été? Je vais t'avouer que j'aimerais bien ça, mais j'ai deux projets stand-by. Ça, c'est Philippe Trudel. En ce moment, je travaille sur deux shows télé que j'aimerais bien ça qu'on tourne cet été. Fait que je pense pas refaire le ZooFest, mais si j'ai pas les deux shows, c'est sûr que j'aimerais ça sortir de quoi. Mais le problème, c'est que tout ce qui est matériel de scène que j'avais a passé dans Fiston. Ah, ok, ouais. Hey, c'est quand même 80 capsules sur 80 sujets. Puis quand j'allais faire aux ZooFest en stand-up, ben c'était ça, c'était. C'était. Pour une capsule de Fiston, ça me donne 12 minutes de scène. Avec les rires, les claps, le débit. Ah, c'est quand même cool, pareil. Fait que c'est quand même un bon numéro par truc. Puis c'est quoi, 2-3 minutes une capsule de Fiston? 3 minutes environ, 3 minutes et demie. Puis il y en a qui vont jusqu'à 5 minutes, puis là, je ne les ai pas fait encore sur scène, tu sais. Fait que là, tu fais, OK, c'est l'équivalent de 80 numéros du mot que je viens d'écrire. T'sais. Une capsule de fiston, en plus, ton père, tu te dis, c'est 12 minutes de scène, c'est 3 minutes de vidéo. Ouais. C'est combien de temps de montage puis de planification? On rec-tu? Oui, on enregistre. On enregistre. Je te dirais, ça dépend de la capsule, ça dépend des dessins, l'animation, c'est surtout ça qui va prendre du temps. Faire une moyenne générale, c'est plus Dave, mon monteur, qui pourrait te le dire, mais j'enlignerais ça pour loin de 50 heures de montage puis de travail pour une capsule. Wow! Sans compter l'écriture encore. L'écriture, ça prend... juste le editing, là. Ah, juste le filmer puis le monter, là. Puis faire la post-prod dessus. Le monde, il s'en rend pas compte. Faut, c'est juste une caméra, ouais, mais il y a 118 cotes dedans, pareil. Fait que tu changes de plan de caméra ou pas, il y a, mettons, 118 cotes en 3 minutes. Fait qu'il faut les découper. Puis chaque cote, je l'ai fait 3-4 fois, tu sais, pour qu'elle soit bonne. Fait qu'il faut qu'on fasse une musique aussi avec. Les gens savent pas qu'en humour, c'est un gag, c'est une musique, c'est une mélodie. Donc, des fois, mettons, on fait un gag. J'ai mon auteur avec moi, Mathieu Genet, que tu connais super bien, Matt. Ouais, très bien. Ouais. Mettons, Matt est assis. Et lui, là, je pense qu'il est juste là pour la musicalité de la patente. Je fais, mettons, nanana, nanana, nanana. OK, parfait, prochaine réplique. Là, je check mes ton frères, débit okay. que et là, je fais, nanana, puis il fait, écoute, Joe, ça sonne bizarre. Puis je fais, OK, comment je l'ai fait tantôt? Il dit, t'as fait nanana, nanana, nanana. Là, logiquement, il faudrait que tu fasses nanana, nanana, nanana. Faut qu'on remonte un peu. Parce que lui, c'est un chanteur, c'est un musicien. C'est ça, je m'en fait que c'est super important. Wow. Pour parce qu'il faut c'est calculer ça. Je m'en dit, son côté musical qu'il a en tant que God Band, ça vient vraiment jouer dans. Ouais, dans mais tu ne connais pas, il est dans Dorothée d'une salope. Il est le chanteur, puis c'est lui qui écrit les chansons. Je pense que je l'ai déjà parlé. Dans, moi, je suis un gros fan des Dorothées, puis moi, c'est. J'ai déjà parlé au podcast, je pense, en plus. Mais on posait la question, justement, parce que dans le dernier épisode qu'on avait enregistré, c'était plus les gens qui nous posaient des questions. Puis quelqu'un avait dit, tu sais, pourquoi vous ne faites pas un channel YouTube? Puis on expliquait un peu le procédé, puis je voulais, tu sais, savoir un peu ton input là-dessus. Parce que justement, tu sais, ce qui nous avait découragé, c'est, OK, t'as ta job, le 9 à 5 que tu fais de la semaine, tu te quittes. C'est bien beau, t'as du fun, tu filmes ça, sauf que t'as pas de fréquence. Fait que, tu sais, nous autres, mettons, dans un quotidien, on fait pas ça professionnellement. Mm-hmm. Tu sais, tu fais un épisode... Puis tu passes probablement peut-être pas 50, on aurait peut-être passé 20, 30 ou 15, peu importe. Mais tu sais, tu peux pas avoir du contenu assez souvent pour attirer la foule. Puis tu sais, déjà là, le podcast, on le fait aux 2 semaines, on essaie de trouver des fillers entre-temps, des choses comme ça. Mais tu sais, j'ai un énorme respect pour ça parce que c'est facile, nous, en tant qu'auditeurs, on regarde ça puis on se fait « Hey, c'était 3 minutes, moi, je n'écouterais au moins une demi-heure de ça. » Puis tu fais « Hey boy, c'est pas le travail. » Ou même, et pire que Fiston, c'était contrat de gars, tu sais, pour ceux qui ont connu ce que je faisais avant. Hey, contrat de gars, là, c'était des fois 300 heures pour une capsule parce qu'on faisait sauter une tank de propane. Après ça, je breakais avec un char, break à bras. Un moment donné, j'avais un gag où je breakais. Mais le monde, ça rentre pas compte. Mais ils font juste OK, c'est Robert qui est assis dans un char, il a mis son bras à terre, puis ils ont fait de la fumée. Et non, là, on était. Ça prenait le char. Pour que le paysage défile en arrière, il fallait qu'on ait filmé vite. Après ça, on l'accélérait. Là, après ça, les gouttes d'eau qui étaient dans vite, c'est comme il fallait les faire défiler. Il a fallu filmer une vite avec de l'eau qui coule dessus avec un ventilateur. Ah ouais, là, tu les rajoutes. Là, c'est de l'éditing. À chaque fois, faut que tu le rentres dans ton ordi. Faut que tu... Et c'était Pierre-Luc, le gars des satiriques, qui fait les gars des vues en ce moment à Télé-Québec. Pierre-Luc se donnait corps et âme sur ce petit projet-là. Puis, tu sais, on arrivait en meeting, puis il disait, les gars, amenez-moi des défis. Fait quand j'ai écrit l'épisode. C'était un de leurs premiers gros projets, si je ne me trompe pas. Hein, si en même temps, il faisait le Christo Show. Il faisait. Il faisait le truc de Coloc.tv. Il faisait. Il y avait une couple de projets. Mais je me souviens que c'était leur année un peu. Ouais, c'était vraiment l'année qu'ils ont levé des ans. L'avion a décollé. Juste fait d'hiver, il y a quelqu'un qui vient d'écrire sur le chat. Il dit, pour Fiston, en gros, c'est 4200 heures de job, ce qui donne à peu près. C'est 2 ans à 40 heures semaine. Ouais. Pour faire tous les épisodes. Si tu calcules là mon salaire, c'est là que le monde font. Aïe, t'as reçu 2 gros chèques pour Fiston. Puis tu fais, ouais, mets le nombre d'heures. Puis je sais même pas si je gagne le salaire minimum. Puis ça, ben, c'est. Je prends des jets avec Jay-Z au moins. Là, ouais, je prends des jets avec Jay-Z. T'as vu mon ma course. Mais ouais, c'est beaucoup d'heures de travail. C'est beaucoup de. Il faut être passionné. Tu sais, David, là. C'est plate parce que Fiston, c'est juste moi devant un Kodak, tu sais. Puis c'est une carrière d'humoriste. C'est donc, statique, si on peut c'est dire. C'est statique. Ouais. C'est juste mis l'emphase sur ma crise de face, tu sais. Mais il y a tellement de monde qui travaille sur ce projet-là, qui sont David Gagné, le gars de Neatworks. Écoute, David, des fois, peut passer 60 heures à monter une capsule, puis à découper chaque astuce de dessin-là que je fais avec Mathieu, ou que lui, il en a rajouté parce qu'il m'appelle à minuit. Il dit, Joe, il manque le dessin du bonhomme qui tire du gun. Mais non, je te l'ai envoyé. Non, on n'a pas un autre bonhomme qui tire du gun. Oh, comment tu fais? On a 3800 dessins par saison en moyenne, à peu près. Comment tu veux que je le retrouve? Là, c'est comme quand il dit tabarnak, comment que je retrouve le petit bonhomme qui tire du gun de l'épisode de la chasse de l'autre fois? Puis j'ai dit non, il dit ça m'en prendrait un qui tire du gun, mais plus de face, parce que c'était ça le gag. Puis tu fais Ah, oh, sacrement, ok. Là, t'es comme, tu le dessines, ton scanner fonctionne pas, il est minuit, là, t'es en sacrement, tu fais ta mise à jour max, ton asti d'affaires pour que tout. Là, tu l'appelles fais-les le style dessin parce que là, ça fit pas. Puis là, ben, c'est MSN d'attendre la capsule pour demain matin, man. Fait que je commence ça, tu l'as pas moi. Fait qu'il y a tellement de travail sur ce style ouais. projet-là. Moi, je veux juste savoir, par exemple, là, tu parles des dessins, là, j'ai juste une question rapide du top de ma tête. Là. Crayon de bois, Prismacolor, aquarelle. Ben, pour vrai, c'est pas con comme question parce qu'on a essayé le crayon feutre, ça fonctionnait mal, c'était moins beau. Donc, on utilise vraiment un crayon à l'encre pour faire les contours. Puis, il faut être sûr que les contours soient bien fermés pour essayer pour sauver du temps en découpage dans After Effects. Puis, l'intérieur est colorié en bois. Oh, tout le temps. Parfait, ça. Éric, je pense qu'on avait une question du web. Moi, j'ai une question que s'est fait répéter deux fois par Vaclavix. Pourquoi Contre de gars, c'est fini? Puis, je répète souvent parce que je veux une réponse, ça dit. Non, puis c'est la question, je pense, qu'on pose le plus depuis 2 ans. Ça a été la première fois que je vais raconter l'histoire vraie là, de Fiston. Cool. Hey, un exclusif. Une exclusivité, wow. Val. Il était Clave. Censé avoir une dernière saison de Fiston l'année passée. Et puis, on avait négocié avec VTL. On était censé faire une nouvelle série. Pour le web. Là, pour le web, oui. Toujours pour le web, mais c'était sur le site de VTL. Parce qu'à VTL, des fois, on ne sait jamais. Non. C'est... Mais on avait une couple de spin-off. On avait comme deux, trois affaires qui apparaissaient à la télé pour intéresser les drive-to-web, qu'on appelle. Tu comprends? Je veux dire, pour essayer d'amener les gens sur le web. La grossesse, puis après ça, c'est Fiston. Puis là... Non. C'était plus, mettons, tu voyais les gars de Contre de gars dans tel pub de 15 secondes. What the fuck? Puis c'était écrivait le titre, tu sais. Wow, nice. On a vraiment travaillé fort sur le concept puis sur comment on pouvait les ramener, ces personnages-là, pour que ça soit intéressant. Et puis, on est allé chez VTL, on a négocié avec eux. Tout était beau, il y avait le budget pour développer la série. Et là, ça commençait un petit peu à... On manquait d'intérêt pour le projet. J'avais d'autres séries qui m'amenaient ailleurs. Alex avait d'autres projets à l'extérieur. Et on disait oui pour le faire plus pour les fans que pour nous parce qu'on n'avait aucun plaisir à les ramener, ces personnages-là, à ce moment-là. La joke était un peu était finie, la joke, autres, c'est ouais. Ça, tu sais. Fait que pour les gens, ils sont encore dedans, mais même si on va leur faire plaisir, on va faire une dernière série. Mais ça, c'est le côté, comment dire ça, malsain du web qui est intemporel. Ouais. Il y a quelqu'un, peut-être, à soir, qui découvre qu'on lui souhaite pas parce que t'as manqué de quoi, là. Ouais. Mais... À cause de nous autres qui t'écoutent, là, à soir, qui va dire c'est quoi ce contrat de gars, puis il va les écouter, il va écouter le premier, puis il va toutes les écouter, puis il va capoter, puis il va faire fuck après, qu'on en veut d'autres. Comme pourquoi qu'il n'a pas d'autres quand ça fait quoi, 4 ou 5 ans que... Ça fait 4 ans, là. Mais tu vois, d'un autre côté, moi, je vois ça d'une affaire cool aussi, c'est que le web, il est comme exponentiel. Tu sais, c'est comme tu découvres des affaires, tu te fais, hey, j'ai passé à côté de ça il y a 4 ans, mais d'un autre côté, c'est cool. Parce que tu découvres tous ça. Tous les épisodes sont encore là, puis tu déclenches tout. T'as le bac catalogue, tu pars, puis tu y vas. Ouais. Mais tu vois, fait que finalement, à la dernière minute, Alex m'avait appelé, m'avait dit écoute, qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, je le ferais, tu sais, ça va payer le loyer ce mois-ci, puis on va avoir du fun à le faire. Puis on va-tu vraiment avoir du fun à le faire? Puis je suis comme, ben oui, as-tu vraiment encore des bonnes idées pour ça? Puis je pense que oui. Il dit, ben tu vois, il est là le problème, c'est qu'on pense qu'on a encore des bonnes idées, tu sais. Ouais. Il dit, t'es aussi bien de partir quand c'est sur un high que de partir en faisant une dernière saison. Puis que si on se plante, ben on est fait, tu sais. Il dit, là, on va partir, on a gagné des oliviers, tout est drôle, tout est beau. Pourquoi partir? On partirait pas là, tu sais. Puis je fais, ah, mais moi, ben Alex, j'aimerais ça en faire un autre. Puis je t'avoue que moi, ça me tentait plus qu'Alex. Puis je l'accuse pas, puis il m'accuse pas non plus. Puis whatever, on t'en suit pas à mon terme. Mais c'était plus comme, c'est vrai, est-ce qu'on prend le guest de fin de dernière saison? Est-ce que ça nous tente en... Et là, c'était comme, ok, fuck off, on passe à autre chose. Mais tout, la façon que tu dis ça, qui te l'a apporté, je comprends ce qu'il veut dire de partir quand t'es au top. Mais oui, t'as raison, il y a 100% raison. Là. J'avais entendu un moment donné dans une entrevue carrément Jerry Seinfeld dire ça. Even a high note. Quand il était au top de Seinfeld, qu'il avait une émission millions à tous les épisodes tellement que ça roulait, il a fait comme... Ça va être la dernière pareil. Ouais. On part quand on est là, au top, à place d'attendre de rebaisser. Puis de mais faire c'était convoquer. Ça le but là, de la 9e avec eux autres. Puis il y avait dans 8e mais ou 7e combien, saison. Combien de monde ne font pas ça et ils se disent c'est à quoi part de Lost? Milk the cow. Ah, mais gars, le meilleur exemple de ça, tu sais, Lost après 4, ça aurait été assez. Quand ta vache à lait, là, on l'étire. Puis même si le monde dit c'est poche, on a eu leur cash. Puis on a eu juste un peu plus. C'est parce que c'est les producteurs souvent qui vont dire écoute, Joe, je peux t'avoir un meilleur salaire que la dernière fois. Puis toi, mettons, tu dis ok, on m'a payé 10 000 pour la dernière, là, on m'offre 14 000. Waouh, 14 000. Man, je m'assure pour 3 mois, 4 mois à de pas plus. Stresser. Sur l'argent, parce que le monde, il réalise pas c'est quoi être pigiste. Là. Ouais. Que tu fais, ok, aïe, t'étais payé 20 000 piastres faire ça. Ouais, mais pendant 6 mois, j'avais pas d'autres revenus. Fait que j'avais 20 000 de côté. Là, tu calcules tous tes loyers, tous tes paiements de charges, toutes tes assurances. Tout ton impôt. Tout ton impôt. Tu sais, ta cote à ton gérant. Là, tu vois, ok, il me reste, mettons, 6 000 de lousse. Parfait. Fait que ça, c'est mon 6000 me gâter dans les 3-4 prochains mois, tu sais. Fait que là, ben, tu sais, ok, je vais aller au cinéma, tu veux faire ci, tu veux faire ça. Puis à un moment donné, c'est comme tu veux t'acheter une TV. Tu veux... Fait que tu réalises que. Faut tu gages ton affaire pas faut mal. Tu gages ton affaire, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est difficile de pas dire oui à une autre saison, tu sais. Puis Jerry, on s'entend que lui, les royautés qu'il avait pour Seinfeld pendant les prochains 30 ans étaient bien correctes. Là, ça foutait ça pas être mal. Incroyable, hein. Financièrement, en tout cas, lui, son loyer était payé 1000 fois. J'ai une question qui est popée. Qu'est-ce qui te manque de Repentigny à ce temps que tu vis dans ton hood? C'est qui pose ça? Ça, c'est. Bergy 13. Bergy 13. Et je serais curieux de savoir, parce que je connais un ami qui s'appelait Bergy de Repentigny. Je sais pas si c'est Joe Bergeron. Mais, il va nous le dire, ça l'est. Même si c'est Jonathan Bergeron. Hein. Repentigny. Quel bout de Repentigny? Industriel, boulevard Brillant. Hey, bah, tu connais ton coin. Moi, j'ai habité longtemps industriel. Là, okay. Ce coin-là. À l'arrêt du Tim Horton, parce que j'étais pas loin du Grenache sur Notre-Dame à Repentigny, pour ceux qui connaissent. Fait que t'allais veiller à Ripaille. Ouais, puis... ouais, écoute, la Ripaille, ouais. j'allais. C'est là que je suis. À toutes les fois que j'étais allé à Repentigny, parce que nous autres, on se connaît dans le fond à cause d'amis communs. Mm-hmm. Au début, on s'est rencontrés de même, puis que je travaillais avec. C'est à peu près que je sais qui. Ouais, au moins, là. Hey, j'ai un de mes chums, il a passé l'an 2000 à Ripaille. Il me comptait ça, là, mais fait comme. Mais la Ripaille, c'était hot, là. C'était. Ce qui manque le plus de Repentigny, je vais t'avouer, là, pis c'est parce que je suis un grand nostalgique, c'est plus le feeling que j'avais quand j'étais plus jeune qu'aujourd'hui quand j'y retourne. Ouais, ouais. Je m'ennuie de la tranquillité de la banlieue, je m'ennuie de beaucoup de choses. Tantôt, on en parlait off-micro que ouais. Oui, éventuellement, je veux repartir en banlieue. Quand une famille, tu commences à comprendre pour vrai. Puis ça se fait élever une famille en famille. Je dis pas que élever une famille en ville. Ça se fait 100%, je suis d'accord. J'ai des amis qui le font. Ouais. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, c'est de trouver une maison ou un appartement ou un condo ou un triplex, whatever, qui va fitter dans tes moyens. Acheter de quoi, comme on disait tantôt, au premier étage d'un triplex, ça te coûte 500 000, puis t'as un 6,5 avec une cour, puis t'as pas de parking encore, puis tu tournes en rond, puis tu fais. Écoute, là, t'es au premier étage, puis t'es dans le schlaga, puis tu te fais défoncer deux fois dans l'année. C'est comme, c'est un préjugé, mais en même temps, c'est arrivé à plein de mes amis. Puis... Ouais. Fait que oui, j'envisage peut-être pas retourner à Repentigny. Moi, j'essaie de convaincre ma blonde de retourner à l'Assomption, parce que c'est mon paclin, j'aime bien ça. Mais là, on vit Saint-Hilaire. Je trompe mon Repentigny. Elle vient-tu de Montréal? Elle vient de Sherbrooke. OK, fuck. Fait qu'on essaie de se rapprocher plus de son côté, parce que ma famille, tous ceux qui étaient à Repentigny sont déménagés, moi, pas loin de Drummondville, donc... Tout ce qui arrive. Ah, c'était un bon mi-chemin. À ce ouais, c'était mi-chemin. Drummond, Sherbrooke, c'est ouais. Mon coin. T'as le train, ça. Comme tu comptais, ouais, justement. Puis... Fait que moi, on envisage de partir en banlieue, mais pas cette année, mais peut-être dans bientôt, un an ou deux. Là. Ouais. Mais je m'ennuie de Repentigny. Je m'ennuie d'être petit cul puis de jouer au hockey. Je suis quelqu'un de très nostalgique, puis je m'ennuie de jouer au hockey dans les rues. Je m'ennuie de. Mais j'ai vu des photos, justement. Là. Toi, t'es pas mal. T'es actif hockey, tu tripes, ouais, snowboard. Tu parlais de geek tantôt, là, mais je suis un geek de hockey ridicule. Là. Moi, je peux pas manquer une game de hockey, puis pas juste du Canadien. Si mettons, je zappe, puis je vois qu'il y a une game Pittsburgh-Ottawa, je regarde ma blonde, puis fait, je lis mon livre, c'est correct. Parfait. Fait que c'est pas comme, tu écoutes pas la télé avec moi, tu lis ton livre. Je suis un maniaque de hockey, j'ai joué toute ma vie, j'ai joué toutes les catégories de C à 3A. Je suis vraiment un maniaque de hockey, je joue 3-4 fois semaine. Puis là, t'es amusé avec les Olympiques, là, et que t'es avec tout le monde là-dessus. Là, ouais, mais tu sais, je trippe. Je ne pas ce qui se passe en Russie, mais tu je voulais les boycotter au début. Puis... Mais non, mais ben le côté activiste, je peux le comprendre, mais le côté fan de hockey pour ce tournoi-là... Hockey, moi, j'adore les Olympiques pour le hockey, tu sais. Je suis vraiment un geek fini d'extraterrestre puis de hockey. Là. Fait que maintenant, on pogne Pauloud, puis toi, y a-tu comme un duel assez épique? Ou... Au hockey, ce serait plus côté... les stats, je peux les retenir, mais pas tant. Ça, c'est ça, je m'en allais te demander si t'étais un nerd de statistiques. Là. Sur certains joueurs, oui. Je connais des fois des affaires que le monde font « What the fuck, voir que t'as retenu ça? » Mais ça va être plus côté stratégie. Je vais remarquer qui joue comment, quelle équipe joue comment, ouais. Tel joueur est un type défensif, tel joueur joue... Tu joues au jeu électronique d'hockey, jeux ben vidéo? Oui, ouais. J'ai mes NHL depuis 94. As-tu fait saigner Gretzky sa ligne bleue? Jamais. Non. Mais je me rappelle, tu sais, je peux te dire qu'à Stanley Cup, à l'époque, au Super Nintendo, ouais. Tu peux dire sur Y en passant en ligne bleue, puis tu sais, tu flippais, il y avait le truc de faire le tour du net à NHL au Super Nintendo, c'est pas quel goaler. Les classiques. Je connais ces trucs-là, tu sais. Mais je joue jamais en ligne. Mais tu peux plus faire ça. Tu peux plus. Les jeux, l'intelligence artificielle est trop tellement, bonne. C'est pour ça que tu manques un Super Nintendo et que tu joues à NHL de retour. Ouais. Ouais. Moi, je me souviens, il n'y a pas longtemps, on avait fait justement un tournoi avec la job pour jouer à NHL quand il était sorti, puis je joue une game contre un gars à la fin, tu sais, puis c'est comme, il reste plus personne, le tournoi est fini. Puis moi, je mets les pitons, tu sais, les trick sticks pis les affaires de même, là, no fucking way. Moi, je veux peser sur X pour faire une passe pis carré pour un snap shot, tu sais. Puis j'ai mis ces contrôles-là pis il y en a à peu près 4-5 qui m'ont regardé du coin en voulant dire comme « Ah ouais, t'es rendu là dans ta vie, toi? » Tu sais, c'était vraiment là, tu sais, comment tu veux que je fit dans cette affaire-là? C'est rendu tellement évolué, là, le trick stick, les affaires de même, les statistiques de bataille pis... Hey, ça a pas de sens. Ah, puis je m'ennuie de la simplicité, justement, des bons vieux jeux de hockey. Puis... Tu peux moi, gérer, quand je joue à des jeux, je vais toujours refaire mes settings. À des jeux school. Électroniques. Ouais, ah, ouais. Ouais, je joue toujours avec mes settings old school. Mes amis sont comme, ah, tu gosses. Genre, va pisser, va prendre une autre bière, je fais mes settings. Moi, je suis tout le temps. T'es pas capable de jouer avec le nouveau style, par exemple. Quand ça, j'ai... Le pire, c'est quand il y a eu l'adaptation de jouer au joystick. Mais moi je me suis habitué là, je trouve que t'as tellement plus de précision. Mais tu vois, j'ai pas le. Moi, le dernier, c'est 2013 que je joue. Puis j'ai avec les joysticks, puis je suis à l'aise, tu sais, je suis correct. Tu commences à pogner le tour, passer avec des boutons en haut, correct, tout ça. Mais je trouve ça top, je m'ennuie du old school, bien simple. La première intégration, là, je me souviens, tout le monde était comme, tabarnak de stick, pourquoi ils peuvent pas juste prendre la croix encore? Ouais, le bon vieux. À Star, tout le monde, il n'y a plus personne qui chiale, là. C'est comme les jeux de skate, à un moment donné, tout le monde, Tony Hawk, tu pèses hop, sauter, pas... par en bas, en haut, puis à Star, tout le monde dit comme, hey, c'est même plus fluide, c'est comme un vrai mouvement. Puis... Là, on a quelqu'un sur le chat qui veut ses 15 secondes de gloire sur un podcast qui n'est pas très téléchargé. Oh. Il veut savoir, te sens-tu métrosexuel avec ta barbe et en prends-tu soin? Je vais t'avouer, ben franchement, là, de la barbe, j'en ai depuis 2004. Moi, en ce moment, je le dis bien gros, là, c'est une couple de fois que je le dis sur un entrevue. J'ai vraiment l'impression que je me suis fait rattraper par une mode qui n'était pas la mienne, tu sais. Moi, une barbe, tu sais, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Depuis que je le connais... J'ai une grosse barbe. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. J'ai toujours une grosse barbe. Des tatous, je me suis commencé à faire tatouer en 2003-2004. J'étais le gros crotté de mon coin. J'avais le même style look. Puis aujourd'hui, on me traite d'hipster. Puis je suis comme, ben, tu peux me traiter d'hipster si tu veux, mais de base, j'étais un hipster depuis 2003, même 2004. Ok, wow, attends une seconde. Fait que t'es métrosexuel, c'est la même affaire qu'un hipster? Ben, en ce moment, le hipsterisme, je pense qu'il est en train de s'entrecroiser avec le métrosexuel parce que t'entretiens ta barbe. Je sais que j'ai vu bien des barbes, là, dans dès que tu t'entretiens, tout court, t'es métrosexuel. C'est ça. Dès que tu fais attention à tout, puis t'es un. Je taille ma barbe depuis. La première fois, je pense que j'ai eu une grosse barbe, c'était en 2003. J'étais parti en Europe, en pack-sac. Puis je m'étais laissé pousser à la barbe parce que j'étais en voyage. C'est là que ça a commencé. Puis je l'ai jamais coupé depuis ce temps-là. Je dirais que j'ai survenu. Ça allait faire compostelle pour revenir avec une barbe de main. Non. Mais je veux dire, j'ai jamais retrimé à la peau direct depuis ça, 2003-2004. Fait que ça fait ça 10 ans que je traîne cette barbe-là. Que je te dis, on me traitait de crotté. J'avais des tatous. Écoute, dans mon coin, je venais de la banlieue, j'avais des tatous. Moi, le déjeuner chez Cora, j'étais un tueur, là, tu sais. J'étais un gros dégueulasse. Puis je portais des chemises carottées, on me traitait de ce petit grunge dégueulasse. Mais en même temps, t'étais le gars qui faisait rire tout le monde à l'impro, à toutes les semaines. Je me souviens plus, c'était quoi le nom de la LG. Salle, là. Au Zibline. Ouais. On avait un problème de 200 personnes par soir. J'y allais des fois, puis c'était une belle ligue. C'était très drôle. Mais on était une ligue de crottés, justement, qui portait des chemises carottées, puis on se faisait traiter de hippies des années 70. J'ai encore les mêmes chemises que je portais à cette époque-là, en 2004. Puis aujourd'hui, on me traite d'hipster, puis tu fais « Ben non, man, j'ai juste pas évolué, c'est le temps que me rattraper. » Non, mais dit que t'étais hipster avant que non, hipster, non, non, cool. Tu sais, et là, c'est ça, c'est pas plus drôle. Parce que je pourrais passer pour le gars qui veut tellement être hipster qui était le premier hipster. Non, c'est le hipsterisme qui m'a rattrapé puis qui me dépasse. Parce que dans 3 ans, je vais être le gars démodé. Je vais avoir le même style qui m'a porté encore mes hoodies noirs, puis mes grosses barbes, puis ma tuque. Ce que je fais depuis tout le temps, ça a tout le temps été moi, je suis même, tu sais. Mais c'est fucking drôle, si tu me dis, je préfère un bon gars. Hipsterception. Hipsterception, je me fais. Je suis repogné là-dedans. Écoute encore du Arcade Fire en 2017. Le pire, c'est que je les ai aimés, Arcade Fire, comme tout le monde. Mais tu vois, tu fais une couple de. Quand tu écris comme fiston, d'où viennent tes idées? Et tu parles de South Park qui sont rendus à la saison 17, nanan, Games of Thrones, ouais, je suis un fan. C'est où tu vois ça, toi, sur ton feed? Ouais, sur mon feed Facebook. J'essaie de répondre aux deux, puisque je sais qu'on est sur le vôtre, puis j'essaie de répondre aux miens aussi. Je me sens mal d'avoir dit petit projet, c'est vraiment beaucoup de job, 50 heures d'écriture. Oh! Hein, c'est bien la perception, des fois, hein, ça ben oui, différent. Les gens, ils pensent qu'on se filme dans sa cuisine, mais ils savent pas qu'on a travaillé autant. Parlant de question, c'est vraiment ta cuisine? C'est vraiment chez nous, parce qu'à la base, là, Fiston était censé être tourné sur le bord d'un foyer. Moi et Mathieu Genest, c'était ça le concept qu'on avait. Ben, à la base, c'était un livre, mais finalement, c'est devenu une série. C'était un dude assis sur le bord d'un foyer, dans sa chaise, qui a mis une caméra dans son salon puis qui se parle. Et juste parce qu'on n'a pas trouvé le salon que je voulais, et ça le comédien, parce qu'à la base, je voulais même pas être le comédien que je vois dedans, là. Parce que je me disais, avec des tatous, la barbe, justement, je cherche un papa, tu sais. Je me cherchais un comédien. Mais moi, je trouvais ça le fun. Je vais pas te couper moi, dans ça le fait temps, là, charme, mais, moi, c'est ça que j'aime. Moi, ouais, mais je me reconnais plus en tant que papa dans... Dans la cuisine. Ben, je sais pas t'as quel âge, j'ai 32, 30, moi. 30, c'est ouais. Ça, tu sais, on a vécu plus les mêmes affaires ouais. Proches. Le monde me regarde des fois, puis il y a bien du monde, il m'appelle le style adolescent épais dans le coin. Puis il y a d'autres mondes, après, ils le savent. Il fait comme, il y a 3 enfants, ce gars-là. Ouais. Puis ils font comme, après, c'est souvent comme une petite pause, ils respectent, puis fait comme, what the fuck, là, ouais. Tu sais. Puis après, c'est comme, mes gars, ils sont bien normales, mes kids. Puis je suis un bon papa. Je suis un bon papa, puis je me reconnais plus dans le gars avec la barbe, puis les tatous, puis le t-shirt noir, qui regarde la caméra, puis qui parle de quelque chose, parce que je me reconnais dans les expériences de vie. Je me reconnais un peu plus dans le look, peut-être, qu'un papa à cravate, classique d'un, je sais pas quelle année, mais tu sais. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Je vais aller chercher plus de gens en faisant ça de même. Et ça a été par erreur. Ça n'a pas été calculé, ça. Ce qui a été fait, c'est bon, on va le tourner dans la cuisine, puis c'est tout. Puis à la base, j'avais toujours des chemises. Première saison, c'est rare qu'on voit mes tatous. Je mettais toujours des chemises longues. Ouais, c'est vrai. Ouais. Puis à la fin, j'ai fait fuck off. Je pense que je vais aller chercher, justement, comme tu dis, le père qui. Parce que justement, quand moi j'habitais en banlieue. Mais le monde le savait aussi, la plupart. Tu sais, à un moment donné, ils vont voir ta page, ils connaissent dans le contrat de gars. Ils savent, ils se disent, gars, il met des chemises, mais. Mais c'est pas tout le monde qui savait que j'étais beurré de même, tu sais. Mais j'étais quand même ton coach dans le contrat de gars, ton coach de bicycle, là, souvent. Qui était le coach de cuir du père d'un de mes amis, qui avait oublié dans un party d'Halloween, puis la journée qu'on tournait contrat de gars, j'avais rien à mettre. Puis t'as commencé ça. J'ai mis ça à la Chaplin, est-ce qu'il trouve sa canne, ouais. Mais ouais, c'était ça. Manque juste le bomber avec l'intérieur orange. J'ai une question de moi-même, par exemple, quand ça vient à fiston, puis je veux dire, à part justement de la mort, puis nouveau père. Ouais. C'est quoi que t'as inspiré à Fiston? Parce que moi, j'adore la première émission de Fiston. Ou ouais. Ce que je dis tout, là, les man, statistiques. C'est comme. C'est un hook, là. Pour être honnête, là, je l'ai jamais dit en entrevue, là, mais la première fois que j'ai écrit Fiston, c'est parce que j'étais vraiment en dépression. Je faisais une petite grosse dépression chez nous. Moi, à l'âge de 27 ans, je m'en allais faire un spectacle d'humour. J'ai fait une petite grosse attaque de panique. J'avais jamais fait ça de ma vie dans mon char. Je pensais que je faisais une crise cardiaque. Je suis parti en ambulance à l'hôpital. Et dans ma tête, c'était je vais mourir, tu sais. Et puis, je suis revenu chez nous le lendemain. Et là, je me suis mis à faire des crises d'angoisse. J'avais jamais fait ça de ma vie. Moi, j'étais pas un angoissé, j'étais pas un anxieux. Ouais, quand ça fait. Là, ça fait mal, pour vrai. Ouais. Pour ceux qui l'ont déjà vécu, je sais quoi. Parce puis finir trois mois dans ta douche, assis en position fœtus, à prendre des médicaments, à dire, man, pourquoi je suis un comique? Pourquoi j'ai l'impression d'être gelé tout le temps? Je fais le pas bien? Qu'est-ce qui se passe? La dépression, c'est vraiment pas cool, tu sais. Ouais. Puis ça frappe vraiment comme un rhume. Tu le pognes, ah ouais. Ton cerveau bug, puis ta vie va bien. Moi, je venais de gagner un olivier, d'avoir un enfant, tout allait bien, là. Puis je suis tombé en dépression, là. Et puis, j'étais chez nous, j'allais vraiment pas bien. Puis je me suis dit, si, mettons, j'étais mort hier, quand je pensais que je mourrais, là, je dis, si j'étais mort hier, qu'est-ce que je lègue? À qui? Comment? Et je me suis dit, je lègue quoi? Fucking contrat de gars, man, un d'autre qui crache du feu, puis qui poche des plats. Ça, je lègue à mon fils. Je dis, pour vrai, lui va vieillir, c'est ça mon père. Il se mettait un côte de cul puis il criait. Puis je me disais, oui, il va trouver ça drôle un moment donné, mais tu sais. Puis je me disais, ah, j'aimerais ça faire de quoi pour lui. Et je lisais sur la dépression, sur être un papa. Puis je trouvais que tous les livres, c'était de la merde, mon gars. Il te parle comme si t'étais un arriéré. Ah, ouais. Fais une cabane dans ta cour. Puis je dis, va donc chier, m'en fais une cabane si je veux. Puis j'étais en dépression, puis j'avais un humour très noir. Puis je suis tout le temps quelqu'un de comique, veut pas. Puis... Et là, j'en suis venu à, je vais écrire mon propre livre. Que je vais léguer à mon fils comme ça, si je meurs, je me dis, hey man, moi je fume, je bois beaucoup, j'ai fait la fête, je m'en ai jamais caché, j'ai consommé pas mal toutes les drogues qui existent quand j'étais plus jeune, je me suis jamais caché de tout ça. Je le sais que je vivrai pas longtemps, tu sais. Je le sais que, à l'époque où on est, moi si je franchis 65 ans, je vais être bien content, tu sais. Je vais sûrement péter aux frettes avant, tu sais. Et là, je me disais, qu'est-ce que je vais léguer à ce kid-là, tu sais. Puis, fait que je me suis dit, ah, je vais écrire un livre. Que je m'en crisse s'il se vend ou pas, mais je vais y laisser un truc avec vraiment ce qu'on devrait dire à un enfant, mais sur un ton humoristique. Dude, moi j'ai déjà fait un trip à 3, c'est fucking nice, je t'en souhaite un fiston, jamais mon père m'aurait dit ça. Fait que là c'est comme, dude, si tu veux un trip à 3, faut vraiment que tu sois un peu manipulateur. Ok, les gars, on est de même. Fait que là je m'étais mis à écrire des niaiseries, et un moment donné, justement parce que contrat de gars, on a tiré la plug, j'avais besoin d'argent parce que j'avais pas de contrat pendant, ça faisait un mois et demi, j'avais pas travaillé, mes choses allaient pas bien. Et j'avais tous ces textes-là qui dormaient dans mon ordinateur. Et on m'appelle, on me dit, hey, on cherche un concept, nous autres. Tu fais, OK, hey, man, oui. Là, je me dis, ah, je préfère jouer un comédien. Moi, je suis pas à l'aise de jouer devant le Kodak. Je suis vraiment le bon papa avec les tattoos, tout le kit. Puis finalement, on n'a pas trouvé de comédien qui me plaisait. On n'a pas trouvé d'endroit qui me plaisait. Fait qu'on l'a filmé dans ma cuisine. Puis c'est devenu le hit que c'est devenu. Fait que c'est de là que Fiston est né. Puis c'est la première fois que je l'ai dit. Ton monde après, Mathieu, Dave. Ouais, ouais, c'est moi qui ai tout formé mon équipe. Qui a dit j'ai le contrat, pareil, on puis... le fait pareil. Au lieu de faire un livre, je le fais comme ça. Et je vais t'avouer, là, encore aujourd'hui, le livre est le projet que je vise avec ça. Alors, mon but, c'est si, mettons, je réussis à convaincre une maison de production de faire une saison 5 de Fiston, je veux sortir un esti de gros livre que chaque chapitre. Est-ce que je dégage à mon fils qui vont être les textes qui vont avoir été dits et peut-être plus encore, tu sais. J'ai l'impression que ça serait quasiment, je veux pas dire plus facile, mais que les éditeurs seraient plus ouverts. Là, après le hit, oui. Ben là, surtout, puis avec plus que les producteurs, exemple DVD ou... Oui, ouais, qui était mon but aussi, faire un coffret pour les fans. Puis je m'étais dit, hey, un esti de bon livre, rempli de chaque chapitre. C'est intemporel, le livre. C'est intemporel, tu sais. Puis les gens connaissent ma face, ils peuvent faire « Ah, je me rappelle quand j'ai vu cet épisode-là, il y avait ça. » Puis là, mettons, je rechangerais un peu les textes, tu sais, ça serait... Ouais, ça serait pour en un écriture, livre. C'est ouais, ça. Ouais, c'est différent, le monde ne sait pas, mais c'est oui, pas un comme type tu parlais différent. Nécessairement. Ouais. Mais à t'écouter parler, dans le fond, Fiston, c'est pas nécessairement pour ton gars, c'était un peu plus pour toi aussi, d'une certaine manière. C'était pour moi, pour me dire « Je lègue de quoi à mon fils. Ouais. » Parce que tout le monde fait « Hey, tu fais-tu écouter à ton fils, ça n'a pas de sens. » Non, mais un jour, mon fils, là, puis peu importe là, de quelle famille tu viens, que tu sois né à 500 000 par année que ton père fait, puis que t'as le cul dans le béni dans l'art, ou que peu importe, un jour, tu vas trouver ça drôle. Tu vas rire de ça. Et il y a plein de gens qui disent hey, « ça n'a pas de sens que tu dises ça à ton fils. » Non, je ne dis pas en ce moment. Mais je sais très bien que moi, dans alors 20 que j'ai, ans. Dans 20 ans, mon fils va faire « Fuck, man, mon père m'a légué ça. C'est fucking drôle. » Tu sais. Justement, quand il tentait de regarder la fille qui est avec la bouteille d'alcool, toute d'une couleur. Là. Comment? C'est parce que j'ai fait écouter dernièrement la capsule où ce que tu parles de l'alcool. Ouais, oui. Et comment est-ce qu'il va avoir la petite fille qui va avoir mélangé toutes les bouteilles d'alcool. L'alcool. Puis t'as ma femme à côté, mais c'était moi, ça. Oui. Non, mais je pense... On l'a tout été. Hey, moi, je me rappelle François Parisien. Je sais pas si s'en rappelle. C'est un vieux chum à moi. Écoute, ce gars-là, c'est un cycliste aujourd'hui, super sportif. On volait l'alcool de son père, puis on faisait juste des astin mix. On partait avec un 2 litres, là, de genre d'eau Naya. On faisait juste remplir tous les... On mélangeait tous les phares, on partait en rollerblade au parc. Est-ce qu'on buvait ça? Tu sais, dans le fond, les parents, ils appelaient ça du tout-ski, là, mais finalement, c'était aucunement culinaire, cette histoire-là. Non, c'était du tout-ski se buvait. Non, mais avoue, là, que t'avais tout le temps un moment en plus, là, quand t'arrivais là-dedans, puis un moment donné, t'avais fait le tour du bar, puis il restait de la crème de menthe. Ouais, c'est dégueulasse. Astique, c'était pas bon. Mettais de l'eau dedans, des fois aussi, pour remonter la diluer, au même niveau. Ah oui, c'est fort. Ça. Moi, je faisais ça aussi, je mettais de l'eau dans la vodka. Mettre de l'eau, mais pas trop, parce que sinon, ça goûte, puis le bon connaisseur. Mais les parents de François Parisien. Un jour, je pense que je vais leur payer 2-3 bouteilles de phare, même si ça fait 25 ans, je ne sais pas. Vous comprenez pas pourquoi, mais prenez ces bouteilles-là. Ouais, ouais, mais le pire, c'est que tu dis qu'ils comprendront pas pourquoi, mais d'un autre côté, quelqu'un arrive et il te redonne des bouteilles de phare et il dit m'amener, je vous remets la monnaie de votre pièce, c'est sûr que tu comprends. Tu leur donnes en le disant, l'inside, ils vont juste la rire là, 20 ans j'ai plus tard. J'ai une question de quelqu'un dans le chat en ce moment, puis j'ai tout quand même bonne, de Burgie de Legend. T'as-tu revu ta mère depuis que tu l'as texté? Asti, c'est bon. Hey, tu m'as tellement fait rire, toi, avec ton texte, là, ça n'a pas de sens. Hey, si tu commences pas drôle quand ça t'arrive, man. Tu fais Philippe petit dans tes shorts, pas à peu près, là. Hey, le pire, là, c'est que, tu sais, quand tu. Mettons, là, tu. Mais pour mettre les auditeurs en contexte, c'est quoi, là? J'ai texté un sexto à ma mère sans faire exprès. Puis j'ai demandé la permission de le mettre sur Internet après. Mais vraiment pas volontaire, là. Non, parce que. Tout le qui ne fait pas ça d'accès à sa blonde ouais. De, hey, mais qu'on rentre à soir, on va chatouiller partie génitale, tu sais. Et là, moi, c'était ma blonde travaillait, puis ça ne tentait pas d'aller travailler, puis j'ai juste dit, quand tu vas revenir à la maison, on va te mordre dans le coude, puis te pogner les boules. Tu sais, une affaire de même, on va te prendre des seins, je ne sais pas trop comment je l'ai dit. Et dans ma liste de contacts, ma copine s'appelle Léa, et ma mère, c'est maman. Tu sais, c'est LM, c'est un après l'autre. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'écoutais les Olympiques, ben relax en moi, avec un laptop sur mes jambes, je travaille un peu des textes, je vais texter ma blonde, nanana, je paye sur elle, mais je paye sur M sans faire exprès dans mes contacts, maman, et j'écris à ma mère, j'ai hâte que tu reviennes à la maison, je m'ennuie, m'a te mordre dans le cou, m'a te pogné les seins, à tantôt, bonne journée. Et là, en même temps que j'ai fait send, j'ai vu que c'était maman en haut, j'ai fait, je te jure, le feeling que j'ai eu dans le ventre, c'est le même. Tu sais, quand t'arrives débouler des escaliers pis tu te retiens juste à temps, le show que ça te fait dans le ventre, là, ça me fait ça, mais ça a resté 10 minutes. Quand j'ai vu ta photo, là, je sais pas si ça vous fait ça, mais tu sais, moi, ça me fait ça souvent. J'écoute un film pis un moment, c'est humiliant pour un personnage pis je fais hostie, pis là, je regarde pas pis je me cache un peu. J'ai lu ton texte, ça a fait comme pauvre gars! C'est drôle parce que justement, ma soeur, elle, son chum avec ses enfants, mais il s'appelle Eric, puis moi c'est Eric. Puis à chaque temps en temps, si j'y parle sur un texte ou quelque chose comme ça, je vais recevoir un... l'autre jour, je reçois un random photo d'un chèque d'assurance. c'est ça, puis là je vois que c'est ma soeur. Puis là à chaque temps en temps, tu ramasses du pain et du lait. c'est ton frère, c'est pas ton J'ai une bonne chum. Question ici qui est Vincent Cooney. Quelle émission de radio tu rêverais d'animer ou tout simplement de créer? On en parlait tantôt, puis ça c'est vraiment... J'aimerais vraiment revenir à l'époque d'animer de la radio et faire passer de la bonne musique. Et pas de la musique nécessairement... Il y en a de la bonne musique pop. Je m'en cacherai pas, ça m'arrive de siffloter de la musique pop. Puis les gens ont bien beau cracher là-dessus, il y en a de la bonne pop. Shout-out à Katy Perry. Mais pour vrai, Katy Perry, je la trouve pas mauvaise. Je la trouve pas mauvaise. C'est mieux que bien d'autres. C'est bien mieux que bien d'autres, c'est ça. Et j'aimerais avoir un bon vieux show dans le temps que... Écoute, là, je remonte loin, mais tu sais, les années 50-60, où la radio avait vraiment une importance dans la vie des gens. Et je trouve que ce serait le fun d'avoir un 2 heures de radio, un genre de retour à la maison, où tu peux passer n'importe quel style de musique. Si je dis, j'ai envie de passer un bon vieux hit de Chuck Berry, mais je mets du vieux rockabilly, ou tout de suite après, si j'ai envie de passer une chanson acoustique de Pearl Jam, n'importe quoi, que ça soit mégo musicaux mélangé. Obligé de suivre un chart que je suis obligé de respecter. Il y a Shaum qui ont fait ça récemment, puis j'ai vu un article là-dessus, c'est que Shaum a augmenté leur code d'écoute d'environ 30% en 2013. Puis c'est il parlait de Picard. Picard est arrivé, puis il a sauvé le poste, parce que lui, il est arrivé. Il s'est dit, il a dit, regarde, moi, c'est bien simple. T'es pas obligé de mettre une top chart, t'es pas obligé de faire jouer. Toi, t'es un animateur. Toi, c'est Chuck Berry, comme tu disais, qui fait jouer. Toi, tu veux faire jouer Enter Sandman à 7h le matin, mais fais les jouer, on s'en sac. Si les codes d'écoute sont là, le monde va s'associer à toi et ils vont triper sur ta musique. Moi, j'aimerais ça avoir un genre de show. Semi-talk radio, genre. Oui, je peux parler pendant 6 minutes, là, puis dire, hey, aujourd'hui, on parle de telle affaire, mais toujours, je ferais pas d'émission à la Benoît Dutrisac. Je fais un mini débat de 10 minutes sur ça serait pas du négatif. C'est ça que je trouve qu'en ce moment, là, j'utilise le mot société, puis je déteste utiliser le mot société, mais c'est ça, c'est un fait. En ce moment, tout est négatif. Ouais. Que tu écoutes la radio, que tu écoutes la télé, c'est de l'asti de débat, mais toujours, on va vers le bas, tu sais, au lieu de juste parler. Et tu sais, mettons, moi, mais c'est un peu qu'est-ce qu'on disait tantôt, surtout le fait que le monde vienne jamais te dire quand c'est bon, sont occupés à l'écouter puis à l'aimer, à être passionné de ça. Mais ceux qui aiment pas ça, on dirait qu'ils sont encore plus, genre c'est eux autres qui vont l'écouter encore plus l'émission en sachant qu'ils aiment pas ça, juste pour le blaster. C'est là que le négatif sort, les autres sont occupés à l'apprécier puis à l'aimer, mais ceux qui sont négatifs, eux autres, ils ont rien que ça à faire chialer. Juste ce qu'on a eu là, récemment, là, ben, en fait en fin d'année passée, là, quand les nouvelles générations de consoles de jeux vidéo sortaient, c'est même pas sorti, il y a personne qui n'a acheté une calvaire. Il y a déjà du monde qui blaste. Tout le monde bitch, puis là la mienne est meilleure, puis telle affaire, puis le monde n'a même pas joué, puis à la fin, tu sais, c'est comme, oh, tout le monde va être heureux. Là, Toute de la merde, tu peux y parler. Mais juste pour rester sur ton sujet, vite fait, avant d'aller à l'autre question, mais c'est parce que quand même, on a les outils maintenant. En les années 50, quelqu'un qui voulait un bon show, les gens, il n'y a pas le choix d'écouter les 4 shows qu'il y avait. Ouais. Fait qu'il y avait un plus gros engouement. Maintenant, n'importe qui peut faire son show. Là. Je veux dire, si tu veux faire ton show de radio tout de suite, là, je suis sûr que tu pourrais avoir une bonne cote d'écoute et un bon show. Puis faire de quoi tout de suite en ligne à ton nom avec la musique que tu veux. En format podcast, justement. Ben, podcast, c'est un exemple, mais je veux dire, à quelque part aussi, là, je veux dire, ça change en crise des temps. Là, je veux dire, on n'est plus comme tu peux avoir ça. Là, tu peux avoir ça avec ton audience. Là, c'est ça qui est hot de nos jours. C'est l'accessibilité à l'équipement puis au... Tu sais, la mesure est facile. Tu sais, remonte des années où le monde enregistrait sur du vinyle, t'avais un gars par ville qui avait le stock. À Star, tu vas au magasin du coin, tu peux t'acheter une cam HD, un micro, tu peux avoir même du gear professionnel pour pas trop cher, puis t'es en business, tu sais. Puis après ça, c'est qu'est-ce que t'es capable d'en faire? T'es-tu autodidacte? Tu peux t'adapter, tu sais. Mais moi, ce qui me fait fantasmer, c'est un peu comme le film, et ça fait longtemps que j'ai vu ça, je pourrais même pas le décrire, mais c'était Pirate Radio, tu sais, c'était sur le bateau. Sur le bateau, tu sais, du monde qui se pousse, ce style, puis qui vont jouer c'est de la bonne musique, puis qui discutent, puis que tu fais de la bonne radio. Et le pire, c'est que c'est j'en veux même pas aux animateurs, parce que j'ai des amis qui travaillent en radio et qui... Mais c'est pas, sont c'est pas pris eux dans autres ce, qui c'est décident. C'est pas eux autres. T'es un bon animateur, t'as du charisme, t'es entertaining. Ouais. Souvent, t'as une voix. Ouais. Ça prend une voix. C'est prérequis là-dedans, c'est la base. Mais t'es imposé par des quotas de directeur musical que mais lui, il achète de quoi... Lui, puis gars, j'ai travaillé là-dedans très longtemps, là. Le monde, c'est comme, ouais, mais ta toune est bien bonne, mais on a décidé que pour le printemps, on prend une tournure folk ou fait que ta tune de dance, mais elle prend le bord. Elle était parfaite pour nous autres il y a trois mois, mais on prend une tournure. On parlait des Dorothée, ça leur est arrivé, tu sais, puis je sais même pas si Matt veut que je le raconte, mais il avait sorti un fucking bon hit, puis on a fait un clip avec. C'était-tu les putes de Paris? Mais il y avait eu les putes de Paris, puis après, il y a eu Dormir Seul. Ah, oui, Dormir Seul. Tu sais, Dormir Seul aurait pu passer à n'importe quelle radio, puis ils se sont fait dire, ah, c'est pas dans le mode ces temps-ci. Ouais, exactement. Tu fais, va chier, je pourrais vendre 50 000 albums, payer mon crise de loyer avec ça, mais parce que toi, tu décides. Fait que je pense que ça prendrait une bonne radio, puis il y a des bonnes radios alternatives à Montréal où, puis je connais pas le restant du Québec là, mais je connais mais pas toutes les stations. Malheureusement, moi j'ai fait beaucoup le tour du Québec en faisant de la route là, dans ma job, puis Montréal, on a de la misère. On a de la misère parce qu'on n'essaye pas. Mais on a quelques petits statuts comme CIBL. CIBL, bon, CSM, ils travaillent fort. C'est mais des bon, fois, les animateurs mais... manquent de charisme. Ils manquent de ce challenge-là qu'il y avait dans les années 50 avec ta voix, avec ton delivery, avec ce qui vient. Moi, personnellement, j'aime plus ça, entendre monsieur, madame, tout le monde, une opinion de monsieur, madame, tout le monde, comme quand j'écoute CISM. Ouais. Mais totalement d'accord avec toi que le charisme là, qui va te faire triper pendant deux heures, tu vas faire fuck, il m'a fait passer de la Howard Stern underground avec la voix ici, comme quand tu parlais dans Pirate Radio, tu parles de charisme, tu sais, quand t'as le personnage de Gavin qui revient, puis là t'as Jumping Jack Flash des Stones, le gars avec son chapeau en feu de sa plume, puis mais tu sais, c'est inspiré d'un fait vécu, ça, Pirate Radio. Ce qui est cool de ça, justement, puis t'as totalement raison, c'est t'as certains animateurs qui vont savoir captiver les gens puis qui vont se faire écouter pour leur opinion musicale puis des choses comme ça, mais il y en a de moins en moins parce que je trouve personnellement que la radio est devenue un peu une tribune de pseudo-humour. T'sais, c'est comme, let's go, on prépare 3-4 sketchs le matin, t'as Philippe Bond qui fait sa joke puis il fait le mauvais coup au boss, des affaires de même. Mais Cloud qui parle de sa graine. Il n'y a plus de contact nécessairement, t'sais, c'est comme... Je m'associe à ce gars-là parce qu'il fait jouer, j'aime ça. Puis j'aimerais ça, moi, avoir mon propre show radio à un moment donné qui dure deux heures de temps. Il y a un genre de retour à la maison où que j'ai pas tant d'animateurs, mais je serais tout seul avec deux, trois chroniqueurs. Et là, t'as ton show et ta couleur. Mais c'est parce que ça paraît tellement prétentieux de vouloir ça que les boîtes voudront pas te signer, voudront pas te le donner. Moi, je te comprends totalement parce que j'ai fait de la radio au cégep. Je l'ai fait quand j'étais au secondaire. Là, je fais un podcast avec Eric puis André. Puis du talk radio, là, moi la chose que j'aimerais le plus faire dans la vie, là, ça serait de minuit à 2h, n'importe quand, tous les soirs de la semaine s'il faut, ou un soir semaine si c'est les moyens qui sont disponibles pour moi, là, prendre des appels puis parler avec le monde. Comme Isa Ménard faisait pendant un temps en 98.5, mais n'importe qui. 98.5, ils ont coupé toutes partout. Les sujets, là, tout. Fin de semaine, il n'y a rien. Le soir, il n'y a rien. Juste du talk radio. Là. C'est pour ça que maintenant, je travaillais en musique pour la moitié de ma vie. Puis quand je suis en charge, je suis le gars qui écoute le moins de musique au monde. Je veux entendre du monde parler. Puis des opinions, peu importe le sujet, je trouve ça intéressant. Fait que tu sais, je te comprends totalement, t'aurais quelqu'un, au pire t'as un petit co-animateur juste pour pas avoir l'impression que t'as parlé tout seul, puis tu prends des appels ou quelque chose, quel sujet tu veux, bang, on rentre dedans, je dis mon opinion, t'es-tu content? Non, je m'en fous, c'est le show. Ouais. C'est chiant en crise que la radio anglaise est beaucoup plus évoluée pour ça, même à Montréal. Ah totalement. C'est comme, t'écoutes CJAD là, à minuit, il y a un show. Mais c'est, là, des, y a c'est quoi, toutes là. Des quotas, des affaires d'argent, c'est le code AM d'écoute. En plus, Chris, c'est AM, là, pis ça marche. Là. Hey, j'ai une bonne question aussi. Je me demandais si tu vivais de ton art, c'est quelque chose qu'on se demande. Ouais, c'est vrai. Me demande souvent, c'est-à-dire de nous amuser sur les réseaux sociaux. Sinon, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu travailles plus au servissoir, là, au coin. Non, ça fait un bout de temps. Oui, je vis de mon art. Non seulement je vis, mais je vis très bien de mon art aussi. Non seulement, pas tant avec le web. Avec le web, ça met du pain sur la table. Mais là où je vais faire mon argent, ça va être plus comme auteur en télé ou concepteur ou réalisateur en pub ou, tu sais, à gauche, à droite. Je vais réaliser... Comme je disais tantôt, tu réalises un gros coup, tu fais 10 000 piastres, mais après ça, t'es bon pour deux mois. Et pendant deux mois, mais je peux me consacrer à faire du fiston qui me rapporte pas, tu sais. Fait que c'est vraiment de jouer le système de la balance avec mes finances. Puis de... Mais oui, je gagne très bien ma vie avec mon art depuis environ... Je gagne bien depuis environ un an et demi, deux ans. Avant, écoute, je peignais des toiles, payais mon loyer, puis je roulais des fils sur des plateaux de tournage, tu sais, c'était n'importe quoi. Mais là, depuis deux ans, mon enfant, il y a de l'argent de côté puis il y a des placements pour ses études. C'est cool quand même, hein? ça doit être donner un sentiment d'accomplissement un peu à quelque part. Vraiment, pour elle, c'est drôle, on en parlait avec ma blonde hier soir quand on s'est couché. parce que justement, je disais, Chris, ça me fait chier de me faire blaster autant sur le web. Puis je l'avoue, là, je l'ai dit à soir, là, cette semaine, ça me fait bien mal, tu sais, de me faire traiter de. Le monde, ils savent pas tout ce que je fais. En tout cas, je suis pas là pour dire tout ouais, ce que je fais dans. Ouais, t'as eu une situation où c'était un biais ou quelque chose comme ouais, ça. Ouais, où j'ai mon BF, j'ai même pris le temps de dire que je vis dans ce quartier-là. Puis je le dirai pas et je le ferai pas. Puis je vais. Mais tu sais, je m'implique beaucoup dans mon quartier. Je fais beaucoup d'efforts pour que ce quartier-là change. Puis même du côté depuis tout le temps, j'ai un côté social très engagé. Je suis quelqu'un très engagé. Le Schlaga change bien de ces temps-ci. Le Schlaga change bien. Puis je vais t'avouer que j'ai travaillé très fort dans Schlaga aussi pour que ça change. Puis pour aider des gens. Puis que ça soit autant dans le communautaire, whatever. Puis et les gens ne savent pas ça, tout ce que tu fais en dehors de ta carrière. C'est là que je te trouve humble parce que c'est très rare que je te vois écrire ou dire exemple sur Facebook ou tout ce que je peux faire en dehors, c'est ouais. Ça. On te voit poster un fiston de temps en temps, puis c'était comme, tu sais, ah, oh, checker mon nouveau vidéo. Ouais. Tu sais, c'était comme pas vraiment. C'est le même sujet. Ouais. Puis là, c'est. Excuse. Non, ben, c'est juste pour dire, il pourrait être en train d'écrire. C'est moi qui ai écrit Tester sur des humains. C'est moi qui ai fait telle affaire. Mais il est pas en train de. Il est dans mon CV. Non, puis. Autant que des pubs, tu sais, c'est pas tout le monde qui sait que c'est moi qui ai fait de la pub Jean Lapointe avec les chars qui sont tombés, puis que c'est moi qui s'est fendu le cœur, puis que la fille qui parlait dans la vidéo, mais c'est une de mes meilleures amies, puis que c'est une de mes meilleures amies qui est morte, tu sais, puis que je me suis donné, puis que. C'était personnel, l'investissement. Ouais, c'est vraiment. Autant dans mon quartier, c'est comment je peux m'impliquer. Puis hier ou avant-hier, que ma blonde était couchée, puis elle disait, t'as pas l'air de filer, puis je dis, non, ça me fait vraiment chier, parce que je veux pas être le gars, je veux rester humble, puis ça fait partie. Pas d'une stratégie de carrière, mais je veux pas que tout le monde sache qu'est-ce que je fais dans ma vie privée, comment je peux m'impliquer, mais tu fais, Chris, pourquoi tout le monde me bâche de même, puis je rushais, puis je me disais, Chris, que je suis pas obligé de tout faire qu'est-ce que je fais au quotidien, puis d'être smart avec tout le monde, puis fait que faut que je trouve juste, en ce moment, je suis là, tu sais, je suis vraiment ouvert à ce soir, il faut vraiment que je trouve la balance entre les deux. C'est pas évident, parce qu'Internet, tu sais, ça peut venir te chercher. Ouais, vraiment. Puis honnêtement, regarde, puis je lisais beaucoup, il y a un site que j'adore qui s'appelle lifehacker.com dans le fond, puis ils te montrent des trucs pour hacker ta vie ou whatever. Ouais. Ça a l'air bien big, là. Mais ils mentionnent, ils disent, tu sais, honnêtement, là, puis t'avais des psychologues qui sont regroupés, puis ils disent, en moyenne, là, les utilisateurs hardcore de médias sociaux, donc ceux qui vont gérer des pages pour des communautés, ceux qui vont avoir des gros comptes, des choses comme ça, devraient prendre une pause à tous les 2 ou 3 mois d'environ 2 à 3 jours. Tu sais. Hey, juste pour vrai, tu là, fermes tout ça, t'as pas idée, rien. T'as pas idée. Tantôt, je faisais du snow, là, puis je me suis obligé de fermer mon cellulaire, parce que sinon, je le checkais au 10-15, à chaque descente, pendant le chairlift, je remontais. Ouais. Je vais tellement être sûr de répondre à chacun des fans, de tellement être là pour tout le monde, puis de répondre à mes 25 messages le matin quand je me lève avec mon café, parce que je trouve ça fucking important, parce qu'il y en a plus beaucoup d'artistes qui le font. Puis tu dis, moi, quand je te quitte, puis j'écrivais un email, ben pas un email, où j'envoyais une lettre à Jocelyn Thibault, goaler pour le Canadien, mais j'avais pas de réponse. Ça me faisait de la peine, mon dessin, qu'il soit pas liké par Patrick Roy, tu comprends? Mais on s'entend que c'est peut-être de la faute à Post Canada. Ouais, peut-être. Peut-être c'est peut-être. Les autres des fuckers. Sauf là, Facebook, il y a pas d'excuse. Puis ils l'ont vu que tu l'as lu. Ouais, c'est ça. Fait que t'as comme pas le choix. Puis des fois, les gens, ils sont super fins, tu sais. Ils m'écrivent, mettons, hey, je sais que tu dois pas répondre à tes propres messages, mais d'autres, si tu savais comment est-ce que ma blonde le sait, à 16 jours, semaine, même mon fils, le sait, quand je déjeune le matin, je prépare le déjeuner de mon fils, je fais mes affaires, tout le monde est installé, moi j'ouvre mon laptop, l'iPad ou le téléphone et je réponds à tous mes messages. Parce c'est, que demandant, si c'est demandant. Parce que mettons, tu as 17 emails. Là, le pire, c'est que des fois que ma blonde, là, dépendant des hits que j'ai fait durant la semaine, que ce soit à télé ou whatever, elle me dit, à matin, tu as 13 messages. Puis je l'ouvre, puis je suis comme, ah, 17, j'en ai 4 de plus, tu pensais. T'sais, on s'amuse avec ça. Là. Puis des fois, je suis super content, quand j'en ai 6, je suis bien content. Là, puis là, tu réponds à tes 6 messages. Puis là, tu te dis, est-ce que je le dis ça au monde ou ils vont penser que je le dis pour me faire aimer? C'est vrai que je veux dire? Ouais, c'est un esti cercle vicieux de, si je réponds à tout le monde, on me dit t'es têteux. Si tu le dis que t'as répondu à tout le monde, t'es têteux. Si je réponds pas à tout le monde, je suis un snob. Le moment où tu te cherches là-dedans, t'essaies de juste... Si tu dis que tu réponds pas à tout le monde, t'es un trou de cul. C'est puis si tu dis à tout le monde que tu réponds à tout le monde, t'es un snob parce que tu te trouves donc... Mais tu sais, c'est tellement tu pas. Tu peux ça, jamais t'sais. T'en sortir dans les codes web. C'est niaiseux à dire. Mais je t'entends parler de ça. Puis tu sais, t'apportes un point qui est intéressant. Puis moi je suis curieux là-dessus. Tu sais, tu me dis, toi, dans le fond, dans ta vie, tu sais, dans ton quotidien, c'est important pour toi d'aller répondre aux fans, d'être à la proximité d'eux autres. Mais là, tu parlais de ta blonde, justement. Puis là, tu sais, un matin, t'as 13 messages, des affaires de même. Mm-hmm. Elle a géré ça comment? Parce que c'est sûr, toi, dans le fond, t'as le téléphone, t'as l'iPad, puis là, tu veux être proche d'eux autres. Ouais. Puis tu sais, t'expliques ça comment? Pis... Mais ils le savent, puis je pense que j'ai bien établi ça dans ma famille, puis avec ma blonde, puis avec mon fils. Quand je travaille, je travaille. Puis mon fils, sa soeur, il sait tout de suite. Et quand j'ai mon téléphone dans les mains, c'est rare que je vais le faire dans sa face. Mais si maintenant je suis en train, il me tape toujours sur l'épaule et il dit est-ce que tu travailles? C'est toujours la première question qu'il me pose. Mais c'est cool ça au moins. Est-ce que tu travailles? Puis je suis comme non, pas pendant tout, je joue à Angry Birds. Ok, fait que je fais mon sel, puis là on va jaser. C'est une question à me poser. Puis si je fais oui, deux petites secondes, je réponds un message, il attend. Il attend, il est bien smart, il va être bien cool, il aura pas de stress. Ma blonde, ça a été une période d'adaptation, je te dirais. Puis ça a été plus en dehors, elle. Ça a plus été les filles. Puis ça, c'est normal. Je pense que si c'était ma blonde qui pognait parce qu'elle fait des affaires. Moi, dans ma vie, j'avais jamais pogné. J'étais pas le. Tu sais, à l'école secondaire, j'étais pas le gars qui pognait. Mais une manière, tu fais des jokes sur le net. Puis il y a des filles qui trouvent de leur goût. Puis qui se mettent à triper sur ton cas. Puis moi, j'avais jamais eu à dealer avec ça. J'étais pas le beau gars à l'école, tu sais. Et là, du jour au lendemain, tu gagnes un Olivier. Tu deviens drôle. Tu deviens un peu plus mainstream. Et là, tout d'un coup, il y a des filles qui veulent mettre ton pénis dans leur bouche, tu sais. Fait que là, parce qu'il y a ceux qui veulent te parler, puis t'as ceux qui veulent coucher avec toi, puis t'as ceux qui te trouvent beau. J'imagine juste à quel point que c'est toi, parce que moi, j'ai des fois des petites propositions weird de même, puis je suis à rien. Tu fais des jokes sur le web. Je fais des jokes dans mes statuts qui sont pas intentionnellement des jokes. Voulu, c'est je dis juste qu'est-ce qui me passe par la tête. Mais je t'es quand même, tu commences à avoir une personnalité web pareil. Un peu. Puis avec le podcast, puis j'ai dit ça. Fait que j'imagine juste toi qui a des millions de views sur les vidéos. Des messages que on peut m'envoyer. Mais je t'avoue que les filles sont plus. Ont plus de classe dans leur email. C'est plus. Hey, est-ce que t'as une copine? Est-ce que t'as vraiment un enfant? J'aimerais ça aller prendre un verre avec toi. Tandis que les gars, c'est des. Les gars, c'est des gars. Mais j'ai pas de gars qui m'écrivent de me mener sa bédaine. Moi, tu vois, c'est l'envers de toi un peu. C'est, tu sais, la raison. C'est des gars, lui. Non. C'est correct. Pas pour ça. Mais la raison pourquoi je t'ai posé la question, c'est que, tu sais, justement, nous autres, c'est sûr, c'est à plus petite échelle, tu le quittes. Mais, tu sais, regarde, mettons, il y a l'enregistrement, il y a l'édition, il y a ci, il y a ça. Puis, tu sais, récemment, tu sais, c'est sûr, je parlais, là, on va avoir une deuxième émission qui s'en vient. Puis, tu sais, je parlais avec ma blonde. Puis, elle a dit, ah ouais, un deuxième show. Puis, OK. Puis là, tu sais, c'est qui va faire l'édition? Puis, tu le quittes. Fait que, tu sais, la raison, j'étais curieux un peu de savoir, tu sais, à ton échelle, ça représente quoi? Parce que là, t'as l'écriture, t'as ci, t'as ça. Ça doit pas être évident à gérer pareil. Mais t'sais. Non, parce que c'est plus quand est-ce que tu décroches? C'est ça. Puis c'est elle qui m'aide beaucoup. Moi, si j'avais pas ma blonde, là, pour vrai, là, je rusherais en crise dans la vie. Pas que je suis dépendant de elle. Je serais capable de fonctionner. Mais professionnellement, elle m'a tellement aidé à me dire « Joe, lâche ton esti de téléphone. T'es pas obligé de leur répondre tout de suite. » Ouais. Mais non, mais ces gens-là m'ont écrit qu'ils m'aimaient. Faut bien que je leur dise un petit bonjour. Un petit... C'est pas grave. Ils peuvent attendre à ce soir quand moi, je vais être parti travailler puis que je vais être tout seul à la maison. T'as raison. Je vais profiter du moment présent avec toi, tu sais. Là-dessus, elle était forte. Là où ça a été plus difficile pour elle, ça a été, mettons, quand l'été passé ou l'autre année d'avant, quand, durant le ZooFest, où tu fais un show, j'avais gagné artiste de l'année. Puis là, t'avais comme beaucoup d'attention sur moi. Puis là, tu sors, puis t'essaies d'être fin avec tout le monde. Puis là, t'as des filles qui viennent te voir, qui veulent te payer un drink. Puis moi, pour vrai, là, je suis fucking mauvais là-dessus. Comme je disais tantôt, je suis pas le gars qui pognait au secondaire. Fait que je le vois pas, moi, quand une fille me trouve. Tu le prends, puis tu jases. T'as une belle fille qui te parle. Ben, elle est sympathique. Il voulait rien savoir de moi avant. Pourquoi qu'elle voudrait être quoi? Tu sais, c'est comme, j'ai ça. Le côté tata. Ouais. Fait que moi, je parle avec la fille. Ok, c'est cool. Ma blonde fait, excuse-moi, ça fait 25 minutes, il parle dans ma face, là. De quoi tu veux dire? Bon, on parlait qu'elle a un chalet, pas loin de Jersey. Elle m'invitait la semaine prochaine. Puis tu sais, non, t'as raison, excuse-moi. Puis tu sais, et là, on a développé un truc. Okay. L'année passée, et là, c'est drôle parce que je dis mon truc de couple, puis on l'enregistre. Là. Fait que là, les filles vont être au courant s'il y a ça. On va savoir si on le fait. Okay. Quand ma blonde voit que les filles me crousent trop dans sa face, ce qu'elle fait, c'est qu'elle interrompt la conversation, puis elle dit « Fait que vous voulez une photo avec lui? » Elle dit « Tu veux que je prenne ton cellulaire? » Et la première fois qu'elle a fait ça, je dis « C'est quoi ton esti de problème? » C'est des gens qui trippent sur ce que je fais. Pourquoi tu vas parler? Elle dit la fille, c'est deux fois qu'elle te disait qu'elle te donnait son numéro de téléphone. Elle dit là, ça avait plus rapport avec ta carrière. Ça fait rapport qu'elle voulait fourrer avec toi. Puis ça, ben, en tant que fille, ça me gosse. Les filles, ça voit ça tout de suite. Ouais, moi, je le vois pas en tout, tu sais. Peut-être comme, puis c'est pas hypocrite, tu sais. Pour vrai. Non, mais t'es en mode PR aussi. Ben ouais, moi, je suis comme, jamais ce que tu fais. Ah, merci, t'es bien fine. Ben, je t'ai vu en spectacle à telle place. T'étais venu à Blainville, mané. Ah ouais, ça se peut. Fais de la tournée un peu. Ah, ok, da. Puis t'es comme, ben oui, bien fine. T'es fine, la fille. Mais non, elle t'a dit deux fois qu'elle habitait à telle place, puis qu'elle voulait te voir. Puis t'es comme, mais tu paranoïes. Fait que tu prends une photo. À ce point, elle fait, tu veux que je prenne la photo. Puis la fille fait, ah oui, c'est gentil. Fait que là, la fille, elle sait pas c'est qui encore que c'est ma blonde. Fait que là, elle prend la photo, plein de fois qu'elle fait « Ah, t'es mon amour », puis elle me le donne à moi pour que je le donne à la fille. Et là, c'est comme ça, c'est ninja, coup de pied, sidekick, sa gueule, that's my man, tu sais. Et là, moi, ben, c'est important, tu sais. Fait que là, c'est comme... elle peut faire un bon petit coup de griffe, en plus, ça s'amuse. Oui, c'est ça. Fait que là, je fais comme « Ah, elle est belle, la photo, tiens. » Et là, je fais « Merci, ma belle. » Fait que là, je dis à ma blonde « Merci, ma belle. » Fait que là, on comprend, tu sais, la fille, c'est comme « Gars, je coucherai pas avec toi. » T'es bien cute, t'es bien fine, mais non, tu sais. Ouais. Mais où est-ce que l'offre du trip à trois embarque? Ah, ça vous regarde pas rentrer. Ça, on va en parler en ronde. Si t'es une fille qui trippe sur Kink, puis Pornhub, puis des affaires vraiment trash, viens me jaser. E-fuck. Sinon, j'ai des gens qui... Es-tu commando? T'as quel âge? Es-tu comme... Je veux savoir si tu as des projets de télé, continue ton beau travail. Il a dit tantôt, il y a quel âge? J'ai 30 ans. Es-tu commando? Je ne suis pas un commando. Poitrine ou cuisse? Ah, bonne question. Ah, le commando, le par poulet, exemple, c'est la barbe. Le poulet ou les femmes? Ça, c'est la barbe de Undercover, là. Tu fais tes rondes en Afghanistan. Ah, moi, je pensais plus à s'il y a des bobettes ou pas. Ah, ouais. Je porte des boxer Hans qui m'avaient sponsé quand j'avais fait des photos avec eux autres sur le bord oui, de l'autoroute. C'est vrai. Ils m'ont donné une caisse de boxer qui sont fucking confortables. Tu vois, sur l'autoroute, tu voyais un gros panneau avec Joe couché. Couché de côté. Le pire, c'est que j'essayais d'être le plus laid possible, man. Puis le pire, c'est que j'avais perdu beaucoup de poids. Puis j'essayais de sortir ma bédaine. Puis quand ils m'avaient engagé, ils voulaient que je sois gros. Donc, en tout cas, poitrine ou cuisse. Moi, t'avoue que je suis plus fesses. J'aime bien les fesses. Ok, fait que tu parles pas du poulet, là. Non, on sait très bien qu'elle ne parlait pas du poulet non plus. Ok, c'est bon. C'est moi, je veux savoir. Elle, je parle sur mon téléphone, je vais prendre une photo avec vous deux. qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que tu refais les aux fesses? On l'a dit tantôt. Crémeuse traditionnelle, on a répondu à ça. T'aimes mieux les petites dures ou les grosses molles? Je suis pas de type pénis, je suis désolé. J'ai rien contre ça. Comment ça va le snowboard? Super bien. Merci Jean-Luc Les Tourneaux. Ça va très bien, je tombe quasiment plus en snowboard. Hey, parlant de grosses molles puis de petites dures. Ouais. Je sais pas si je peux en parler, mais ton affaire que tu veux faire, ouais, ben, je trouve ça cool. J'ai vu sur Facebook que t'organisais un événement. Malheureusement, à cause de ma blonde qui travaille, je pourrais pas être là. Ça me fait chier parce que j'avais vraiment le goût d'embrasser un homme gay. Ouais. Mais tu fais une vidéo où je sais pas si. Jusqu'à quel point on peut dire que t'es réalisateur, producteur, acteur, tout. Ben, tu sais, mais... on en parle là parce que c'est à petite échelle, là, semblant. C'est sûr, ouais. Puis, de toute façon, quand que l'épisode va sortir, ça va être déjà tourné. Ok, ben, je fais un truc mercredi soir. Pour contrer les Russes. Ouais, ben, je veux pas dire les Jeux Olympiques. Non, c'est parce que c'est un documentaire que j'ai vu sur Human Rights. On parlait tantôt en off-micro, on est des trucs de documentaires. Et où on voyait des gays se faire battre en Russie. Par des clans. Puis ça existe dans. C'est pas juste en Russie, là, ça peut arriver en Uruguay, ça peut arriver n'importe où. C'est des gens qui se parlent des clics, puis qui donnent rendez-vous à des homosexuels, et puis qui les crousent sur Internet. Ah, comme dans Boogie Nights, un peu. Qui les battent. Il y a une scène de ça dans Boogie Nights, me semble. Qui les battent, mais c'est ridicule. Ils se filment, puis ils collent ça sur YouTube, tu sais. Et quand c'est grave, ça, là. C'est, non, mais c'est grave, triste, c'est un, là, ouais, ça fait mal. Je te dis, le documentaire dure 5 minutes. Autant des deux côtés que le gars qui subit ça, que c'est triste d'avoir quelqu'un. Ou que je considère d'arriéré mental qui ça. Fait ça à quelqu'un puis qui est fier. Et là, je me suis retrouvé à regarder ce documentaire-là chez nous. Et quand ça a fini, je t'avoue que j'avais vraiment la gorge vraiment serrée parce que tout le long, j'imaginais qu'on faisait ça avec à mon kid. Ouais. Je me dis, si moi, mon kid, il est gay puis qu'on lui crisse une volée parce qu'il est gay, je vais vouloir te tuer, tu comprends? Et j'ai des amis qui sont gays. Et dernièrement, on parlait de messages que je prends le matin. La fille voulait pas que j'en parle, mais en tout cas, finalement, un de ses meilleurs amis a mangé une volée dans le village parce qu'il est gay. Et puis, ils m'ont demandé de mettre un peu de pushing là-dessus pour essayer de retrouver les gens qui l'avaient battu. Finalement, ils ont retrouvé les gens, puis ils m'ont demandé, en tout cas, non, c'est beau, fais rien. Puis moi, j'étais comme, man, je suis primé, là. Moi, t'as aidé en estime à trouver les quatre qui ont fait ça. Moi, t'es trouvé, moi, publié ça sur Internet, là. Et puis, finalement, quand la vidéo a fini, j'étais assis dans mon couch, puis je me disais, si ça arrive un jour à mon fils, qu'on le bat parce qu'il est efféminé, on le bat parce qu'il est gay. Je trouvais ça ridicule et je me disais, après ça, à l'inverse, je m'en étais toujours pas foutu, vraiment pas. T'sais, on s'en fout pas de l'homophobie, mais c'est pas quelque chose que quand t'es pas gay, tu y penses pas. T'sais. Ouais. Et là, je me disais, fuck, mettons, moi, on m'empêchait d'aimer ma blonde. On m'empêchait d'aimer la femme que j'ai en ce moment. C'est la personne que j'ai le plus aimée dans ma vie après mon fils. Je l'aime comme ça, ça a aucun sens. Je me disais, si on m'empêche d'aimer cette fille-là et qu'on me bat parce que je l'aimais, comment je réagirais? T'sais? Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire moi pour aider? Je me suis dit, tout le monde fait des campagnes de sensibilisation. Je me suis dit, man, je vais aller frencher des gays, là. Puis après ça, je vais regarder la caméra. Je me suis dit, dude, j'ai pas pogné leur virus parce que c'est pas une fucking maladie, tu comprends? Fait que crissez leur patience. Parce que mon premier réflexe, je parlais avec Dave Morgan, un de mes amis. Ouais. Puis un autre humoriste. Puis je dis à Dave, j'ai juste le goût de colisser mon camp en Russie, donner une volée à tout le monde. Je me dis, ah, moi aussi. Puis je dis, man, on serait pas plus brillants que ces gars-là, tu sais. on se rabaisserait à leur niveau, tu sais. Tant qu'à ça, là, moi, si physiquement je pouvais, là, je me mettrais frontline en avant, puis je dirais, là, vous leur collissez patience. Tu sais, comme à l'école, quand tu vois un gars se faire écœurer, puis tu fais, là, ça fucking suffit, tu comprends? Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour rendre service? Fait que là, on organise un événement mercredi dans un studio avec des amis où des hétéros vont embrasser des homosexuels. Il va y avoir des infirmières, des docteurs sur place. Puis ils vont juste nous checker pour faire... Des vrais docteurs, là? Pas des acteurs. Et là, ils vont faire comme... Non, on vous a checké, vous avez aucune fucking maladie. Vous n'avez pas attrapé l'homosexualité parce que ce n'est pas une maladie. Colissez leur patience. Tu veux vraiment pas qu'il y ait qui pogne de quoi, par exemple? Non, ça serait malaisant. Fuck. Fait que moi, je vais me prêter au jeu. Ma blonde ne sait. Je vais frencher des homosexuels pour montrer, regarde, je ne l'ai pas attrapé leur virus. Ils s'aiment entre eux autres. Colissez leur patience, tu sais. Fait qu'on fait cette vidéo-là. On veut s'essayer de sortir pour la Saint-Valentin. Fait que pendant 2 jours, je dormirai pas. On va juste faire le montage de cette vidéo-là. Puis, Ma femme va prendre des photos pour pas trop être jalouse des gars que je vais m'embrasser. Ah, parce que tu voulais une photo, c'est ça. Je voulais une photo, c'est ça. Mais moi, j'ai une photo avec des gars. Mais. Non, fait que je me prête au jeu. Puis, il y a plein de gens qui ont embarqué. Puis comme tu me disais, tu veux mettre des sous-titres. Ouais, il va être sous-titré en russe. Ouais. Mais deux versions ou le il même va, non, il va être sous-titré en anglais et en russe. Automatiquement. Automatiquement, on va tout écrire. On a trouvé quelqu'un qui va traduire tous nos textes. Malade. Puis, ça va être écrit. Tu vas avoir 2 personnes s'embrasser. Tu vas avoir au-dessus de la tête d'une personne, ça va être écrit gay. Puis l'autre, ça va être écrit straight. Puis ça va être comme, regarde, ils s'embrassent. Puis ils se transmettent rien. Là. L'homosexualité, c'est pas un choix. T'es né comme ça, tu sais. Ouais. Puis. Moi, j'ai des amis qui, personnellement, l'ont eu rough en tant qu'homosexuel. Puis je m'étais toujours dit, ah, un jour, je ferai quelque chose. Ou, tu sais, si une co, ça me touche. On dit tout que ça nous touche, mais qu'est-ce qu'on fucking fait? On fait rien, tu sais. Juste nous autres, en tant que tel, on dit, bah, moi, je suis pas homophobe. Puis c'est ça, mais ça chasse. Mais il y a quand même des gars qui se mettent en gang le vendredi soir. Pour taper des yeux. N'importe quand, ça se passe à Montréal aussi. Ça se passe partout, puis ça concerne tout le monde. C'est niaiseux à dire, mais Marc Derry avait écrit une toune il y a plus que 10 ans, à peu près. Puis c'était carrément ça, c'était « On s'en va », je me souviens pas c'était quoi là, le titre de la toune, mais c'était comme une mise en scène, un peu comme ton texte d'Urbania, là, tu sais, que le monde comprenait mal, mais lui, il disait « On s'en va faire du gay bashing ». Mais tout le long, l'histoire, c'était le gars qui allait contre son gré, puis qui se faisait traîner là, puis que dans le fond, il disait « Le monde est cave de faire ça ». Mais qu'il le faisait. Puis il est embarqué là-dedans, puis c'était carrément à Montréal, les références de coins de rue, tu sais, puis tu le filais vraiment, puis tu fais « Christ, ça se passe ici de pareil ». En Russie, c'est juste la loi. Ouais. C'est encore pire. Puis c'est atroce de voir, puis qu'il n'y a pas juste la Russie. Là, c'est poussé par le gouvernement. Il y a les Olympiques en ce moment, c'est pour ça que c'est, y a un cover là-dessus, mais... Ça se passe pas juste là, non, man. C'est dans tellement de pays où des gens peuvent même pas s'aimer. Mais juste en France, les manifestations qu'ils ont eues en plus avec les gens. Nice, qui... Mais c'est difficile. Ben, personnellement, quand je vois ça, je fais comme tabarouette. Non, mais tu sais. C'est où ce monde-là qui... Je sais que c'est ailleurs, mais en même temps, je me dis comme tabarouette. C'est-tu moins ou... C'est moins rien que ça. C'est parce je comprends juste pas pourquoi que là-bas, c'est encore. Mais t'as du monde qui mange pas. T'as des cataclysmes. T'as un paquet de merde. Puis. Le plus gros soulèvement qu'on voit dans la majorité des endroits, c'est on veut empêcher des gens du même sexe d'être ensemble. Ouais, calvaire, me semble, ça fait quoi ça? Ça va-tu régler des problèmes dans le monde? Puis on est rendu à autre chose, me semble, un moment donné. Là. Puis tu fais juste te poser la question si on t'empêchait de t'aimer ta blonde, tu comprends? C'est là que ça m'a frappé. J'ai toujours dit je suis pas homophobe, mais c'est là que ça m'a tapé assis dans mon divan à me dire est-ce qu'on m'empêchait d'aimer ma blonde? Là, puis qu'il y avait des lois pour ça, puis qu'on me tapait sa gueule pour ça. Mais c'est eux autres qui ont raison parce que. Ils s'aiment quand même, ils ont le droit. Ouais, mais ça, oui, mais je veux dire, d'après leur loi là-bas, ceux qui te tapent sa gueule. Ils ont le droit. C'est eux autres qui ont raison. Oui, parce que justement, dans le documentaire, ce que tu vois, c'est que les gens portent plainte et la police ne fait rien en leur disant mais vous êtes gay, c'est illégal. La police n'a pas grand pouvoir en Russie. Je veux pas. C'est pas juste les Russes qui sont homophobes, puis c'est pas juste. Non, c'est ça. Je trouve ça dans l'air aussi parce qu'il y a un bashing sur les Olympiques. Le mot russe, puis moi le premier, le sort souvent ces temps-ci en disant dans vos dents d'homophobe, maudit russe, en postant une vidéo. Mais il doit y avoir bien des Russes qui sont homophobes. C'est ça, là. C'est pas. C'est de la généralisation humoristique en même temps d'amener le fait réel là, mais comme tu dis là, c'est le même partout dans le monde pareil, totalement là. Ce qu'on va faire malheureusement c'est qu'on va continuer la thématique un peu plus deep. Uh-huh. On va malheureusement devoir passer au mot de la fin. Ah, car j'avais toute un bonne chose à une fin. C'était la première fois qu'on me le demandait. Oh. Veux-tu m'épouser de Angélique Perrault? Je suis vraiment désolé. Je suis amoureux de ma femme. Comme ça n'a pas de sens. Puis c'est là que je vais marier. Mais elle va prendre une photo, photo volontiers. On se fait-tu un blitz dans le fond avant de. T'en as-tu des rapides? Tu peux répondre. J'essaie de voir, là. Mais c'est ce qu'on dirait qu'il veut pas faire de refresh. Qui tape. On va voir si je n'ai du tout. Tu sais, quand tu n'as trop Facebook, tu sais, quand t'as trop de questions, là. Tu sais, quand tes affaires vont bien. Moi, j'en avais une bien vite. C'était moi personnel, par exemple. Vas-y. T'aimes-tu mieux être devant ou derrière la caméra? Puis derrière, peu importe. Derrière la caméra. Peu importe le rôle que tu fais. Le réalisateur, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. OK. C'est mon but ultime de tout ce que je fais depuis que j'ai 13 ans, c'est pour faire un film un jour. Depuis que j'ai l'âge de 18 ans, je l'ai écrit ce film-là. Ça s'appelle Cantaloupe. Puis j'espère vraiment sortir d'ici comme 4-5 ans. J'aimerais vraiment ça. C'est depuis tout le temps, c'est juste ça que je veux faire. Cantaloupe. Cantaloupe, ouais. Tu veux pas en parler ou tu dis le titre pour nous piquer curieux? Je peux te faire un synopsis vite vite. Ça serait cool, ça. Non, attends, je veux le pitch de 30 secondes. Ouais. Okay. C'est l'histoire d'un gars qui travaille dans le restaurant son père. Il est plongeur. Et puis un jour, son père décède et lui lègue le restaurant. Mais il a jamais voulu de ce resto-là. C'est un gars qui voulait faire ses propres affaires. Et puis, il se trouve à une place où il voudrait pas être. Il hérite d'un resto. Il gère une marde qu'il a jamais voulu. Fait qu'il est comme pris dans cette situation-là. Et à sa première journée qu'il rentre, il y a une erreur de commande. Il se retrouve avec 5000 cantaloupes dans son backstore à essayer de passer. Qui est un des fruits qu'on déteste le plus. Et là, tout le monde s'obstine. T'as des statistiques là-dessus, j'imagine. Ben, c'est juste que... Mais va au Cora, là, regarde les cantaloupes, c'est orange dans l'assiette, c'est tout. Ouais. Qui s'achète un smoothies au cantaloupes, tu sais, je veux dire... Fait que là, tout le long du film, tout le monde dit cantaloupes, tout le monde s'obstine. Mais bref, c'est une comédie, mais il y a un beau fond dans l'histoire, justement, cool. Sur le fait que t'es pris dans une situation que tu n'as pas choisie et dans une situation absurde. Et ça me fait tellement rire. Je travaille sur un autre synopsis aussi qui est similaire. C'est un gars qui se retrouve toujours dans une situation qui n'a pas voulu être. Parfait. Ça. Absurde un peu, absurde j'imagine. Absurde un peu, ouais. Mais avec... Mais réaliste. Moi, j'ai une question par rapport à ça, puis je m'en permets. Là. Vas-y. Ton casting actuel, ça serait quoi dans Cantaloupe? Tu sais, mettons ton Dreamcast, là, qui fait quoi, comment ça marche? Pas la console ton gars, là qui hérite du resto, ça serait qui présentement que tu prendrais? Mais pour vrai, là, moi, je prendrais Michael Cera pour jouer le rôle du... Nice. D'autres qui hérite le resto. C'est vraiment le casting. Chaque fois que j'écris sur mon scénario, c'est lui que je vois. C'est lui. Ouais, c'est lui que j'ai dans ma tête. Fait que je verrais un gars dans le même style. Dans le même style de jeu aussi. Tu sais, gêné. Tu pour le Matt Cera canadien, Jay Baruchel. Ben, tu sais, le plus c'est que Jay Baruchel, je l'aime beaucoup aussi, moi. Je le verrais aussi là-dedans, mais. Tu sais, comme pour mon rôle principal, parce qu'il y a une fille à l'intérieur de tout ça aussi qui est une serveuse de qui il est amoureux, fait que dans le fond, tu catches qu'il est resté plongeur, pas parce qu'il voulait rester loser toute sa vie, mais c'est juste que des fois dans la vie, on est prêt à beaucoup pour une personne qui nous aime pas. Okay. Et puis j'ai déjà dans ma tête qui jouerait ce rôle-là, c'est Marie-Soleil Dion. Si j'ai eu peur, tu dises tout gars. Non. Parce qu'elle, on l'a déjà casté dans une couple d'épisodes. Là, puis... Non, ce serait Marie-Soleil Dion, qui est une comédienne qui joue dans Vrac la vie, qui joue dans. J'adore tellement cette comédienne-là, elle est tellement bonne. Puis c'est ça. Ah, c'est cool. C'est pas mal dans mes rôles principaux, ce serait ça, ouais. Ben, hâte de voir ça. Puis, mais je vous le promets, je travaille fort, puis c'est mon but, c'est de sortir ça un fait jour. Fait que dans à peu près 5 ans, on va couvrir le lancement. Ouais, je vais venir ici sans problème. Parfait, ça. On va t'accueillir à bras ouverts. Parce que regarde, honnêtement, je peux me permettre de dire ça pour pas mal tout le monde autour de la table, mais c'est une des entrevues les plus intéressantes qu'on a eues depuis le début du projet. Génial. Bien content que tu aies accepté de venir passer la réponse. Les autres entrevues, vous étiez correct aussi, on vous aime quand même. On adore tout le monde. C'est sûr et certain que on aime quand le flow est rapide. Puis honnêtement, on a touché un paquet de sujets qu'on toucherait peut-être pas nécessairement au collectif. Puis tu sais, ce qu'on disait un peu plus tôt dans l'épisode, c'est justement... Le mot geek intimide des gens. Ouais. Puis autant qu'on a été geek dans certains sujets, on a resté quand même d'actualité. On a touché un peu à tout. Puis merci d'être venu partager avec nous autres à soir. Gros, merci. C'est vraiment intéressant. Bien apprécié. Et moi, j'aimais ça du talk radio. C'est ça le concept. Bon, ben regarde, on va refaire ça. Okay. C'est sûr et certain. Donc, nous sommes le Geek Collectif. Mon nom est André Paquette. Vous pouvez me suivre via Twitter au @uzumakiqc. Vous pouvez suivre Geek Collectif sur Facebook. Vous pouvez également nous envoyer vos suggestions, vos commentaires au podcast@geekcollectif.com. Milter, les gens veulent te suivre, ils font ça comment? Vous pouvez me suivre, mon nom sur Facebook, ma page, pas ma page, mon Twitter, Zombie Milter. Mon Instagram, c'est Milter187, je pense que c'est si je me trompe pas. Le même nom que j'ai sur Xbox One. Xbox 360 et PS3 et Wii U aussi, je pense. Oui, c'est vrai. Probablement. Puis je vous dirai pas mon numéro de 3DS. C'est trop long, ridicule de mettre des numéros. Donc, Joe, comme tu as compris, c'est le moment de la plug de la soirée. Donc, plug-toi. Hey, man, pluguez-moi. Allez lire mes textes sur Urbania parce que j'essaie de convaincre des gens de publier un livre avec toutes mes anecdotes puis faire un livre qui s'appellerait One Man Show pour emporter. Qui serait, j'ai pas le temps de faire des shows, mais j'ai le temps de vous écrire des jokes. J'ai pas le temps d'aller à Rouen faire rire. J'aimerais tellement ça en plus, mais je suis tellement occupé. Puis, il faut partager le plus possible les textes sur Bania parce que j'essaie en ce moment de convaincre des producteurs et des maisons d'édition de regarde, je suis capable. Moi, je suis convaincu. En tout cas, pas besoin de me convaincre. Je parle, j'ai share déjà tout. Merci avant bien, même des lits, je bien. Sais que ça va être bon. Fait que... Puis le restant, ça va être surtout de. Qu'est-ce que j'ai pas grand-chose à plugger. J'ai juste des choses à aller, puis je verrai, mais. Non, j'ai rien d'autre à plugger que merci. Checker les génériques, dans le fond. Quand vous écoutez un show, vous trouvez tellement ça bon. Il y a des méchantes bonnes chances. Il y a plein de gens qui savent pas que les détestables, j'ai travaillé là-dessus pendant 2 saisons, puis j'écrivais des jokes. Testé sur des humains, là. J'écoutais ça régulièrement, là, avec ma femme, là. On checkait ça, puis à un moment donné, nowhere de même, à la fin, le générique part, puis. Tu sais, des fois, t'es dans la lune, tu portes pas attention, tu te mets, tu te reviens dessus, puis là, je. Jonathan Roberge, Alex Champagne, les deux one-shot un après l'autre dans hauteur. Je suis tabarouette. Le monde est petit, dans le fond. Mais là, c'est que les gens ne se rendent pas compte que des shows qu'ils aiment. Tu sais, maintenant, il y a plein de gens qui m'ont dit ah, moi, je ne pas beaucoup la télé, sauf telle puis telle émission. Tu fais ben, c'est drôle que tu dises ça parce que c'est les deux shows que j'écris. Même. C'est ça, tu sais. Ah, moi, j'écoute Tessie sur des humains, les détestables. Ben, j'écris sur les deux, mon chum, puis t'écoutes ce que je fais. Fait que ça se peut que t'aimes mon humour, là. Ou, tu sais, Urbania, il y a plein de gens qui m'ont dit jamais je lisais des blogs avant. Jamais, jamais, jamais. Mais les tiens. Mais les miens, je les lis parce qu'ils sont comme des stand-up. Mais le pire, c'est que le monde ne savent pas que je recycle des stand-up que je fais plus, tu sais. Tant qu'à les laisser dormir dans mon ordi, je les retravaille littéralement. Ouais, je les retweak. Fait que ce que tu me dis, dans le fond, c'est d'aller liker la page de Jonathan Roberge sur Facebook. Ouais. Où on va avoir les blogs d'Urbania. Ouais. Et tes projets aussi en cours à ce moment-là. Ouais. Ça va nous permettre d'être en contact avec toi. Je peux pas toutes les dire encore. Fait que... ouais. Pas de problème. On va rester à l'écoute pour ça, c'est sûr et certain. Eric, les gens qui veulent interagir avec toi. Ben, Montréalien, là, pas mal n'importe où, là, à part du dude qui a fait un blog en 2004, montréalien.com. OK, fait que ça, c'est pas toi, ça. C'est pas moi, là. Okay. J'étais bien content qu'il y ait une belle expérience à Montréal quand il étudiait à McGill, là, mais c'est pas moi, ça. T'as lu son blog, ça veut dire. Là, ben, montréalien.com, c'est une des choses que j'ai checké, là, il y a 5 ans, puis c'est le seul. Okay. C'est donc bien drôle, ça. Le doute qui t'a volé ton nom de blog. Donc, merci d'avoir été avec nous cette semaine. Merci, Joe, d'être avec nous autres. On se revoit dans 2 semaines pour notre épisode spécial, le Zombicide. Ça fait assez longtemps qu'on vous en parle. Ça va arriver pour vrai. On joue enfin notre game de Zombicide. Donc, merci à tous. Puis, si t'avais une toune, Joe, que t'aimerais entendre un cover à la flûte. Écoute, moi, une de mes chansons là, vraiment fétiche, là, la vie, là, c'est When I Was Young de The Animals. On va essayer de trouver ça. On va essayer de trouver ça puis de mettre ça. Sinon, t'as la chanson du parrain, c'est mon film préféré. Fait que ça va être plus facile à trouver. À la flûte, ouais. Et voilà. À la flûte. Donc, on drop la flûte live là.